Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 38, Séguran, le chevalier au dragon. Bonjour et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. On espère que vous passez un bon été pour nous retrouver, pour nous écouter sur les plages, ce nouvel épisode de Rex Quondam, Rexque Futurus sur un sujet médiatique, un sujet brûlant, un sujet qui a déchaîné les foules, Séguran, le chevalier au dragon. Avant ça, on va quand même vous parler un petit peu d'actualité, là on est presque dans la catégorie courrier des lecteurs, service de presse. On nous a envoyé le premier volet d'une réécriture du cycle arthurien qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle Arthur cycle intégral et qui a pour but en fait de réécrire toute l'histoire arthurienne des sources canoniques classiques qu'on a abordées dans cette émission. L'auteur Tristan Pichard nous a très gentiment envoyé un exemplaire. Alors, du coup, j'ai pu le lire. C'était assez intéressant. Alors, c'est évidemment quelque chose qu'on revoit surgir régulièrement, cette tendance un peu complétiste à vouloir faire toute l'histoire arthurienne. Il y avait bien sûr la série de livres de Jean Marcal. Il y avait plus ancien Graal Théâtre, c'est un peu ça aussi. Sur le plan du théâtre, il y avait aussi les Jacques Blanger qui avait fait les romans de la Table Ronde, et puis même on peut remonter encore jusqu'à Paulin Paris qui avait fait une espèce de traduction-adaptation du Lancelot Graal, déjà au 19e. Donc c'est pas du tout, malgré la jaquette de l'éditeur, c'est pas la première fois qu'on a fait ça, mais c'est vrai qu'il y a des choix assez intéressants, et la volonté de se concentrer sur des sources françaises. Donc il n'y aura pas d'allusion à Parsifal ou le Chevalier Vert j'ai trouvé ça assez intéressant, et même Geoffrey c'est pas assez français, donc on le mettra pas dedans. Il y a la volonté d'intégrer aussi quelques petits épisodes du Perce Forest, donc qui reprennent un peu, j'ai l'impression, le florilège que Roussinot avait fait. Le roman de Silence va être mêlé à Grisandole, donc le premier volet c'est vraiment début du cycle arthurien, le Merlin en prose et les différentes suites du Merlin. Là où il y aurait un petit bémol de ma part, c'est que il commence avec tout le côté de l'histoire Aegum Britanniae, donc tu te rappelles Antoine, toute cette succession de rois qui précèdent les rois arthuriens, et c'est vrai que pour un lecteur moderne, je pense que quand t'achètes un livre avec Arthur, t'as envie que l'histoire arthurienne elle commence avant la page 80, avant la page 80 quoi. Genre Vortigern arrive à ce moment-là, et on en avait parlé un peu pour le Tristan en prose comme ça, mais je sais pas s'il y a une solution élégante à ça. Moi, je dirais presque qu'il faut faire un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est que cette partie-là, t'en fais des appendices, des chroniques ou des annales. Disons, c'est un peu un truc sur lequel tu peux débattre, parce que ça fait partie aussi de l'intérêt, je pense, pour certaines personnes. Il y a vraiment un côté, disons, tout en un, le côté un peu saga, comme ça. Mais je pense que, comme tu dis, ça fait peut-être un peu beaucoup d'en faire un truc à la... Ouais, vraiment intégral, quoi. Ou alors tu fais un tome zéro que tu publies à la fin, par exemple, un côté préquel comme ça. Surtout si tu veux prévoir un truc sur plusieurs volumes. Il y a plusieurs astuces. Hein. Jacques Boulanger, ce qu'il avait fait pour l'histoire d'El Saint Graal, parce que c'est très long et c'est très au début du cycle, ce qu'il avait fait, c'est que c'était un flashback raconté par Merlin, en fait. Donc du coup, c'était au milieu du Merlin en prose, c'était flashback, on va vous raconter l'histoire du Graal. Ce qui fait quand même un gros bloc au milieu. Après, Tristan Pichard, il arrive très bien à synthétiser. Il y a beaucoup d'histoires qui sont très laborieuses ou très longues dans l'original, qui se retrouvent racontées de manière assez efficace. Il change évidemment des choses, il harmonise certaines choses pour qu'elles soient soit plus intéressantes, soit qu'elles soient plus cohérentes entre elles. Moi, j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime beaucoup, c'est ses descriptions. Je trouve qu'il a un certain talent pour la description de l'état émotionnel des personnages, des décors, etc. J'étais un peu moins saisi par les dialogues. Si on compare, par exemple, Graal Théâtre, c'est du théâtre, donc c'est que des dialogues où là, il y a vraiment un style vraiment très affirmé. Là, on essaye peut-être de pas faire quelque chose de trop médiévalisant, mais du coup, des fois, c'est peut-être un peu trop direct. Après, je pense que je qualifie ça, c'est que c'est peut-être aussi que je connais ces histoires, en fait. Donc forcément, si je connais ces histoires, j'ai l'impression que les dialogues sont un peu trop utilitaires. Et dans les parties qui sont plus originales, j'ai été plus pris par ça. Donc peut-être c'est peut-être aussi ça le problème, c'est qu'en fait, comme je connais l'essentiel de ces histoires-là, Ça se pose la question, c'est pour qui le public ? Parce que si vous connaissez déjà tout, c'est intéressant de voir comment ils les mêlent ensemble. Et si vous connaissez... Enfin, voilà, il y a cette question qui se pose là. Maintenant, c'est pas... Il y a très peu de reproductions texto, contrairement à, par exemple, Graal Théâtre, où il y a la Dame du Lac, son discours à Lancelot, ça va être textuellement le même discours, ça, c'est pas du tout le cas ici. Et donc ça, c'est le premier volet, j'aime bien le fait que ce soit en 4 volumes, donc il fait 400 et quelques pages. À la fin, il y a une petite section qui vous dit quelles sources ont été utilisées pour quel chapitre. J'ai bien aimé le fait que ce soit, ces 4 volumes soient sur le thème des 4 saisons, donc là c'est le printemps, ensuite il y aura l'été, l'automne et puis l'hiver. Alors moi je pensais que l'automne ce serait la quête du Graal et l'hiver ce serait la fin du royaume arthurien, mais en fait les deux seront dans le dernier volume, l'hiver, et en fait là où je me demande ce que ça va donner, je suis assez curieux, c'est les deux volumes centraux qui seront des aventures de chevaliers. Donc il y aura le deuxième volume qui sera très centré sur Gauvain, qui sera un peu la première génération de chevaliers, et le troisième sur Lancelot. Et j'imagine, je pense que Tristan sera dans le mix aussi. Ça pourrait être intéressant, parce que j'imagine que ça va aussi mêler les romans en vers, qui sont une aventure de Gauvain, qui sera donc beaucoup. Donc il y aura les romans de Chrétien de Troyes, Le Bel Inconnu, le roman d'Hider, L'Âtre Périlleux, d'Urmarc le Gallois. Ça, ce sera un peu la matière du tome 2, qui paraîtra normalement cet automne. L'année prochaine, printemps et automne à nouveau, il y aura les deux prochains volets, qui seront surtout sur le Lancelot Graal. Mais la quête du Graal intégrera aussi le conte du Graal et Perceval. Donc il y aura une synthèse qui sera faite entre la quête du Graal, du Lancelot Graal et Perceval. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le livre en lui-même, j'en ai pas trop dit un mot, mais il est très joli, je trouve. Il a des dorures sur la couverture, il est en bichromie rouge avec un joli petit marque-page brodé à la un petit ruban marque-page. Je trouve qu'en tant que livre, il est assez sympa. Il y a des arbres généalogiques à la fin, un glossaire, généalogie des rois de Bretagne. En tant que livre, c'est un assez bel objet. Donc moi, je serais content d'accumuler les 4 volumes, je pense. Mais si vous embarquez là-dedans, il faut que vous sachiez que justement, c'est quand même un plat copieux. Après, ça peut être justement l'intérêt justement de replonger dans des histoires que vous connaissez déjà à moitié et de vous dire « Ah ça, j'ai entendu parler dans Rex Condam, Rex Futurus, je me rappelle ». Mais en tout cas, pour moi, c'était une très bonne lecture, c'était une bonne expérience. Et je suis dans l'expectative, enfin, je me demande vraiment comment ça va tourner pour les 2 volumes prochains. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que je trouve que justement, les aventures de chevaliers uniques, c'est-à-dire les aventures, une aventure de Gauvain, L'Âtre Périlleux, etc., c'est quelque chose qui souvent passe à la trappe. Genre, on a la volonté de faire tout le cycle, et donc ça va très vite devenir... il faut compiler le plus de grands cycles possibles. Et l'attrait de cette littérature, qui est quand même le fait de pouvoir enchaîner des aventures intéressantes, est parfois oublié. Là, ce n'est pas le cas. Alors que dans les grands cycles, souvent, on a justement la place pour faire ces aventures. Si tu lis le Lancelot Graal, tu as peut-être plus d'épisodes qu'on passerait même sous silence quand tu veux faire une grande compilation historique. Parce que les péripéties de chevaliers individuels, tu peux facilement les couper si tu es intéressé par la trame narrative générale, mais... dans le Lancelot Graal à la base, ou dans les continuations de Perceval, dans les grands cycles en prose ou en vers, tu as toujours la place pour mettre des petits parallèles, des petits trucs qui feraient un roman ailleurs, qui font là une histoire en quelques chapitres, avant que tu repasses à autre chose. Quoi. Oui, et parfois ces incursions, comme on va en parler, sont traitées comme des romans séparés. Peut-être l'ont-elles été à un moment, on aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est vrai, et c'est ce qu'on voit un peu aussi avec l'utilisation du Perse Forest, c'est-à-dire qu'il a repris vraiment Tristan Pichard, je crois, les épisodes qui avaient déjà été isolés par Roussino. Donc il y a l'île du roi Aroès, qui est une espèce de passage presque science-fiction, où il y a un type qui se fait passer pour Dieu grâce à des espèces d'illusions et qui prétend aux gens qu'il va les emmener dans son... C'est très Doctor Who, hein, l'épisode. Donc il a une île où il a des... Ou le magicien d'Oz, en l'occurrence. Ou le magicien d'Oz, il a des fioles qui dit « je vais vous emmener au paradis », etc. Et il fait apparaître les défunts sous forme de fantômes, d'illusions, pour que les gens le suivent, mais en fait, il les a balancés à la mer. Ou l'épisode Le Conte de la Rose, ou bien la première version, l'histoire de la belle Zélandine, Troilus et Zélandine, qui est donc la première version, une des premières versions de La Belle au Bois dormant, qui est ici un peu réécrite. Il a repris ces passages-là qui étaient déjà isolés par Roussino, parce que le Perse Forest, c'est justement un énorme cycle, mais avec une nature très épisodique. Donc ça, on peut que vous le conseiller. Autre petit point d'actualité, il y a quelqu'un m'a demandé si on pouvait utiliser la chronologie arthurienne que j'avais faite il y a quelques années, en 2019, pour un colloque arthurien. Donc voilà, Rex Condam, Rex Que Futurus sera représenté dans le monde des lettres. J'ai dit bien sûr oui, mais évidemment la chronologie n'est pas tout à fait vraie. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui travaille sur des romans fragmentaires allemands. Donc des romans arthuriens dont il reste parfois que 200 vers, 20 vers, etc. Ils ne sont pas sur la chronologie. Et donc, le projet, on va dire d'ici à la fin de l'année, ce serait de refaire cette chronologie qui devrait... Il y a plein de choses qui devraient être mises à jour, notamment ce dont on va parler aujourd'hui, sur cette chronologie. Donc vous pouvez aller la consulter, je remettrai le lien dans la description et tout. Mais si vous avez, si vous vous y connaissez très bien en roman arthurien, italien, néerlandais, enfin tout ce qui est un peu négligé, ou que vous avez remarqué des erreurs dessus, n'hésitez pas à les signaler, comme ça on pourra peut-être essayer de tout corriger sur cette chronologie d'un coup. Voilà, c'était pour notre petite section actualité. Et maintenant, on va pouvoir vous parler du phénomène littéraire de la rentrée passée. Donc, c'est plus tout à fait un phénomène, mais phénomène littéraire, tremblement de terre, révolution dans la compréhension des études arthuriennes, Ségurant, le chevalier au dragon. Enfin, alors, je pense que c'est pas abusé de parler de Renaissance. Moi. C'est une, la Ségurant Renaissance, ouais, le Ségurant Summer, Ségurat Summer. Ségurat, Sigurd Summer, non. L'œuvre donc, dont nous allons parler aujourd'hui, c'était une œuvre qui a été magiquement redécouverte, ex nihilo, il y a à peu près quoi, un siècle et demi, Laïs ? Oui, non, elle a été... alors, l'histoire de sa découverte est intéressante, on va pouvoir en reparler, parce que comme on le disait, quand je le disais dans la vidéo qu'on a consacrée dessus... C'est toujours la question, qu'est-ce qui constitue vraiment une découverte ou pas? Mais, disons, ce sont des textes qui étaient connus dans l'absolu, qui étaient un peu perdus dans une masse d'épisodes, soit des épisodes guironiens de Guiron le Courtois, soit les épisodes des Prophéties de Merlin, qui sont une tradition très éclatée. Et du coup, ils étaient un peu... Ben, quand on les abordait, c'était très superficiellement, on les mentionnait en passant. Et depuis l'édition des Prophéties de Merlin, il n'y avait pas forcément eu, par Lucy Allen Patton, il n'y avait pas vraiment eu d'examen d'ensemble de cette matière. Mais donc, je pense que justement, les Prophéties de Merlin, c'est un peu le bon point de départ pour comprendre ce dont on va vous parler aujourd'hui. Les Prophéties de Merlin, c'est un roman arthurien, mais qui est très particulier, parce que dans sa version, la version longue, qui est un peu la version standard, alors on aura l'occasion de discuter aussi, vous avez, sur la fin, la deuxième moitié du roman, de nombreuses aventures de chevaliers qui se passent pendant le tournoi de Sorelois. Donc c'est le passage de la fausse Guenièvre dans le Lancelot propre. Il y a Guenièvre qui a été remplacé par un sosie. Galoot, le seigneur des îles lointaines, décide d'organiser un tournoi pour la distraire en Sorelois. Et c'est l'occasion d'affrontements de chevaliers, etc. Il y a une guerre contre les Saxons. Il y a Daguenet, le sénéchal d'Arthur, Daguenet qui est le chevalier fou, qui devient un peu le sénéchal d'Arthur et qui se met à contrôler le royaume parce que Arthur est ensorcelé et donc il se gère pas. Puis c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a le trésorier qui vient se plaindre que les caisses sont vides. Il y a Daguenet qui le balance par la fenêtre et il dit si Arthur vient m'emmerder, je le balance par la fenêtre aussi. Donc il y a cet épisode-là. Il y a des aventures d'Alexandre l'orphelin, qui est un demi-frère de Tristan, qui a été. Qui est un demi-frère ou un cousin, je sais plus si c'est, j'ai plus son arbre généalogique en tête, qui a été édité à part, notamment par Cédric Pickford. Il y a des aventures qui concernent un certain Ségurant. On revient dessus tout de suite. Mais ça, c'est des aventures, des romans chevaleresques très courants. Mais en fait, le début du roman est en alternance. Vous avez des prophéties de Merlin, c'est-à-dire une autre trame narrative qui est entièrement centrée sur Merlin, qui a des secrétaires, dont un certain Maître Antoine. Donc après avoir eu Blaise, il a eu un secrétaire nommé Maître Antoine, donc on est dans la thématique aujourd'hui. Chef. Puis ces secrétaires montent en grade, ils deviennent évêques ou autre chose, et donc ils sont remplacés par un qui s'appelle le sage clerc, etc. Oh non, ça veut dire et que je dois devenir évêque. Non, parce que ce que vous ne savez pas, pas forcément, chers auditeurs, c'est que si je suis Maître Antoine, mon co-animateur... Techniquement, Merlin. Oui, c'est une de mes identités. C'est l'identité de Laïs dans un milieu interlope et disons secret et clanique qui s'appelle, enfin littéralement clanique puisque tu es un routier, qui s'appelle les scouts tout simplement. Et le totem de Laïs, puisque Laïs nous l'a caché, mais en fait contrairement aux Suisses romands qui ont des totems d'animaux comme ce que vous imaginez chez les scouts, non, en Suisse ça arrive parfois d'avoir des totems un peu plus exotiques. Mais cela dit, Merlin, ça va, c'est quand même un oiseau aussi. Oui, alors après, des totems exotiques. Moi, une fois, j'étais à un événement scout et j'ai eu l'honneur d'être assis à côté de Naruto. Donc, c'était un grand honneur pour moi. C'est un phénomène naturel. Les Suisses allemands sont un peu plus fantaisistes. Mais du coup, donc c'est vrai qu'on est dans le thème avec Merlin et Maître Antoine. Mais Merlin, il fait des prophéties Et donc c'est très répétitif. Donc c'est je veux que tu mettes en ton écrit ceci. Ah oui, mais que se passera-t-il ? Donc c'est des dialogues un peu comme ça où Merlin fait des prophéties sur la fin du monde, sur notamment le dragon de Babylone, qui est en fait l'antéchrist qui va venir détruire tout le monde. Il y a certains pays qui vont le suivre, certains pas. Il fera des miracles, donc c'est l'antéchrist, donc évidemment il fera des faux miracles, etc. Il y a des prophéties qui concernent certains chevaliers de la table ronde, notamment Ségurant. Il y a des prophéties qui concernent un peu, on voit le contexte politique des années 1270 à probablement à Venise. C'est-à-dire qu'on situe généralement l'écriture un peu dans le nord de l'Italie, mais surtout Venise, parce que notamment il y a des prophéties qui sont très positives sur les Vénitiens. Donc Lucy Allen Patton pense que c'est là qu'il faut aller chercher l'origine du truc. Mais donc vous avez ces deux matières-là qui alternent un peu. À partir d'un point dans l'histoire, ça alterne un peu. La trame sur Merlin va aussi consister dans son enfermement dans sa tombe, classique, assez proche de celui de la post-vulgate ou du Lancelot, où il est enfermé dans une tombe. Mais sauf que là, Merlin, il reste dans sa tombe et il continue à prophétiser un moment. Et alors que son corps se décompose, son esprit reste dans la tombe et continue à prophétiser. Donc il y a le chevalier Meliadus, qui est aussi qui lui est un demi-frère de Tristan. C'est Meliadus Junior, en fait, c'est le fils de Meliadus, le père de Tristan. Il va revenir à la tombe de Merlin, etc. Et il va pouvoir continuer à collecter des prophéties. Et puis Merlin, il en a aussi écrit sur des rochers. Donc Perceval va trouver des prophéties. Donc voilà, il y a cette trame-là sur les prophéties et des aventures qui alternent. Sauf que dans les aventures chevaleresques, il y a un moment, il y a Ségurant qui débarque. Et on vous dit, dans le résumé de l'édition de Berthelot, elle dit « Le texte passe à Ségurant sur un ton qui laisse entendre qu'on nous en a beaucoup parlé, ce qui n'est pas le cas. » Et c'est vraiment, vous vous rappelez, Ségurant était enchanté et il était en train de courir derrière un dragon. Puis vous dites, bah non, je me souviens pas, vous m'avez jamais, pour citer Kaamelott, vous nous avez jamais parlé de ça. Et c'est un peu bizarre. Et il y a quelques épisodes sur Ségurant et son écuyer Gaulistan, il rencontre la Dame du Lac, etc. Puis on se dit, bon, c'est bizarre, il chasse un dragon, il est enchanté. On dit qu'il sera peut-être désenchanté, on sait pas trop comment. Bon, compliqué. En fait, il y a un autre manuscrit des prophéties de Merlin, ça c'est la version longue. Il y a un manuscrit, le manuscrit de l'Arsenal 5229. Il contient une version très bizarre des prophéties de Merlin, où il y a aucun des épisodes romanesques habituels, ils ont été coupés, ou ils n'ont jamais fait part. Enfin voilà, ils ne sont pas là-dedans, sauf une petite aventure de la Dame du Lac, qu'ils ont en commun. Et à d'autres endroits, il insère des épisodes qui sont centrés sur justement Ségurant le chevalier au dragon. On nous raconte ses ancêtres, sa naissance sur l'île non-sachante, comment il lance un défi à la cour d'Arthur. Un grand tournoi qui va accueillir tout le monde, etc., puis il va les battre. Il se met sur la quintaine et il bat tout le monde. Donc la quintaine, c'est un mannequin où les gens, en fait, ils fonçaient sur un mannequin et essayaient de le renverser, de le tourner, etc. Et ben là, il prend la place du mannequin et il encaisse les coups de tout le monde et personne n'arrive à le désarçonner, donc c'est un exploit. Mais ça embête un peu, le fait que ça qu'il soit aussi preux, ça embête Morgane et l'enchanteresse Sibylle qui décident de l'enchanter. Et elles invoquent un démon, Lucifer, qui prend la forme d'un dragon et qui va se précipiter au tournoi. Et pendant que Ségurant et tout le monde sont en train de s'affronter, derrière eux, il y a un autre tournoi de chevaliers qui sont en fait des démons, des chevaliers démoniaques, qui se font dévorer par le dragon. Mais donc du coup, c'est une comédie, ça s'est pas vraiment passé. Mais du coup, tout le monde est choqué, tout le monde est scandalisé. Oh mon Dieu, Ségurant se lance à la poursuite du dragon, il passe sur une portion de terre qui est enchantée, et du coup, il devient obsédé par le dragon, il est enchanté, et il se lance à la poursuite du dragon. Sauf que le dragon, c'est un démon, donc comme le texte nous le dit, il n'a pas d'existence corporelle. Il a une forme illusoire, donc c'est pas un vrai dragon qui pourrait mourir de sa belle mort, quoi. Et comme c'est un démon, on ne peut pas le tuer. Donc, en fait, Ségurant se lance dans une quête qui est impossible. Et à la fin du roman, on nous dit, bon, il y a des gens qui essaient de se lancer à sa poursuite, mais ils n'arrivent pas. Morgane convainc tout le monde que Ségurant faisait partie de l'illusion. Et donc, le manuscrit de l'Arsenal s'achève là, sans avoir conclu cette histoire-là. Enfin, pour être correct, le manuscrit de l'Arsenal s'achève pas sur un bout de Ségurant. Oui, bien sûr. Il s'achève au milieu d'un texte, au milieu d'une prophétie de Merlin, particulièrement misogyne d'ailleurs. On peut comprendre qu'on n'est pas sur les femmes qui se maquilleront. Merlin, alors le Merlin des prophéties de Merlin, on va en reparler, mais il est extrêmement misogyne voilà. Par rapport aux autres. Il reprend le thème qu'on a vu avant du fait qu'il a des apprentis qui viennent coucher avec lui pour obtenir ses secrets magiques. Ça, il est même encore plus volage que d'habitude, mais il est hyper misogyne maintenant. Et du coup, le manuscrit se termine au milieu d'une prophétie où il dit en gros les femmes qui se maquillent, elles vont toutes avoir la lèpre d'ici. Voilà. C'est vraiment la prophétie vaccin Covid, tu sais, elles vont toutes mourir. C'est ça. En disant. Et ça s'arrête au milieu d'une phrase. Et en fait, on sait que c'est incomplet parce qu'on a la phrase dans d'autres manuscrits des prophéties. Cette phrase est continuée. Donc c'est une coupe. Clairement, le type qui copiait ça, sa copie s'est arrêtée. Il fait une petite vague. Il dit bon voilà, j'ai plus de texte après ça. Mais en fait, dans d'autres versions, ça continue. Donc le manuscrit s'achève pas sur une coupure de Ségurant, comme si on avait, en fait, il y allait avoir d'autres aventures de Ségurant plus tard dans le manuscrit, mais en fait, bah, il a perdu la moitié de son manuscrit, donc il s'arrête là. C'est ça, c'est que le scribe conclut son travail, donc son modèle avait peut-être plus de texte, il a été perdu entre temps, où il y avait un volume suivant. On peut imaginer que, dans une version du texte, dans la version du texte que lui il avait, il y avait, le texte avait été écrit pour se continuer avec ce que tu racontais plutôt, les épisodes romanesques des prophéties traditionnelles, entre guillemets, des versions plus courantes qu'on a. Il y aurait un manuscrit qui aurait eu les deux, et puis il se baserait sur ça. C'était... Alors c'est plus compliqué parce qu'en fait, les sections où ils seraient entremêlés, c'est la fin du manuscrit de l'Arsenal. Mais pour vous donner une idée, en fait, les épisodes où les épisodes romanesques sont insérés, c'est des épisodes des aventures de Perceval, où il va chez un ermite qui a un livre qui raconte des aventures de Merlin et des prophéties de Merlin quand il était enfant. Et c'est là-dedans que sont insérés les épisodes de la version longue. Dans le manuscrit de l'Arsenal, il n'y a pas les épisodes de la version longue, puis donc tous les épisodes sur Perceval et cet ermite sont collés ensemble et ils concluent le manuscrit. Ouais. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ça correspond. Donc déjà, on peut se dire, ces histoires ont l'air de correspondre. On nous parlait d'un dragon, d'un enchantement, il y a plein de choses qui correspondent avec les prophéties de Merlin. Le problème, c'est que le manuscrit de l'Arsenal, il est absolument unique. Sur les 39 épisodes uniques qu'il contient, il y en a 36 qui sont que dans ce manuscrit, dont le tournoi de Winchester, etc. C'est à Winchester que le tournoi s'organise. Il y en a 3 qui sont attestés en dehors, on va en reparler. Un dans les prophéties de Merlin et un qui a été repris par, et 2 qui ont été repris par une compilation. Mais l'essentiel du texte, il vient que de ce manuscrit. Ce manuscrit, on l'a longtemps daté du 15e siècle. Et c'est ça qui fait qu'il a été un peu négligé, peut-être, c'est que c'est très tardif, 15e siècle. Hein. On a beaucoup de compilations encore à cette époque. Mais en fait, ce qu'on aurait pu voir, c'est qu'à l'époque, il y a plein de compilations, notamment ce que Arioli identifie comme les versions alternatives, qui impliquent Ségurant. La version de Longturin, la version BNF 358. Il y a une espèce d'engouement pour Ségurant. Et puis, si on regardait ça, on dirait, au 15e siècle, il y a des manuscrits qui développent des histoires sur Ségurant, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur les prophéties de Merlin, qui, elles, sont rédigées en 1270. Sauf que, dans les années 1270, sauf que ce que Arioli remarque, qui avait déjà été remarqué par l'éditrice des prophéties de Merlin en 1926, c'est qu'il y a plein d'éléments de cette version cardinale, qui est donc la version du manuscrit de l'Arsenal, qu'on trouve en dehors. Le tournoi de Winchester, il est mentionné, le fait qu'il poursuit un dragon, le fait qu'il est enchanté, qu'il sera désenchanté apparemment par le Graal. Dans les prophéties de Merlin, il y a aussi des prophéties qui parlent de Ségurant, qui confirme que même dans les versions, d'autres versions, il fait partie des prophéties de Merlin. Bref, Patton disait déjà, il y a certains éléments du manuscrit de l'Arsenal qui devaient faire partie de la version originale des prophéties de Merlin. Patton ne pensait pas qu'on pouvait les reconstituer, parce qu'elle disait c'est trop confus, trop d'interpolation, elle ne pensait pas qu'on pouvait préciser le contenu du modèle original, mais Arioli va le faire, il va proposer une reconstitution de ce qu'il appelle les Ur-prophéties, donc qui contiendrait dans la première moitié ses aventures de Ségurant, et dans la deuxième moitié, ses aventures de la version longue. Ok. Je précise qu'on a fait un long article qui s'appelle « Tout comprendre à Ségurant » qui revient un peu là-dessus, avec des schémas notamment, parce que c'est parfois plus facile de comprendre visuellement. On vous mettra tout ça en lien, mais sur le site de Sursus, sursus.ch, vous trouverez tout ça si jamais en complément. Donc, ces Ur-prophéties. Arioli va en fait encore plus loin. C'est qu'il dit que ces Ur-prophéties, cette histoire de Ségurant, en fait, elle s'insère pas si bien dedans. Et en fait, probablement que l'auteur des Ur-prophéties a recyclé un roman préexistant qui était peut-être inachevé. Donc il s'est dit, j'ai besoin de matière pour mon livre, donc je vais mettre ces aventures de Ségurant dedans. Et c'est ce fameux roman redécouvert. Donc Arioli pense que les épisodes du manuscrit de l'Arsenal, malgré leur caractère tardif, comme ils sont attestés en dehors et par certains arguments philologiques, ils datent le manuscrit d'autour de 1400, quoi. Malgré ça, ça doit être une trace d'un roman perdu qui existait à la fin du XIIIe siècle. Et si on peut préciser, il me semble qu'il n'affirme pas que ce roman perdu contenait aussi la portion romanesque de la version longue. C'est ça qui est aussi un peu qui peut être compliqué. On pourrait dire, en fait, il rassemble les deux, il en fait un truc. Non. Les références plus tardives, pour lui, c'est des choses qui ont été rajoutées après ou continuées. C'est pas une partie de ce roman original. Le roman original, c'est ce qu'il traduit et certains épisodes qu'il va chercher ailleurs. Enfin, les épisodes qu'il va chercher ailleurs, ils sont aussi dans le manuscrit de l'Arsenal. C'est juste qu'ils sont aussi présents ailleurs. Mais il évoque la possibilité. On va voir pourquoi il pense que c'est pas le cas. Mais il évoque cette possibilité, et dans la traduction notamment, il y a une phrase où il laisse penser, où il dit c'est peut-être le cas, alors qu'ailleurs il est plus rigoureusement contre l'idée. Maintenant, on ne peut pas complètement l'exclure, que les Ur-prophéties, d'autres bouts du roman originel, se soient retrouvés ailleurs. Mais il l'avance pas, en tout cas. Maintenant, Ça, c'est pour le début de l'histoire de Ségurant. Maintenant, ces épisodes ont été repris dans une compilation de Rusticien. Rusticien, il a fait une première compilation qui est surtout centrée sur Lancelot et Tristan. Et il y en a une deuxième qui lui a aussi été attribuée. C'est peut-être pas lui qui l'a écrite, mais voilà. Dans la même tradition, on trouve une compilation qui est plus guironienne, qui reprend surtout des épisodes de la suite Guiron, qui est ce roman de Guiron le Courtois, qui est assez compliqué, qui est centré sur surtout les pères des héros arthuriens, pas forcément avant l'époque arthurienne, mais disons, il y a beaucoup de flashbacks aussi. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais Rusticien, il faut peut-être dire qu'un mot de Rusticien quand même, de qui il est. C'est celui, alors, il est connu surtout parce qu'il a consigné les fameuses aventures de Marco Polo, Rustichello da Pisa, ou Rusticien de Pise, et il a notamment fait un livre qui s'appelle Le Roman du Roi Arthur, qui est une compilation. C'est ce qu'on voit à cette fin de XIIIe siècle, c'est qu'on voit des textes qui sont plus vraiment des romans suivis, mais c'est vraiment, je vais piocher 30 épisodes que je trouve cool et je vais les mettre ensemble et puis dire, ah voilà, il était une fois une aventure de Lancelot, puis je vous raconte l'aventure, puis ensuite on passe à une autre. Où c'est vraiment beaucoup plus une compilation de textes qui existent avant. Après, certains sont apparemment inventés par lui aussi. Et on parle d'un écrivain qui écrit en français, malgré le fait qu'il habite en Toscane et qu'il est, d'ailleurs, il a écrit le livre des merveilles du monde, enfin le livre de Marco, les aventures de Marco Polo. À la base, il y a bien une raison pour laquelle, c'est parce que c'était cet auteur-là qui l'a écrit, qui s'est écrit en français. C'est un écrivain d'expression française, en fait, et pas vénétien ou génois. Enfin, il a été écrit dans une prison génoise par ce type qui se trouvait en prison avec Marco Polo, mais c'est un écrivain italien de langue française, parce qu'il y a toute une tradition d'écriture en langue d'oïl à l'époque en Italie du Nord. Oui, on va d'ailleurs beaucoup toucher à cette tradition qu'on appelle parfois franco-italienne, c'est-à-dire c'est des manuscrits, parce qu'ils ont aussi parfois un peu des tics de langage, ou des formes d'expression, des italianismes. Donc dans les manuscrits, on va déceler, quand on parlera des prophéties de Merlin, qui sont aussi un de ces textes franco-italiens à l'origine probablement, la Quest 12599. En fait, là, on va être beaucoup dans un écosystème de textes du nord de l'Italie, rédigés en langue française. C'est beaucoup là que les histoires dont on parle vont se nouer. Et donc certains des problèmes philologiques de qui a fait quoi avant, peut-être qu'on n'arrivera jamais à les résoudre, parce qu'en fait c'est un milieu qui échange des textes et des idées. Peut-être simplement que voilà, tout, c'est un comment on appellerait ça, un bouillon de culture où on va trouver tout ça réuni. Et donc deux épisodes ont été repris où Ségurant va affronter son oncle Galeot. C'est, il apprend que Galeot garde un pont, il dit « je vais aller mesurer à lui pour prouver ma valeur ». Il arrive à le désarçonner, et ensuite ils font la fête et ils rentrent chez eux. Et il y a deux compilations qui vont développer ça, qui vont rajouter des épisodes avant et après, en fait. Donc là, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris ces deux épisodes, et à partir des allusions qui étaient dedans, ils ont développé des choses qui sont assez incohérentes avec la version du manuscrit de l'Arsenal. C'est ce qu'on trouve dans BNF 358, qui est une très grande compilation qui a été écrite pour, c'était qui, Louis de Bruges, je ne sais plus, on va revenir dessus après. Et la version de Londres-Turin, qui est celle qui a été peut-être le plus négligée, parce qu'elle n'a pas vraiment été discutée avant les années 60. Alors bon, c'était pas la semaine passée non plus, mais disons, juste dans les années 60, on l'avait un peu oublié. Mais ces épisodes-là, ils ont été identifiés notamment par... à commencer par Lecette, qui avait fait son grand livre sur le Tristan en prose, le Palamède, donc Guiron le Courtois, des manuscrits de Paris, puis d'autres sur ce travail-là. Puis Latuyère, qui avait fait une somme sur Guiron le Courtois, où il essayait d'identifier tous les épisodes guironiens possibles. Alors évidemment, c'est un roman qui a été réécrit, rajouté des épisodes, il y a des épisodes, c'est pas vraiment des romans guironiens, mais des compilations, mais il a vraiment tout identifié, et donc ces épisodes sur Ségurant étaient déjà discutés à cette époque-là. Mais évidemment, on avait beaucoup de peine à les situer, quoi. C'est-à-dire, oui, on a l'épisode de Ségurant qui tue un dragon, on a l'épisode de Quand il court après dans le BNF 358, mais du coup, tout le monde disait, c'est des épisodes de Guiron le Courtois. Donc, on ne l'identifiait pas forcément dans la tradition des prophéties de Merlin. Voilà, c'est peut-être un peu... On va revenir maintenant sur cette version cardinale, dans le manuscrit de l'Arsenal, les épisodes des prophéties de Merlin, la version... de la quête, Quest 12599, qui est donc une quête du Graal particulière, qui a un épisode qui fait allusion à Ségurant, les épisodes que reprend Rusticien de Pise, et ensuite les versions qui en descendent. On va regarder ça un peu dans l'ordre de lecture, et on a oublié de le dire, mais dans les prophéties de Merlin, il y a aussi une version courte qui n'a pas trop d'aventures chevaleresques, qui se centre sur les prophéties. Mais en fait, même dans cette version-là, vous avez un fragment qui parle d'une aventure de Ségurant chez une veuve. Et donc, même la version courte, elle a apparemment un épisode romanesque qui a été abrégé ou coupé, et des prophéties qui parlent de Ségurant. Donc, il y a des prophéties qui disent il va aller en Orient, devenir roi de Jérusalem, enfin, pas roi de Jérusalem, mais il va aller à Jérusalem, devenir roi d'Abiron et de Babylone. Et donc, même la version courte, Ségurant fait partie du mix. Et donc, quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a une matière de Ségurant qui, pour une part, date du XIIIe siècle. Maintenant, se pose la question de que faire de tout ça. Alors, le chercheur qui a un peu exhumé tout ça et lié tout ça, et en tout cas édité tout ça et traduit tout ça plus récemment, c'est Emmanuel Arioli. Si vous voulez vous renseigner dessus, bah vous avez la traduction de 2023 par Emmanuel Arioli qui traduit des portions de ces différents textes et qui les présente un petit peu. L'étude d'Emmanuel Arioli en 2019, son édition en deux tomes en 2019 du manuscrit de l'Arsenal et des versions descendantes. Enfin, descendantes d'après lui, on pourrait discuter dans quel ordre la descendance se fait. C'est lui qui a fait un peu tout ça. Il y avait des travaux avant lui, notamment Lucy Allen Patton, qui résumait déjà tous ces épisodes du manuscrit de l'Arsenal en 1926. Vous avez Nathalie Coble, qui avait, en 2009, elle était revenue sur ce manuscrit de l'Arsenal parce qu'elle a fait tout un travail sur les prophéties de Merlin. Elle avait, en fait, un peu rouvert le dossier, c'est-à-dire repris ces épisodes-là et dit, bon, ben, il y a un roman de Ségurant dans ce manuscrit, puis elle avait détaillé folio par folio ce manuscrit. Alors, elle pensait plutôt, elle, à une compilation tardive, même si c'était pas tout à fait clair. Mais donc, ça va surtout être Arioli, les travaux que vous pouvez lire dessus. Comme je l'ai dit, j'ai aussi rédigé un article « Tout comprendre à Ségurant » qui fait une centaine de pages. Bon, vous ne laissez pas intimider, il y a quand même, je pense, 40 pages. C'est des tableaux, des diagrammes, des choses pour aider à la compréhension. Et il y a aussi beaucoup de résumés. En fait, dans ce texte-là, il y a le résumé de toutes les histoires qu'on va discuter aujourd'hui. Il y aura aussi un document annexe de cet épisode qui résume tous les épisodes qu'on va discuter. Et on espère que ça vous aidera à comprendre tout ça. Donc si jamais on laisse des choses de côté ou vous êtes vraiment intéressé, il y a cet article qui peut vraiment aborder les questions de fond. Mais peut-être, comme on le fait d'habitude, Laïs, avant de commencer, il faut qu'on vous présente sur quoi on travaille, sur quelle édition on se repose. Et comme tu disais, donc on a cette traduction par Emmanuel Arioli, d'une édition, elle aussi, par Emmanuel Arioli, où il présente, donc, qu'il a fait en deux volumes. Mais dans l'ordre, en fait, Arioli a commencé à travailler sur cette matière de Ségurant au début des années 2010, pendant ses études à l'École des Chartes, où il a travaillé sous la direction de Nathalie Coble. Il a écrit d'abord sa thèse, je crois, à l'École des Chartes en 2013 sur le sujet, sur ce manuscrit, ce roman qu'il appelait donc roman arthurien inédit. Enfin, pour être exact, il n'a pas défendu sous la direction de Nathalie Coble. Je crois qu'il avait fait des cours ou des séminaires elle. C'est pas elle qui a dirigé sa thèse à aucun moment, mais c'était une de ses. C'est lui, elle, qui l'a. Il le dit d'ailleurs qu'il l'a dirigé vers cette matière-là. Qu'il a introduite à la littérature arthurienne, puis il y a une note de la Romania qui dit qu'elle aurait orienté un peu ses travaux dans cette direction, enfin qu'elle aurait accompagné. Voilà. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est la spécialiste qui a écrit un livre sur les prophéties de Merlin. Voilà. Et elle a été après dans sa thèse de doctorat en 2017, où il a fait une thèse. Il a été à son jury, je crois, ouais. Dans son jury de thèse. Elle a pas mal porté, je sais qu'elle a pas mal porté ses théories et ses idées, un peu comme si, voilà, elle a beaucoup bossé sur les prophéties de Merlin, puis ça, c'était un peu c'est typiquement le genre de poire pour la soif ou de sujet un peu que tu te gardes dans un coin, puis t'as un étudiant qui est intéressé par ce genre de matière, puis tu n'auras pas forcément le temps de t'en charger toi-même, mais tu suggères d'aller dans cette direction-là, d'explorer, puis après, on voit ce qu'on va trouver. Elle avait fait un article dessus où justement elle évoquait la possibilité, elle disait peut-être que cette version préserve des fragments anciens, mais elle avait l'air de pencher sur le fait que c'était une compilation plus tardive, qui était intéressante parce qu'elle montrait un remanieur très audacieux peut-être, mais au fil du temps apparemment elle s'est aussi, peut-être en se replongeant dedans, elle s'est convaincue du fait que oui, cette version devait avoir des racines assez ancienne. Il faut préciser que la traduction n'est pas intégrale. Sur les 39 épisodes, il y en a 22 qui sont traduits, notamment pour recentrer un peu l'histoire sur Ségurant, parce qu'il y a des épisodes qui sont Il y a comme dans tu tomberais sur un volume arthurien classique, souvent tu as des bouts qui sont un peu éludés ou résumés. Oui. Pour la traduction, en tout cas, s'ils ne sont pas très intéressants pour le propos central ou pour resserrer l'œuvre, déjà que c'est quand même assez ardu à lire. Hein. Je trouve que pour une traduction d'œuvre arthurienne, il faut bien dire qu'on sent le côté un peu. Pas patchwork justement parce que ça n'est pas vraiment un, mais on sent vraiment le côté, voilà, tu dois faire avec un texte qui est fait pour être lu dans une version beaucoup plus longue, et donc il y a des tas de trucs de scorer de ça, et donc ça serait encore plus compliqué à lire, je pense, si tu gardais tous les épisodes. Mais toujours est-il que donc Arioli va, la légende qui entre guillemets qui va mettre en avant, c'est qu'il est tombé sur ce manuscrit. Alors comment il est tombé dessus par hasard, ouais. Parce qu'on lui avait dit quel manuscrit regarder, et il est pris en de saisi par ce phénomène, ce manuscrit qui s'interrompt, inachevé, et il va se dire, ah, il doit bien avoir un truc comme ça. Donc il va établir cette idée que, comme tu disais, s'il y avait ce roman de Ségurant originel qu'on peut reconstituer en enlevant tout simplement, alors pas en rassemblant, pas forcément en rassemblant des bouts de partout, même s'il est allé chercher voilà, d'autres versions de Séguran, dont certains textes complémentaires qu'il ajoute à son qu'il a publié dans le deuxième volume de son édition, ou d'autres versions d'épisodes qui sont dans ce manuscrit-là. Mais toujours est-il qu'il va enlever la partie qui ne concerne pas Séguran pour reconstituer cet hypothétique roman qui daterait de la fin du XIIIe siècle et qui concernerait justement que les aventures de Séguran et de sa famille. Ouais. Donc, la version cardinale dont vous en avez... C'est ce qu'il appelle la version cardinale. Voilà. Si vous voulez le terme le plus descriptif, la version cardinale, c'est les épisodes du manuscrit de l'Arsenal qui ne sont pas dans la version longue des prophéties de Merlin. Donc, vous enlevez les prophéties, vous enlevez le seul épisode qu'ils ont en commun et vous gardez cet épisode-là et ils considèrent que bah, ça serait la seule trace qu'on aurait directe de ce roman-là. Qui ne concerne maintenant, pas exclusivement Séguran, parce qu'il y a tout un bout sur les aventures d'Inadan. Les aventures de Tristan, d'Inadan, de Gallo, le Seigneur des Îles Lointaines et de Baudemagu. Mais évidemment, alors, la critique qui va être faite par ses collègues, notamment Christine Ferland-Pinhaché ou Damien de Carnet, qui me semble évidente, c'est que s'il y a bien eu un roman qui a été intégré dans les Ours-Prophéties, puis ensuite morcelé pour former ce manuscrit-là, il peut y avoir des réécritures, des épisodes qui ont été rajoutés. C'est pas parce qu'il y a une partie de la version cardinale qui est attestée au XIIIe siècle que tout le texte, en fait, serait sorti pleinement constitué du XIIIe siècle. Ça, c'est la plus grosse critique de son travail. Il entre très peu en matière, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des arguments circulaires. Qu'est-ce qui en faisait partie ou pas? Quels épisodes sont artificiels ou pas? C'est des arguments qui sont très vite à double tranchant. On va en parler un petit peu. Mais c'est vrai que ce serait la grosse faiblesse, c'est qu'on nous dit la communication tonitruante là-dessus, c'est roman redécouvert. Alors que c'est la partie la plus spéculative de la théorie. Mais ça, c'est arrivé après une longue... Au début, quand il le présente, il dit, voilà, roman inédit, roman... Il va transformer sa thèse de l'École des Chartes en une publication dans l'histoire littéraire de la France, donc une série de publications plutôt courtes, en fait. Et ensuite, il va faire sa thèse de doctorat sur ce sujet, qui sera donc plus complète, et qui sera aussi publiée sous le terme... C'est l'étude, hein, qui... L'étude sur un roman arthurien retrouvé de 2019. Ça, c'est publié chez Champion aussi. Et... En complément de ça, du coup, il va en faire en deux volumes une édition donc du texte, donc comme les éditions dont on vous a parlé chez Champion. Donc simplement ce texte-là, donc du manuscrit, sans les prophéties. En fait, il n'a pas édité le manuscrit entier. Il a simplement pris les fragments qui concernent Séguran. Bah, les épisodes inédits, en fait. Voilà, parce que le reste, c'était des textes qui étaient déjà publiés ailleurs. Alors, on pourrait... Ce qui est parfaitement vrai, c'est que ce roman ou ce récit, en tout cas, était inédit. Il n'a jamais été édité avant. Enfin, ce récit-là Lucy Allen Patton, je crois que dans son édition, elle transcrit quelques paragraphes, mais disons, on ne va pas chipoter, c'était inédit, en tout cas. Après, on peut se dire, c'est un peu dommage de ne pas avoir mis un peu plus... Je trouve dans l'édition, alors autant dans le livre traduit, je trouve presque qu'il en fait trop pour montrer qu'il y a des trous. Parce que bah, chaque fois, chaque chapitre se termine par « mais le conte se cesse » et on revient au chapitre suivant et le conte reprend. Ce qui est un peu lourdingue à la lecture pour une traduction, ouais. Même si effectivement, tu pourrais dire, il pourrait mettre un fragment qui... Je préférais qu'il ait un fragment qui résume ce qui se dit dans l'intrigue prophétique, par exemple, pour bien montrer qu'il y a des choses derrière. Et dans le livre, dans l'édition, il ne le fait quasiment pas. Il y a pratiquement rien, en fait. Il passe d'un texte à l'autre... Sans vraiment mettre on passe. Bah, c'est une des faiblesses de cette édition qui a été critiquée, c'est qu'en fait vous avez les deux volumes de l'édition qui ont un commentaire très minimal, et vous avez l'étude où il a vraiment son analyse. La lecture, ça veut dire que vous passez de l'étude au volume 1 au volume 2, vous avez les trois volumes étalés sur votre bureau avec vos coudes pour les maintenir ouverts, c'est pas toujours très pratique, mais je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que une édition avec une introduction de 600 pages, c'est pas non plus très pratique. En plus, bah, vu que tu présentes effectivement un texte qui nous dit, c'est peut-être plus simple et c'est peut-être aussi moins potentiellement problématique de développer des arguments dans une étude à part que dans une édition qui veut quand même être... Enfin, c'est quand même dans les classiques français du Moyen-Âge, c'est quand même un peu une édition entre guillemets de référence, et je pense qu'il y avait aussi l'envie d'en faire un truc quand même voilà, minimalement polémique, sachant que de toute façon les autres paragraphes, bah, les autres passages tu peux les trouver, c'est déjà assez gros comme ça en deux volumes. Je comprends qu'il ne l'ait pas fait, mais c'est presque un peu dommage parce qu'on perd de vue un peu la façon dont ce manuscrit était lu, je vais être extrêmement néo-bédiériste. Bédiériste. Là, ça va être. Là-dedans, mais je trouve que voilà, il est quand même extrêmement larmanien, quoi. On pourrait dire qu'il est néo-larmanien, en fait, quelque part. On pourrait en parler, mais il s'inscrit un peu dans une vague qu'on a actuellement, qui est justement d'optimisme par rapport à la possibilité d'éditer certains de ses textes arthuriens. Il y a le groupe Guiron qui est en train de finir de publier son édition du cycle de Guiron le Courtois. C'est-à-dire que Latuyère, lui, il disait, c'est pas possible d'éditer parce qu'il y a trop de variations. et il avait considéré que le BNF, si je ne me trompe pas, 350, c'était un peu la Vulgate de Guéron. Il disait ça forme un truc qui représente assez bien toutes les versions. C'est une assez bonne synthèse. Et le truc, c'est que plus récemment, on a dit oui, c'est le cas, mais c'est parce que c'est une synthèse tardive, quoi. C'est quelqu'un qui a essayé de combiner différentes traditions de façon plus ou moins habile. Mais du coup, en coupant le cycle en morceaux, il y a le groupe Guéron qui a fait une édition du Méliadus, du Guéron, de la suite Guéron, avec des très larmaniens, donc avec des lieux critiques qui séparent les différentes branches, et on va essayer de revenir. Et un optimisme de « oui, on peut éditer ». Et c'est un peu pareil pour Arioli qui dit « oui, les ours-professions, on peut les éditer ». Alors que Patton, elle disait « non, ça, c'est pas possible ouais. ». Et que Cobble, par exemple, Nathalie Cobble, son livre sur les prophéties de Merlin, il est très riche et très intéressant sur cette matière. Mais le fait de reconstituer l'original, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et c'est vraiment pas ce qui l'intéresse. C'est beaucoup plus comment ça s'articule, comment les différentes branches articulent justement ces deux côtés, prophétie de Merlin et aventure chevaleresque. Et il y avait un intérêt beaucoup plus, on va dire, littéraire, qui se trouve aussi dans l'étude d'Arioli. Hein. Je prétends pas que c'est une binarité où il en ferait pas partie. Mais ça s'inscrit dans une période actuelle où tous ces cycles de la fin du XIIIe siècle qu'on avait un peu laissé tomber, on dit non, si je me concentre très fort, je peux créer un stemma et puis y arriver. Et Arioli s'oppose notamment sur certaines de ces questions avec d'autres chercheurs, on va en reparler après. Lui et ses soutiens sont quand même un peu en porte-à-faux vis-à-vis du groupe Guéron, quoi. Il y a une espèce oui. de... Alors, c'est pas complètement... Ils sont pas complètement incompatibles surtout, mais il y a clairement deux écoles, quoi. Et je tiens à préciser que je pense qu'il y a plein de points sur lesquels c'est Arioli qui a plutôt raison. Je pense. Maintenant, en tant que simple citoyen qui donne mon avis, qui ne suis pas philologue, qui n'ai pas fait l'école des chartes, il y a des points où Arioli, à mon avis, est incomplet ou passe sur des problèmes qui ne l'intéressent pas trop. Et il y a des points où, à mon avis, par rapport aux études précédentes, il marque quand même un progrès sur la compréhension de ces cycles. Et il fournit, et là je pense qu'on peut le remercier, il fournit la porte d'entrée, je trouve, parfaite, pour tous les textes qu'on va discuter aujourd'hui, Prophétie de Merlin, Guéron, etc. C'est vraiment un fil rouge qui, à mon avis, apporte vraiment quelque chose. Le problème, c'est aussi, voilà, c'est la façon dont ça a été publicisé, un peu en mode voilà. âge héroïque des études arthuriennes. On a le grand chercheur qui découvre ça dans la salle de lecture de la BNF, qui est ému aux larmes et qui va décider d'éditer tout ça qu'il avait trouvé de ex-nihilo. Il déchire ses vêtements comme pour la tablette de Gilgamesh. C'était qui c'était, je sais plus qui c'est, qui découvre la tablette de Gilgamesh du déluge et qui arrache ses vêtements. Mais aussi le problème du truc, c'est que la façon dont Arioli communique académiquement, alors on peut reprocher ce qu'on pourrait dire, ce sont des impairs de temps en temps, il a tendance à pas forcément toujours mettre en avant les critiques des chercheurs qui l'embêtent plus ou qui sont plus complexes à mettre en pratique, il passe parfois certains trucs un peu trop sous silence, je trouve, mais c'est solide académiquement. Enfin, c'est solide, mais il faut le lire de très près. Voilà, et pas aller aux conclusions, parce qu'on saute vite aux conclusions. Il s'avance pas trop par rapport à la façon dont il le fait, je trouve, dans la traduction, et notamment l'introduction de la traduction, parce que certes, alors, en général, il préfère laisser à d'autres que lui, dans la communication, le soin de tous les trucs révolutionnaires, vous avez tout fait, c'est formidable. Lui, il est relativement succinct dans ce qu'il dit, sa communication, parce qu'il ne peut pas dire, voilà, j'ai découvert un truc qui était complètement inédit, que personne ne connaissait. Non, ça, d'autres le font pour lui. Par contre, la façon dont il essaie de big up Ségurant comme une œuvre charnière, un truc qui a un succès phénoménal, ouais. une matière qu'il faut prendre en compte sur le même niveau que le Tristan en prose, que la tradition guironienne et tout ça, dans l'introduction de son texte, c'est du flan, quoi. C'est ça, on est un peu... Je pense qu'on peut être à peu près sûr qu'il n'y avait pas une matière de Ségurant à la hauteur de ce qui pouvait se faire dans d'autres cycles et que ce n'est pas une œuvre charnière, inédite, qui ne fait rien. Non, mais pour les textes, disons, il y a une passion... C'est un personnage important pour les textes franco-italiens du nord de l'Italie et qui va avoir pas mal de succès après. On va en parler un peu. Mais la façon dont il présente, il ne dit pas « c'est un personnage qui a un succès fou », il dit « ce roman ». Cette tradition, ouais. c'est comme si... Il y a une ambivalence très forte où il va parler du roman soit pour le texte préservé par le manuscrit de l'Arsenal, soit pour l'ensemble de toutes les variantes. Et ça, je pense, c'est une ambivalence qui, à mon avis, est très délétère, parce qu'elle a créé beaucoup de confusion dans cette communication-là. Mais c'est ce qui va se retrouver, c'est ce que le grand public va lire, les journalistes vont lire, les journalistes, ils ne vont pas lire l'édition, même quand ils ont republié en 2023 les deux tomes, avec une deuxième version, avec une introduction nouvelle, et c'est à peu près tout, je crois, profiter de la vague. Les journalistes, ils ne vont pas lire le texte, ils ne vont même pas lire l'introduction au texte en ancien français ou en moyen français, parce que ce n'est pas très utile pour eux. Ce qu'ils vont lire, c'est ce que le grand public va lire, ce que la communication va mettre en avant, c'est... La traduction dont on va vous parler aujourd'hui. Et pour le coup, là-dedans, je trouve que c'est là où il s'avance le plus et de façon le plus potentiellement problématique, disons. Oui, et puis là aussi, on l'a pas dit, mais il y a un documentaire qui met les choses en scène de manière assez sensationnelle, que je déconseille, parce que je pense, non seulement vous apprenez pas grand-chose, mais vous désapprenez des choses. Et aussi, il a fait deux bandes dessinées, les préfaces de la BD. Enfin, moi, je pense que la communication est un désastre, en tant que youtubeur, communicant scientifique, vulgarisateur, podcasteur. Un désastre scientifique, par contre, en termes de succès commercial, je pense que là... Alors oui, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. On va, je pense, commencer à aborder ces histoires. On a assez parlé de ça, mais on va peut-être plus comprendre au fil du récit, quand on aborde ces épisodes-là, on va aborder les problèmes théoriques qui se posent au fil du récit, et vous allez voir qu'il faut être quand même assez contrasté, même dans les points où il y a des problèmes, c'est souvent très à double tranchant. Même les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont beaucoup dans le sens d'Arioli, qui embêtent un peu, mais c'est rarement très univoque, quoi. Donc on va voir ça en commençant avec cette fameuse version cardinale du manuscrit de l'Arsenal. Donc là, on va vous présenter les épisodes inédits du manuscrit de l'Arsenal qui concernent Ségurant. Donc on va pas vous parler des prophéties de Merlin qu'il y aura entre deux. On a des diagrammes qui vous montrent un peu et des tableaux qui vous montrent la composition de ces manuscrits-là. Donc ça commencerait par des prophéties de Merlin, après il y aurait la version cardinale, après quelques prophéties, après un peu la version cardinale, ça alterne comme ça. On va pas forcément revenir dessus, on va vraiment juste vous faire le fil de ce récit-là, parce que c'est un fil de récit, hein, c'est un récit entrelacé. Il y a deux trames narratives qui sont entrelacées, comme c'est la coutume littéraire de l'époque, d'une manière plus systématique que d'habitude peut-être. Mais donc, on va seulement vous parler de ces épisodes romanesques-là, il faut se rappeler qu'ils sont dans ce manuscrit unique, entremêlé à Merlin qui dit « c'est la fin du monde, les femmes se maquillent, etc. » Voilà, et le manuscrit, après donc, une introduction sur Merlin, et après une partie de prophétique, justement, introduit l'histoire de Ségurant par l'histoire de ses ancêtres, en fait, enfin, de ses ancêtres, de son père. On est au temps de Vertigère, donc, ou Vertiger, ou Vertigier, donc Vertigerne. Et c'est effectivement un truc intéressant là-dedans que c'est pas l'époque, même pas l'époque du Terre qui est parfois mise en avant. On parle vraiment d'un temps un peu plus reculé que ça, qui est présent comme donc dans l'histoire des rois de Bretagne, mais qu'on retrouve pas souvent dans la matière de Bretagne. Et l'époque donc des guerres contre les envahisseurs saxons et ce mauvais roi qui usurpe le pouvoir, etc. Et donc à cette époque-là, les deux frères, Galeo le brun, le vieux. Donc on vous a parlé de Galeo jusque-là. Hein. Ça c'est le c'est pas le Galeo, l'oncle de Ségurant, c'est son grand-oncle Non, c'est le Galeo, c'est le grand-père, parce que ça alterne en fait. Hector Lebrun le jeune, c'est le père de Ségurant. Et son père, c'est Galeo Lebrun le vieux. Voilà. Et il y a Hector Lebrun le vieux qui a un Galeo Lebrun le jeune comme fils. Voilà, c'est qui est l'oncle de Ségurant. Voilà. Le cousin de son père, du coup, non? Oui. Si Hector Lebrun le vieux, c'est son oncle, enfin c'est son. Mais ce que... Donc Hector Lebrun et Galeo Lebrun les jeunes sont cousins, ouais. Ouais, tout ça, et en plus, pour ajouter au fait, à la confusion potentielle, vous écoutez, vous entendez Galeo. Pensez pas au Galeo du Lancelot Graal, c'est pas le même, c'est pas le Galeo des îles lointaines. Et c'est encore pire parce que l'épisode 9, il y a Galeo des îles lointaines qui intervient dans l'histoire. Donc c'est pas le Galeo, c'est pas le, pote de Lancelot. C'est pas le même Galeo. C'est ça. Mais si vous faites la confusion, rassurez-vous, il y a des textes médiévaux qui ont fait exactement cette même confusion, ce qui se comprend. Ils ont fusionné les deux personnages, des textes assez tardifs. Mais en plus, ouais, avec ces appellations, Hector, Galeo, Lebrun, le jeune, Brunor, enfin tout. Le fait qu'il y ait Galo le brun le vieux, Hector le brun le vieux et Galo le brun le jeune, Hector le brun le jeune, c'est possible que ça marque justement une altération de la tradition, parce qu'en général quand les personnages se multiplient comme ça, on peut penser aux frères de Gauvin par exemple, c'est le signe. Donc c'est un peu à double tranchant, c'est que ça nous montre que la tradition est abîmée, mais probablement que du coup c'est une tradition qui existait avant. Et surtout ça explique pourquoi on a cette confusion, enfin cousin du père, oncle, si à la base Galo est simplement le fils d'un Hector qui a un nom, un frère qui s'appelle Galo. Bah voilà, c'est compréhensible, c'est son nom. Je sais pas si c'est tant un problème pour les généalogies médiévales. Non, mais oncle, de toute façon, c'est... Oncle, même cousin, enfin c'est un peu... C'est comme dans The Bear, lâche. Ils s'appellent tous Kekwood. Voilà, donc les deux frères, Galeo le Brun le Vieux et Hector le Brun le Vieux, c'est comme des noms de villes françaises, ils fuient Vortigerne, ils demandent à leur femme de se réfugier en Carmélide. Je sais pas comment le texte écrit, je me suis pas posé la question de savoir comment le texte écrivait Carmélide, et je me suis posé la question, est-ce que Carmélide avec un C, c'était une influence camelotienne chez Arioli? Toujours est-il que leurs femmes vont se réfugier avec les enfants en Carmélide et eux vont s'embarquer dans un navire entre mecs avec quatre marins. Enfin, il y a plus de marins que ça, mais ils vont faire naufrage sur une île qu'ils vont appeler l'île non-sachant, donc l'île inconnue ou l'île dont on ne sait pas, ou l'île dont on ne sait rien, mais qui a un nom un peu effectivement de... Ça a un nom vaguement mystique, ça fait un peu... Moi, ça m'évoque aussi les palais un peu élisabétains, le Nonsuch. Il y a aucun à la hauteur. Non sachant, ça fait un peu aussi. Non touch, ouais, c'est. Il y a ce côté un peu mythique comme ça, et ils vont vous faire naufrage avec des marins. Alors, il y a tout un truc sur les. J'ai pas très bien compris sur les des marins qui disent ouais, mais attendez, parce qu'on a des collègues qui vont arriver, il faut qu'on les attende pour partir. Puis ils disent non, non, mais on vous paye double si vous nous prenez maintenant, sans attendre les collègues. Mais après, ils vont arriver les chevaliers de Vortigern qui les pourchassent. Puis il y a de nouveau les d'autres marins qui arrivent. Donc est-ce qu'ils ont quand même attendu les collègues? Enfin, c'est tout. C'est assez compliqué. Mais comme souvent dans ces textes en prose où on peut étaler sans prendre en compte le fait qu'il faut faire des vers, donc il faut rester succinct, du coup ça devient parfois un peu verbeux et complexe. Et donc ils vont faire naufrage sur cette île déserte, ils vont vivre leur vie de Robinson Crusoe. Parce que c'est ça, c'est une belle Robinsonade. Hein. Mais qui est effectivement un peu, c'est rigolo, parce qu'il y a des histoires de naufrages dans la tradition médiévale, pas forcément toujours dans la matière de Bretagne, hein, mais il y a des traditions de naufrages, de vie comme ça un peu érémitique, mais jamais de façon aussi Robinson. C'est rare que ce soit aussi Parce qu'ils vont vraiment reconstituer une petite société médiévale où il y a tout de suite une division du travail, où les chevaliers vont se mettre à chasser, et puis les paysans vont se mettre à cueillir des pommes, et puis les marins vont se mettre à cueillir des pommes. Donc on rétablit vraiment cette société médiévale. Et mais d'ailleurs, Arioli a consacré un article là-dessus sur un livre qui s'appelle 300 Years of Robinsonade, enfin 300 ans de Robinsonade, où il fait un article là-dessus. Ce passage-là était d'ailleurs mentionné par pour vous parler un peu du fait que cette version n'était pas complètement oubliée puisqu'elle était résumée par Patton. Il y a Jacques Le Goff et Pierre Vidal-Naquet qui le mentionnent dans un article. Justement sur le qui s'appelle Lévi-Strauss en Brocéliande, puis qui font une espèce d'analyse un peu structurale de différents trucs arthuriens. Et j'en parlais à Camille, puis elle m'a dit, puis je dis ouais, Jacques Le Goff et Pierre Vidal-Naquet, me fait ah oui, des petits chercheurs, pas très connus comme ça. Mais ils mentionnent que ça. Ils vont pas dire il y a Ségurant, il y a les professionnels, ils vont juste mentionner cet épisode-là, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est clairement un truc qui témoigne de l'intérêt de l'œuvre aussi, hein, de ses qualités qui méritent d'être étudiées, parce qu'il y a des trucs dedans qui sont effectivement. Alors, peut-être pas aussi capitaux et influents que Carioli le dit parfois, mais clairement qui ont de l'intérêt et qui offrent une matière intéressante à regarder, quoi. L'épisode 2 est très particulier. Il fait suite tout de suite à ça. Et là, en fait, ces quatre premiers épisodes qui forment cette partie sur les ancêtres de Ségurant sont vraiment très abîmés par moments. Donc, il manque clairement des choses dedans. Et notamment, la deuxième partie, c'est que Maître Antoine est en train de lire des prophéties de Merlin à Galeot le Brun le Jeune, donc un des donc le fils de Hector le Brun le Vieux. Et il lui dit que le tournoi de Salisbury, sera remporté par deux hommes qui ne se sont nourris avant ça que de bêtes sauvages, de petites pommes et de volailles. Et alors nous, on comprend, puis on dit, bon, bah, c'est ces types qui sont sur l'île, ils vont remporter le tournoi de Salisbury. Alors c'est un peu énigmatique, évidemment, si vous n'avez pas cette histoire-là. Et ils coucheront ensuite avec des religieuses de Carmélide. Et donc, c'est leurs femmes qui ont pris le voile pendant ce temps. Donc, c'est des prophéties sur ces deux naufragés. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe ensuite. Cet épisode-là, il est particulier aussi parce qu'il est attesté dans la version courte des prophéties de Merlin et la version compilation. C'est-à-dire qu'il y a une branche courte et puis il y a une branche qui se concentre sur les prophéties, mais dans le désordre. Et cette branche courte, elle contient d'ailleurs des matériaux supplémentaires qui posent beaucoup de questions. Quand on fera un épisode sur les prophéties de Merlin, on abordera peut-être plus ces questions-là précisément. Mais du coup, cet épisode-là, l'épisode 2, il n'est pas que dans le manuscrit de l'Arsenal. Maintenant, Arioli pense que cet épisode-là ne faisait pas partie originellement de la trame. Pourquoi ? Parce qu'il dit ça mélange la trame de Merlin et la trame de la version cardinale. Et donc, si la version cardinale a existé séparément, cet épisode, il pouvait pas être dedans. Et c'est vrai qu'il est assez redondant. C'est-à-dire qu'on vous raconte un truc, puis ensuite, il y a des prophéties qui annoncent ce qui va suivre juste après ou ce qui vient de se passer. Donc, cet épisode-là, pour Arioli, c'est un épisode de raccord. Mais qui montre que la version cardinale, c'est un des bouts de la version cardinale qui est attesté en dehors au XIIIe siècle. Il est incomplet dans tous les manuscrits, sauf le manuscrit de Chantilly, qui fait partie du groupe de manuscrits compilation, donc le plus bizarre. Donc, c'est un épisode qui pose beaucoup de questions. L'épisode 3, c'est que Arthur se bat contre les Saxons, comme d'habitude, de la Roche aux Saxons, il remporte une victoire, et les deux, Galeot le Brun le Vieux et Hector le Brun le Vieux, se distinguent dans la bataille. On ne sait pas comment ils sont revenus, on ne nous le dit pas, donc il manque clairement des choses là. Et le lendemain, on prépare le tournoi de Salisbury, Merlin fait édifier un pavillon d'Arthur sur un rocher pour voir toute la plaine de Salisbury. Il y a l'idée que ça annonce un peu, ça présage ce qui se passera dans cette fameuse plaine de Salisbury, hein, la fin du royaume arthurien. Mais on ne sait pas comment ils ont quitté l'île, il n'y a pas le tournoi. Mais là où Arioli donne des arguments qui montrent que ça devait faire partie des prophéties de Merlin, c'est que si vous comparez les différentes traditions côte à côte, bah, vous avez vraiment l'impression qu'en fait, les épisodes de l'Arsenal ont été coupés dans les autres versions, quoi. Là, il y a des arguments philologiques assez forts là-dessus pour ce début-là. Même si, effectivement, il nous manque beaucoup de matériel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive direct à l'époque d'Arthur. Il n'y a pas du tout de trame narrative qui permettrait de dire « Ah voilà, voilà là, il s'est passé des tas de trucs, il est devenu beaucoup plus... d'un coup... Il y a eu Arthur, il y a eu Uther, il y a eu toute la partie historique. Il y a un saut narratif. Alors, comme d'habitude, des personnages super âgés, ce n'est pas forcément un problème dans la littérature arthurienne, hein, mais on a des gens qui étaient dans manifestement dans la force de l'âge à l'époque de Vortigern, qui se retrouvent à devenir, à faire des exploits après quelques décennies de malnutrition sur une île déserte. Et deviennent... On verra que dans les différentes traditions, il y a un peu une hésitation sur quelle époque fait partie Séguran. Parce que là, il va côtoyer le roi Arthur, mais par la suite, on va souvent en faire un chevalier. Bon, ça, c'est probablement plus tardif, mais un chevalier de l'époque d'Uther, en fait. Parce qu'il fait partie un peu de cet univers gironien et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème. Donc, l'épisode 4, c'est que Merlin, Arthur et les deux vieux brins rendent visite à Maître Antoine, et tout le monde se rend au monastère de la Trinité, où il y a leurs femmes et leurs enfants, donc il y a les réunions qui se font. Et ensuite, ils accompagnent Arthur à Londres. Et Léo Dagan demande à Arthur de l'aide pour défendre la Carmélide. D'ailleurs, j'ai vérifié, apparemment, c'est Carmélide dans le manuscrit de l'Arsenal. Ah ouais, donc c'est vraiment simplement du... Carmélide. Alors que parfois, c'est Tarmélide. Parfois, c'est Garmélide. Parfois, ouais, j'en étais resté au Carméliard de chez Mallory. Donc là, c'est... Mais donc, ce début de quatre épisodes, Arioli dit, bon, l'épisode 2, attesté en dehors, ça prouve que ces épisodes sont anciens. Et je suis à peu près d'accord, parce que effectivement. Si c'était le fruit d'une harmonisation plus tardive, on aurait fait un travail plus... Enfin, on voit, pour moi, on voit que c'est des morceaux qui ont été assemblés ensemble d'une manière où on n'a pas pensé à résoudre les sutures, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis à rajouter le tournoi de Salusbière, il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis à rajouter ce qui manquait. Mais comme il le dit, le fait que ça mélange la trame des prophéties de Merlin et cette version cardinale, ce qui souvent n'est pas le cas, au contraire, souvent, elle a l'air d'être vraiment insérée au chausse-pied, bah, ça peut laisser penser que oui, ça faisait partie des prophéties de Merlin, des Ur-prophéties, mais peut-être pas d'un roman séparé. Justement, c'est un peu ça. C'est un peu comme tu disais, ces indices qui montrent que, bah, effectivement, il y a une tradition ancienne sur Séguran, mais si c'est intégré comme ça, ce serait comme dire, comme parler d'une tradition, je sais pas, n'importe une tradition de Gallo et Lancelot séparée du Lancelot Graal, ça ferait pas grand sens de postuler ça, parce que bah, le récit, il est là-dedans, quoi. Enfin. Bah là, on ne parle pas encore de Séguran, hein. C'est les ancêtres de Séguran, mais peut-être, c'est un de ces noyaux où, comme Damien de Carnet le dit, en fait, il y a plein de problèmes qui se posent avec cette version cardinale, où si c'était des moments d'écriture distincts, donc il y a eu des réécritures au fil du temps, ou bien si c'était des imports textuels distincts, on comprendrait facilement. Si c'est un roman écrit d'un coup, ça devient un peu bizarre. Ouais, c'est... Mais donc ça, c'est le tout début de la version, quoi. Avant que Séguran n'entre en scène, et puis, comme on dit, on passe très vite de naufragé sur une île, pas sur une île, le tournoi qu'on n'a plus, on passe de Vortigern à Arthur, mais voilà, c'est le début. On arrive ensuite justement à la, disons, l'arrivée de Séguran en propre, et pour le coup, ben, il est, lui, grandi sur l'île non sachant, donc clairement, il y a le fait que sa famille y est revenue, enfin, avec les enfants, la femme, donc cette île, il y a grandi, il chasse des lions. Il y a une parallèle que je trouvais rigolo que fait Arioli, c'est il dit ah on peut imaginer que Séguran qui chasse un dragon, bon ça, on peut trouver ça sa source dans des trucs comme le chevalier au lion, Yvain chasse un lion des griffes d'un dragon, et là justement il passe beaucoup de temps à chasser des lions sur cette île sauvage, mais c'est simplement un motif du désert assez classique, mais c'est vraiment une société qui a grandi, hein. Il a un adoubement collectif avec 400 autres chevaliers. Il y a une personne avec un doohickey pour aller. Ça fait vraiment secte Moon, tu sais, les mariages. Il y a personne qui a visiblement pris un doohickey pour aller tenter d'assassiner le grand-père Séguran, le grand-père Galéo. Il y a un tournoi dans lequel il se met à la place de la quintaine. Ça, c'est un épisode que tu mentionnais auparavant. Personne réussit à le désarçonner alors qu'il est. Bah, il charge pas, quoi. Enfin, il est fixe sur un cheval de bois. On pourrait se dire qu'il ferait vite. Mais non, C'est pas le grand moment de la quintaine, mais c'est vrai qu'au fil de cette version cardinale, il y a plusieurs personnes qui vont se prêter à cet exercice, dont Séguran qui le fait déjà. Oui, c'est ça, c'est un motif qui va revenir, mais j'entends, c'est clairement un truc qu'on veut nous montrer. Voilà, il est tellement bon. Et c'est un truc d'ailleurs qui revient beaucoup dans le roman, hein. Séguran, c'est le meilleur chevalier. Et c'est justement oui. un... D'ailleurs, je pense que c'est un argument fort pour dire qu'il y a eu un... qui n'est pas vraiment mobilisé par Aioli, mais en général, quand on vous dit c'est le meilleur chevalier du monde, c'est que vous êtes en train de lire une œuvre qui est consacrée à lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour un roman séparé ou pour les prophéties de Merlin, il y a l'idée que Séguron est le meilleur chevalier Après, du monde. Après, tu trouves quand même dans ces cycles en prose des trucs comme ça, mais qui sont forcés, parce que les gens sont forcés de... Ouais. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui auraient bien voulu faire un roman de Séguron, mais ça se, entre guillemets, ça se vendrait pas. Il n'y a pas d'intérêt à ça, donc tu mets ton blorbo, comme on dirait aujourd'hui, ton glorbe plutôt personnel dans le roman que tu es en train de... Et même si tu avais voulu en faire un roman séparé, bah, tu n'as pas tellement la possibilité de le faire, il n'y a pas tellement de place dans le canon pour un Séguron comme il y aurait eu encore pour un... comme un Perceval ou un Lancelot. Oui, d'ailleurs, ça fait partie des astuces que le récit utilise. Il vient d'une île inconnue, comme ça, c'est pour ça que vous n'avez pas entendu parler de lui. Il y a un enchantement qui fait que tout le monde l'oublie, c'est pour ça qu'il a été écarté de la version. Il le met un peu au chausse-pied, puis il dit non, mais c'est normal que vous n'ayez pas entendu parler de lui. C'est un argument qu'utilise Arioli pour dire oui, vous voyez, c'est pour ça que ça n'a pas été pris ailleurs. Le type se sent obligé de préciser pourquoi son chevalier, on ne le retrouve pas ailleurs dans la Bastille de Bretagne. J'ai envie de dire. Même il y a des tas de gens qui font des aventures de chevaliers complètement inédits qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs et qui s'embarrassent pas de ça. Oui, hein. C'est joli pour la pirouette, pour le côté narratif du un chevalier qu'on a oublié jusqu'à maintenant, enfin qu'on n'a pas vraiment complètement oublié jusqu'au 20e siècle, mais un chevalier qui n'est pas revenu au rang des autres. Bah pourquoi? Bah déjà parce que c'est un chevalier tardif, mais en plus parce qu'on a fait cette petite astuce narrative. Ça fait un écho joli, mais je trouve que Arioli met beaucoup de poids dans cette idée là. Peut-être un peu fort quand même. Mais voilà, Séguran est un grand chevalier dès son plus jeune âge. Personne d'ailleurs, après l'épisode de la quintaine, ils font une pause pour midi, puis après, personne essaye de le faire. Et il y a un chevalier inconnu qui arrive, qui va se présenter, mais là, il est renversé, donc comme les autres, il échoue. Et en fait, on découvre que c'est pas un chevalier inconnu, en fait, c'est Hector Lebrun le Jeune, donc son père, le fils de Gallo Lebrun le Vieux. Vous suivez? Donc Séguran se désole, voilà. Oh mon père, si je savais que c'était vous, j'aurais été plus mollo et tout, etc. Et son père, il dit, non, c'est bien, fiston, t'as bien fait, je vois que tu es désormais mon égal. Donc voilà, Séguran a fait ses preuves. Et il se lance, en fait, l'épisode 6, c'est le début de sa quête, où il se dit qu'il va se mesurer à son oncle Gallo le Jeune, donc qui du coup est en fait le cousin de son père, mais bon, on va dire, je vais continuer à dire son oncle, je pense, au Royaume Sauvage. Ils partent en mer, ils débarquent en Carmélide, donc la Carmélide revient beaucoup, hein. Ils rencontrent des chevaliers qui vont au Pas Berthelet, c'est un lieu qui va revenir aussi, qui va être repris par ailleurs, pour combattre les païens qui s'y trouvent. Ça va être un fil rouge de l'histoire de Séguran qui part en croisade, qui combat des païens, etc. L'épisode d'avant, le père de Séguran a aussi un rêve où il voit Séguran en Orient en train de massacrer des païens. Donc après, suivant dans quel sens on pense que ça a été rédigé, on peut se demander dans quel sens a été l'influence. En même temps, ça entre le 13e et le 14e siècle, des narratifs d'aller tabasser des païens outre-mer... Tu trouves suffisamment d'occasions pour justifier tu me dis ouais, c'est un truc basé sur les croisades, non, c'est un truc basé sur les croisades nordiques. C'est un peu je pense il y a deux manières de voir les choses. Il y en a une, ce serait de dire c'est effectivement les croisades parce que ça va jouer un rôle dans l'histoire de Séguran après, ou alors c'est un truc à la Perlesvos ou l'île de Bretagne à des païens, ce qu'on nous montre là, tu vois. Bon, mais on nous dit il y a encore des païens et il y a encore des païens ici à massacrer. Certes, mais en général, c'est un peu la question. Je pense que la question se poserait de est-ce que c'est que l'histoire de Séguran était associée à une croisade dès le début, ou bien est-ce que c'était plus associé à un truc à la Perlesvos. Oui, mais le truc c'est que quand tu regardes, je crois qu'Arioli en parle pas trop. Quand tu regardes des textes médiévaux où il y a des païens en Bretagne, souvent en fait c'est le but est double parce que c'est clair qu'il y a un souvenir. Du paganisme, déjà parce qu'il y avait eu des tentatives d'envahir, il y a des relations avec des pays païens, il y a encore des populations, disons pas au 12e siècle, l'empire de la mer du Nord de Sven, et au 11e siècle, ça c'est déjà plus loin, mais enfin il y a quand même le souvenir des Vikings, il y a quand même le souvenir des Anglais et des Saxons dans le narratif de Vortigern précisément, mais souvent, typiquement un exemple assez connu, c'est dans Kinghorn. Où il y a c'est des Sarrasins, en fait, ils s'appellent Sarrasins. Alors, c'est un nom pour païens, mais c'est clair que le fait de faire venir des païens en Occident, en Grande-Bretagne, c'est aussi un moyen de déployer une rhétorique que tu utiliserais contre des païens d'Orient, enfin, ou des musulmans, en l'occurrence, des Sarrasins. Oui, il y a clairement une confusion Sarrasins, païens, musulmans. Il y a un lien quand même entre les deux, et c'est pas non plus... C'est pas parce que, certes, c'est un motif plutôt insulaire, oui, qu'il n'y a pas derrière le narratif de la croisade quand même. Non, il est clairement présent là, mais simplement ce que je disais, c'est simplement. Quelle est la première motivation, ouais. Est-ce que c'est une. Quel est le premier ingrédient dans l'histoire de Sélurant qui renvoie à ça? Un motif traditionnel ou un motif plutôt motivé par l'actualité, ça c'est vrai. Effectivement, ils vont être attaqués par 200 chevaliers le capitaine de ce que j'ai pas très bien compris le narratif. En fait, il propose d'héberger Ségurant et Ségurant il accepte mais il dit oui je viens dormir chez vous mais vous devez me laisser une faveur. C'est ça. Donc c'est la faveur, c'est vous me laissez les combattre, vous me les laissez, c'est je vais ça. Les combattre tout seul, et il en tue 28 et il fait fuir les autres. Donc voilà, il est le meilleur, les acclamations, on lui fait la fête, voilà. Et du coup, bah, les païens qui voient les exploits de Ségurant s'indignent un peu au château Berthelet. Et donc, le fils du chef des païens, Taran, veut le défier en duel. Ségurant, bien sûr, le bat, lui tranche la tête. Et du coup, le roi de Carmélide est très, très content de tous ses efforts contre ses adversaires. Et il apprend, en restant chez le roi de Carmélide, que son oncle Gallo est en train de garder un pont en attendant l'affrontement du héros du pas Berthelet. Donc ben voilà, c'est le c'est duel. Il entend parler de son oncle qui a lui-même entendu parler de ses exploits, donc la rencontre est présagée. Ce sera le sujet des épisodes 8 et 10, qui sont en fait les deux épisodes qui sont attestés en dehors parce qu'ils ont été repris. Alors là, je dis repris parce que je pars du principe que Arioli a raison, que ces épisodes ont été repris dans une compilation attribuée à Rusticien de Pise, ce qui ne serait pas très étonnant parce que c'est une compilation qui reprend des épisodes de ailleurs. Et Ségurant part donc pour le pont qui est gardé par Gallo devant un château. Il croise un chevalier qui s'appelle Odéris ou Odéritz qui lui demande de l'accompagner jusqu'à son château. En chemin à une chapelle, ils sont assaillis par 40 chevaliers. Alors Ségurant en tue 15 et fait fuir les autres. C'est généralement ce que Ségurant fait. Il en tue plein et les autres ont trop peur, ils se barrent. Il est acclamé au château, on lui fait la fête. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, il y a toujours. Puis en général, il y a des festins. Donc, à son adoubement, je vais en redire un mot à la ploue. Donc, rappelez-vous que là, à chaque fois, il y a des festins, on mange beaucoup, etc., quand on fait la fête à Ségurant. En chemin, on lui vante les exploits de Gallo. Il envoie un messager lui dire on va se combattre demain. Et quand il apprend que c'est le héros du pas Berthelet qui lui envoie ce message, Gallo le rejoint. Ségurant lui dit pas son nom, mais Gallo se dit tiens, mais il ressemble beaucoup à mon cousin Hector, c'est marrant. Enfin, il reconnaît un air de famille. Donc, ils mangent ensemble, encore un repas. Et ils se séparent pour dormir. Là, la version cardinale interpole un épisode qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, on va essayer de ne pas faire ça de façon trop confusante. Gallo, le fils de la Belle Géante, le seigneur des îles lointaines, donc le Gallo du Lancelot Graal, entre en jeu. Ce n'est pas Gallo le Brun. Il reste en Gore un mois et demi avec Baudemagu, qui est son connétable. Là, les deux sont liés. Et il y a une flotte de Saxons qui les menace. Baudemagu va les attaquer, mais il y a des marins désobéissants. Donc l'amiral des Saxons parvient à s'enfuir. C'est très maritime, hein, cette version aussi. On voit beaucoup on voit pas mal de bateaux. Ce qu'on voyait aussi un peu dans le Tristan en prose, ou alors dans l'histoire des Saint Graal, la quête du Graal, c'est plus des bateaux magiques, mais là, il y a un côté très maritime. Gallo fait envoyer les prisonniers au roi Arthur après que l'amiral des Saxons soit enfui, et il fait brûler les marins récalcitrants sur un bateau. Donc un truc assez brutal et assez... il y a une certaine brutalité. Ça c'est un épisode 10. Qui est complètement évacué par la traduction de d'Arioli. Hein. Ça, vous ne le trouvez pas dans le il me semble. Il le coupe, parce que bon, c'est vrai que ça interrompt un peu l'action. Dans la version de Rusticien, les deux épisodes sont collés ensemble. Maintenant, dans le manuscrit de New York, les deux épisodes sont séparés par un espace, ce qui laisse penser que... Enfin, en fait, voilà, c'est ouais, c'est même pas dans les versions alternatives ou quoi que ce soit, c'est simplement un fragment qui... Non, c'est un des bouts de la version cardinale qui a été coupé, parce mais qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose... Il ne m'aime même pas un petit peu. Oui, mais il n'a pas grand-chose à voir avec la choucroute. D'ailleurs, justement, ce que dit Damien de Carnet, c'est... Damien de Carnet dit, cet épisode, pour moi, il ne fait pas partie de la trame, quoi. Damien de Carnet dit, je le couperais, peut-être qu'il ne faisait pas partie du roman, et c'est un truc qui a été inventé spécifiquement par le manuscrit de l'Arsenal. Je ne sais pas, mais c'est vrai que... le ton correspond à certains épisodes des Prophéties de Merlin. Il y a des épisodes avec Gallo. Enfin, on va voir après. Mais du coup, ces deux épisodes-là, Gallo contre Ségurant, ces deux épisodes qui sont attestés en dehors et qui existent donc à la fin du XIIIe siècle. Donc, avec le naufrage du début et celui-là, c'est un peu deux noyaux qui existent au XIIIe siècle. Donc, soit vous avez la perspective qui dit « ça atteste que tout le reste de la version existe », ou alors, si vous êtes un peu plus sceptique et critique, peut-être que le manuscrit de l'Arsenal, il a repris ses noyaux et il a développé quelques épisodes entre deux. Et quand on regarde les récits dont on vient de vous parler, c'est vrai qu'ils sont assez dérivatifs et ce serait pas dur d'imaginer quelqu'un qui fait en fait du remplissage. Maintenant, il faudrait des arguments plus poussés pour trancher dans un sens ou dans l'autre, que peut-être on n'arrivera pas à faire. Mais il y a des éléments un peu bizarres. Rappelez-vous des repas dont je vous ai parlé, on va en reparler dans un instant. L'épisode suivant, donc, on revient à Galeo, donc notre Galeo le Brun, et à Ségurant, qui ont leur duel programmé. Au début, il n'arrive pas à renverser son neveu slash cousin. Il enlève un écu qui lui avait été offert par l'empereur de Rome. Et je pense que l'idée, c'est qu'il est trop lourd ou qu'il n'arrive pas assez. Il est indigne de cette. En fait, il est indigne de l'honneur que ce bouclier lui avait été conféré. Il avait été donné ce bouclier parce que c'était le meilleur chevalier, etc. Et là, il se dit je suis indigne, je ne mérite pas de le porter. Et il le donnera d'ailleurs à son neveu. Voilà, donc ils finissent par avoir jusqu'à quatre allées, quoi. Et ils finissent par. Évidemment, Ségurant finit par battre Galeo. Il lui dit voilà, je suis votre neveu. Je suis le fils d'Hector, et c'est après c'est de nouveau il a ce côté un peu humble comme ça quand il est il bat un de ses seigneurs, il sort de son cheval, il se met à genoux, il lui dit voilà, désolé, je suis votre neveu, je suis votre. Il y a le côté bon gamin, quoi. Loyauté familiale. Arioli soulève un truc que le récit de Ségurant évacue complètement, les choses de l'amour. Et c'est un peu. Alors, je ne sais pas s'il est unique en ça, mais on a l'impression que Ségurant, c'est un peu aussi un boy scout, quand même. Il y a le côté un peu. C'est le meilleur chevalier, le héros parfait. Il est respectueux des vieux. Il est gentil avec tout le monde. C'est un bon fils, quoi. Et Galeo lui offre, comme tu dis, effectivement, l'écu de l'empereur de Rome. Et il envoie un message à l'île non sachant pour transmettre la nouvelle. Ils se prennent un petit moment pour se faire un break ensemble. Et ils vont tuer des géants dans le coin au royaume sauvage. J'ai pas très bien compris si Galeo était techniquement roi du royaume sauvage ou si c'était simplement un coin où il était allé se battre. C'est là où il est établi, je sais plus exactement s'il a un titre, mais c'est clairement son quartier général qui a été conquis par les Bruns, en fait. Et puis c'est un thème qu'on va voir retrouvé dans différentes histoires gironiennes, les guerres des Bruns contre les géants. Notamment le prologue de la version de Londres-Turin mentionne les guerres des Bruns contre les géants, c'est une espèce de cliché qu'on va revoir. Alors, Arioli considère que ça fait partie, que ce dernier bout sur les géants, il se trouve que dans le manuscrit de l'Arsenal. Il n'a pas été repris par Rusticien notamment. Et Lucy Allen Patton, à son époque, elle pensait que c'était un trait, parce qu'elle pensait que ça avait été inspiré par une histoire gironienne, et donc elle pensait que ces guerres contre les géants, ça faisait partie de l'histoire primitive qui avait inspiré tout ça. Alors, peut-être pas très convaincant, mais en tout cas, c'est un motif qui fait partie de l'histoire des Bruns plus généralement. En tout cas, bon, c'est un truc qu'on trouve ailleurs dans la matière de Bretagne, mais il y a vraiment une exploration assez intéressante de la... Je sais pas si Arioli a beaucoup étudié ça, mais la frontière, la conquête de territoire, le territoire nouveau, comme ça, il y a... Le territoire sauvage contre civilisé, oui, ça revient pas mal. Bon, après, c'est un thème qu'on retrouve ailleurs dans la matière de Bretagne, hein, de nouveau, mais je trouve ça intéressant. Si tu cherches des munitions pour lire un truc, genre, c'est un roman teutonique, c'est basé sur les conquêtes en Lituanie, tu pourrais faire des arguments là, dans ce sens-là. La croisade, les païens... Pardon, Là, on arrive à une section suivante d'aventure de Dinadan. Alors, Arioli a beaucoup dit, oui, il y a de l'humour. Et puis, du coup, beaucoup de gens ont compris que c'était le premier roman arthurien qui contenait de l'humour. J'ai rédigé un petit paragraphe dessus pour dire non, en fait, il y avait beaucoup d'humour avant, etc. Mais il reprend effectivement le personnage de Dinadan ou Tristan en prose, qui est ce chevalier irrévérencieux et qui pousse le bouchon très loin. Dans les prophéties de Merlin ou le manuscrit de l'Arsenal, on va le voir pousser très loin. Et là, on a une particularité, c'est que c'est un chevalier qui n'est pas très chevaleresque parce qu'il a 10 gardes du corps, en fait. Il a 10 soldats qui l'accompagnent et qui peuvent combattre à sa place. Ça fait vraiment le... Il joue à Elden Ring, tu sais, puis là, non, mais c'est pas de la triche, ça fait partie des mécanismes de jeu, tu peux invoquer 10 soldats et puis... Il y a le côté contrasté aussi entre Ségurant, qui a le chevalier un peu parfait, tout ça, et Dinadan, qui est un peu le chevalier un peu loop-holy. De nouveau, tu peux beaucoup, lire beaucoup de trucs dans ce roman. Alors bon, on a lamenté la perte de la chevalerie dès qu'on a pu écrire sur la chevalerie, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Mais je trouve que ça a une résonance. Si tu veux voir des éléments tardifs dans ce roman, tu peux facilement en voir. Ou c'est un motif peut-être plus courant, mais là, le contraste entre les deux, en tout cas, me paraît intéressant. Ce que je trouve rigolo, quand tu dis que l'humour, Arioli dit que c'est drôle et que c'est les autres qui invoquent. Dans sa traduction, Arioli dit quand même. Sous-entend très lourdement que c'est un des premiers grands romans picaresques le côté humoristique comme ça, il en fait des caisses dessus. Il y a un humour assez particulier dont on va... Alors, ouais, d'accord, mais qu'il y ait de l'humour dans un roman arthurien... Oui, en soi, ouais. Non, mais on va pouvoir parler du fait qu'il y a quand même un registre assez cru par moment qui en fait... certainement. Pose aussi problème pour leur conception. Plus que dans le Lancelot Graal, par exemple, on n'est clairement pas dans le... Alors là, on est très... On va parler de ça notamment, il y a des choses... En fait, il y a des sujets dont on parlerait simplement pas dans les romans du début du XIIIe siècle. Mais du coup, Dinadan, là, on va voir beaucoup dans les prophéties de Merlin, la version cardinale, etc. C'est beaucoup le cliché, alors c'est un cliché qui est plus vieux, mais des dames en détresse qui sont sauvées par des chevaliers, mais là, les dames, elles n'ont pas... cannot catch a break, hein. Elles se font agresser, violer, kidnapper, tout ce que vous voulez. Là, il y a une veuve qui est assaillie par un chevalier, Dinadan le tue et il refuse de rester. Il y a deux demoiselles qui sont réfugiées dans une chapelle pour fuir deux chevaliers qui leur couraient après. Ils tuent leurs deux assaillants et enfin, ils partent en quête de Bliobéris. Là, il y a un épisode qui manque, on lui dit Bliobéris qui avait tué le serpent. Donc serpent, c'est un dragon ou quelque chose comme ça. Et mais on n'a plus l'épisode. Mais donc ça, ça peut faire allusion à un épisode perdu, par exemple. Après ça, on a d'ouvre un épisode où Gallo, avec Gallo et Ségurant qui rentrent en Carmélite. Donc on a un grand tournoi en l'honneur de Ségurant, trois jours d'affrontement. Et c'est là que Ségurant décide de se rendre auprès d'Arthur, qu'on avait pas, qui est un peu, qui est pas très présent hein, jusque-là dans la version cardinale. On a cette allusion, enfin cet épisode du tournoi, mais enfin pour l'instant, Ségurant n'était pas tellement dans un. On est vraiment dans une aventure assez longue avant de on s'attendrait à ce que Ségurant aille à la cour d'Arthur et qu'il soit envoyé en quête ailleurs. Il a vraiment son petit. Il est presque. Et c'est un truc qui m'amuse aussi quand on parle. Là, on a découvert un nouveau chevalier de la table ronde. Et en fait, Lariel le dit aussi. Hein, c'est pas vraiment un chevalier de la table ronde, Ségurant. Il est techniquement pas de la table ronde. Ouais. Il a pas été incorporé dans la table ronde. Et ça se voit parce que il est quand même relativement périphérique comparé au fonctionnellement en fait en tout cas. Bah c'est pas très. En fait, c'est ce qu'on attendrait dans un roman, un de ces romans centrés sur un chevalier où tu sais, il arrive à la cour. Et après, il se barre, et après, tout le monde lui court après. Puis Arthur dit, mais ce chevalier, il est très bon, il faut qu'il fasse partie de la table ronde, et puis on l'intègre à la fin, et puis il y a un mariage, tu vois. Et comme on n'a pas la fin du roman, bah, cette partie-là, elle manque, ouais. Mais donc, il veut aller chez Arthur, mais il a promis à Gallo de revenir à l'île non-sachante pour dire bonjour à tout le monde, faire des bisous à sa tante, enfin voilà, réunion de famille. Il est accueilli dans l'allégresse, et Gallo retourne ensuite au royaume sauvage, donc comme on l'a dit, ça a l'air d'être un peu son quartier général. Épisode 13 dans la forêt de Darnante, qui est la forêt où il y aura la tombe de Merlin. Hein. Bliobéris cherche Dinadan. Donc Dinadan cherchait Bliobéris, donc ils se cherchent l'un l'autre. Et il le trouve chez une veuve. Il lui explique alors pourquoi il se fait protéger par 10 gardes, 10 vilains, qui l'accompagnent pour plaisanter quand il rencontre d'autres chevaliers. Le lendemain, il se sépare de ces 10 gardes. Deux demoiselles vont être abusées par deux chevaliers. Encore, hein, c'est pas très varié comme épisode. Elles appellent à l'aide et Dinadan les tue. Donc Dinadan se bat quand même. Hein. Et lui et Bliobéris ramènent les demoiselles chez elles. Ils arrivent au tournoi de Camelot. Donc il y a un tournoi qui est organisé à Camelot, où ils se démarquent. Et le soir, Dinadan, il amuse la cour par ses saillies devant le roi Arthur et Guenièvre, qui sont pas très drôles, mais dont il dit des blagues. Puis on dit, oh là là, ce Dinadan, il va vraiment trop loin. Et donc il a ce rôle un peu de bouffon. Le lendemain, les chevaliers de Londres affrontent ceux de Camelot. Arthur y participe incognito, quoi, on ne sait pas qu'il en fait partie. Dinadan le reconnaît et réussit à le renverser, puis ensuite ils s'affrontent à pied. Les chevaliers de Londres font prisonnier Dinadan, mais il est libéré par les chevaliers de Camelot. Et ensuite, il y a de nouveau un dîner où Dinadan continue d'amuser la galerie. Là, on arrive à l'épisode peut-être le plus important de cette version cardinale, parce que c'est celui qui correspond aux prophéties de Merlin en version longue, c'est le tournoi de Winchester. Ségurant envoie un message à Winchester pour défier tous les chevaliers qui s'y trouvent, et le roi Arthur organise donc un tournoi. Il envoie un message au roi pêcheur, le roi Pélès, pour savoir si le type qui lance ce défi, c'est celui qui accomplira l'aventure du Graal. On a vraiment l'impression qu'on est dans un univers arthurien, post un peu tout, en fait. T'es dans le post-game, oui, en fait. Tout est déjà produit. Tu peux genre écrire au roi pêcheur sans problème, tu vois. Oui. Il y a le côté un peu... C'est vrai que c'est... En fait, c'est un des éléments qui me font douter vraiment de l'intégrité de la version cardinale, c'est que beaucoup de ces épisodes... On pourrait les imaginer de façon très dérivative, quoi. Genre, le tournoi de Camelot, si on a le tournoi de Winchester qui serait un noyau préservé, bah, on a pu inventer un tournoi de Camelot qui ressemble un peu. Ça, on peut se dire que c'est le défi. Ah, on va essayer de faire un lien avec le roi pêcheur, etc. Mais donc, évidemment, c'est pas lui qui accomplira l'aventure du Graal, et c'est même pas lui qui accomplira... on nous dit qu'il n'est pas encore né, et tout ça. Et c'est pas lui qui accomplira la douloureuse garde non plus, ça sera Lancelot, etc. L'épisode 7, c'est le complot de Morgane contre Arthur pour détruire sa relation avec sa femme, comme d'habitude. Elle fait construire la prison qu'elle destine à Lancelot, dans le Lancelot propre, et où il fera des peintures au mur qui représentent sa relation à Guenièvre. Donc ça, c'est un des épisodes du Lancelot propre. Et là, on explique qu'il a un compagnon d'infortune dans sa prison, mais qui est aveugle. Du coup, ça pose pas de problème qu'il fasse les peintures parce qu'il peut pas les voir. Et le roi Clodas demande à Morgane son soutien contre Arthur, Et il propose de la faire couronner reine de l'ogre, mais elle répond que le roi Arthur a un chevalier trop puissant à son service. Et Clodas discute aussi avec Marc. Donc ça, c'est un trait qu'on trouve dans les prophéties de Merlin en général. C'est qu'il y a un côté méchant Disney, tu sais, où les grands méchants de l'histoire, en fait, ils sont tous potes et ils font des réunions où ils se frottent les mains en disant « Haha, on va être méchants avec les chevaliers d'Arthur !» C'est-à-dire que les grands antagonistes, donc Morgane, Clodas de la Déserte, le roi Marc, Bréus en pitié, tous les méchants, les félons et les psychopathes, en fait, ils bossent ensemble et ils sont potes. Et on voit cette espèce de synthèse des traditions qui précèdent, quoi. Parce que là, on est à la fin du XIIIe siècle. Hein. Certains de ces romans, ils existent depuis probablement une cinquantaine d'années, quoi. 40 ans, 50 ans. Donc, Dinadan part de la cour du roi Arthur et il rencontre Palamède dans la forêt de Darnante. Ils vont à Winchester ou Vincestre, mais Palamède ne reste pas pour le tournoi et il se rend en Irlande, malgré le fait que Dinadan essaie de l'encourager. Ouais. Et Dinadan, lui, il attend Séguran pour voir ses exploits. Je me suis demandé, on relit le résumé, j'ai juste un doute sur pourquoi il retourne en Irlande. Est-ce qu'il va juste chercher, de nouveau essayer de séduire Iseult, comme dans le Tristan en prose, où il est un peu le rival de Tristan? Je ne sais plus si c'est dit, mais je sais qu'il a un lien avec les chevaliers d'Irlande qui vont venir le chercher après, donc il est un peu... Oui, c'est ça, je crois qu'il y a juste le fait qu'il est connecté à l'Irlande. En fait, le roi d'Irlande avait demandé à Palamède de revenir, puis du coup, ils avaient envoyé des chevaliers pour le chercher. Mais il y a clairement comme tu dis, hein, on est dans une tradition qui est maintenant très, très présente depuis des décennies en francophonie. Enfin, donc, du coup, c'est logique qu'un personnage comme Palamède, bah, il vient avec tout son bagage et son contexte. Il n'est pas tombé du cocotier, pour parler dans un langage très actuel. Et en même temps, on va voir, mais là, si on veut voir ça comme un truc IKEA qui a été assemblé, on va voir qu'il y a plein d'épisodes qui sont quand même assez dérivatifs. Ouais. L'épisode suivant, c'est qu'on prépare le tournoi. Donc Séguran envoie 40 chevaliers à Vincestre, à Winchester, qui installe son pavillon qui est orné d'une pierre précieuse qui répand un éclat merveilleux. Donc elle a vraiment, c'est une de ces pierres magiques qui répandent la lumière, qui éclaire tout et qui impressionne tout le monde. Cette pierre, elle est attestée, c'est un des éléments de la version cardinale qui est attestée dans les prophéties de Merlin parce qu'il y a des prophéties dans les autres manuscrits qui parlent d'elle. Donc au XIIIe siècle, cet élément de l'histoire, et notamment, elle sera mise sur la couronne du dragon de Babylone. Écoutez un peu Hawkins Ignoring It, par ce signe, il y a la pierre qui resplendit. J'aurais dit surtout un côté Silmaril, hein, parce que l'antéchrist qui fait sortir dans sa couronne. Mais... Parce qu'il y a toute une histoire sur des pierres précieuses, dans les prophéties de Merlin en version longue, il y a toute une histoire sur des pierres précieuses, une qui était tombée dans le Jourdain, une qui venait de là, ça marche trop bien avec l'allusion avec Sigurd, du coup, avec les Nibelungen et les Silmaril. Bah, c'est un des arguments d'Arioli. Enfin, Arioli, il dit, bon, clairement, c'est une influence très lointaine. Sigurd, c'est une influence très lointaine et c'est un peu trivial de tuer un dragon. Mais dans les éléments qui fait une connexion entre cette matière norroise et Séguran, il voit le trésor maudit, l'idée d'un trésor maudit qui passe de main en main, la prévalence des prophéties, où il dit peut-être qu'il y a eu une rencontre entre cette mythologie norroise où tous les héros, ils ont des prophéties qui leur pèsent dessus, et le personnage de Merlin. Maintenant, évidemment, c'est très ténu, mais je pense que, oui, on peut envisager que... En tout cas, il y a... Pour les joyaux de la couronne de l'antéchrist. Effectivement, le côté d'avoir la pierre sertie comme ça, mais aussi le fait de mettre ta pierre comme ça en mode fuck you, comme signe, sur ta tente, sur ton pavillon, c'est très Silmaril quand même. Ça, c'est très Fëanor comme comportement. C'est très. Bah, il a son Silmaril. En fait, il vient d'une pierre de son père, je crois qu'on nous dit, qu'il l'amènera. Après, il la sertira dans sa couronne de roi d'Abiron et il la sertira dans un hôtel de Notre-Dame, un hôtel religieux. Et il y a un serviteur du roi de Babylone à la fin des temps qui viendra la récupérer pour la sertir à la couronne de son maître. Puis il y a vraiment ce côté Silmaril ou même Infinity War, tu sais, le dragon de Babylone qui réunit plein de pierres précieuses qui ont des propriétés magiques. Tu peux faire un truc aussi avec le fait qu'il vient d'une famille qui est allée s'établir sur une île mais qui revient, il y a l'aller-retour avec le... Ouais. Ça fait très Toller Esse, Noldor, comme ça, je pense que tu peux. Il faudrait qu'on se demande si. Faudrait qu'on ait regardé les archives de la BNF, si Tolkien n'est pas allé checker le manuscrit de l'Arsenal. Mais c'est une question que je me posais sur Tolkien, parce que ce thème de la couronne. Il y a aussi le thème de la couronne du roi d'Orban, c'est des prophéties sur toutes les villes qui ont été ensevelies pendant le déluge. Et l'idée qu'à la fin des temps, il y a la mer qui va sécher et il y a plein de villes qui seront accessibles. Et notamment la couronne du roi d'Orban, où il disait en gros, c'est une espèce d'Atlantide qui était très présomptueuse, etc. et qui a été ensevelie. Et puis le roi d'Orban, il avait une couronne avec des pierres précieuses serties dessus que quelqu'un retrouvera. Et je me suis demandé justement sur les Silmaril, etc., à quel point ce motif folklorique, quel canot d'influence il peut y avoir avec Tolkien. Parce que c'est vrai que les prophéties de Merlin ont été assez négligées, puis les éditions imprimées massacrent beaucoup le texte, donc c'est pas tout à fait clair de à quel point ça peut être une influence, quoi. Mais là, il y a des éléments de l'histoire que je trouve très intéressants. On en parlera peut-être plus en détail quand on parlera pleinement des prophéties de Merlin dans un futur épisode, mais on voit que le personnage de Ségurant est assez entremêlé à cette matière, quoi. Un autre truc que je trouve intéressant dans le côté, comme on disait, on parle d'une tradition plus tardive, clairement, c'est aussi dans le gigantisme d'à peu près du personnel, en fait. Ségurant, il peut envoyer 40 chevaliers, il a 4 écuyers, Dinadan, il a 10 potes, 10 gardes comme ça qui lui servent de wingman. Il y a un côté tout à fait. Les chevaliers de la table ronde avant, ils font jamais ça, quoi. Ils ont peut-être un type avec eux, ils sont quelques-uns. Parfois, ils ont une troupe, mais c'est rare, quoi, qu'il y ait autant de. Quand ils sont, c'est plus des petits groupes de héros. Là, c'est vraiment. Ils viennent avec leurs escouades, quoi, avec tout le personnel, les 400 chevaliers, ce côté gigantisme comme ça qui fait, ouais, vous voyez à quel point nos chevaliers sont meilleurs, ils viennent avec 50 gars, quoi. Alors que traditionnellement, bah voilà, t'as quelques chevaliers ensemble, t'as peut-être un messager ou l'autre qui est envoyé, mais t'as pas une tradition où t'as autant de gens comme ça qui viennent d'un coup que dans ces cycles en Proust plus tardifs, justement. Ou le gigantisme. Ouais, ça peut se trouver, mais c'est vrai qu'il y a clairement... Là, il y a un côté systématique comme ça. Tu vois, quand ça intervient auparavant, c'est peut-être plus le côté, voilà, quand tu as des personnages qui ont vraiment un statut particulier ou qui ça souligne une transition ou un changement, justement, quand ils prennent de l'importance. Là, c'est vraiment dès le début, tu vois, le type, bon, il a fait des exploits, d'accord, mais on parle d'un type qui vient de se faire adouber, qui a battu son oncle et son père. Certes, c'est des bons chevaliers, mais tu vois, on parle pas d'un... C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on passe pas traditionnellement dans un Perceval, par exemple, il arrive, il se proclame, voilà, et on l'envoie au défi parce qu'on le trouve ridicule. Là, c'est très premier degré quelque part. Tu vois, un jeune chevalier dont on annonce les exploits comme ça qui vient de se faire adouber, dans d'autres aventures, il aurait fait ses preuves avant. Là, direct, non, c'est le meilleur chevalier du monde, c'est bon. Il y a un côté très. Peut-être révolution du système, tu sais, ils sont dans un système de scout comme les sports américains. Le type a été repéré dans son équipe de chevaliers au lycée. Il y a des scouts qui venaient voir ses tournois en tant qu'écuyer. Et il a été drafté par la cour d'Arthur. Il essaie d'être drafté par la cour d'Arthur. C'est comme, un prodige du basket ou du baseball, enfin, pas tellement du baseball, du coup, parce qu'il commence rarement à cet âge-là, mais du basket ou du football américain, quoi, où tu sais depuis ses 14-15 ans que ça va être le plus grand chevalier du monde, quoi. Suit un autre épisode qui, de nouveau, pose la question, c'est une autre trame, c'est on suit l'histoire de Gallo, le seigneur des îles lointaines. Il met une femme enceinte, mais après 5 jours, la femme et l'enfant meurent, et donc il devient très triste, et il construit un palais magnifique en Sorelois. Mais il a l'impression que sans la conquête de l'ogre, le royaume d'Arthur, son couronnement ne vaut rien. Et donc, il repousse son couronnement à 3 ans après, quand la trêve que Baudemagu a conclue avec Arthur prendra fin. Donc on sait les épisodes du Lancelot en prose quand il déclenche la guerre à Arthur et qui sera arrêté par son amitié avec Lancelot. Il encourage Baudemagu et ses chevaliers à aller à Vincestre pour participer au tournoi. 2 chevaliers se battent pour une dame, mais elle veut aucun des deux en fait, donc Gallo les envoie balader. Ce qui est assez intéressant, on avait dit que Merlin était très misogyne, les épisodes romanesques pas tant, en fait c'est plus on est plus un peu là, bon les femmes elles subissent beaucoup de choses, mais les chevaliers ont plutôt tendance à les défendre et à défendre leurs prérogatives comme c'est habituel. Épisode 20, Guenièvre se rend à Winchester sur l'ordre d'Arthur. Elle est pas forcément très motivée, mais Arthur lui dit non tu y vas, et elle visite le pavillon de Ségurant et elle admire sa pierre. Donc encore une fois, c'est des épisodes qui me... Côté un peu exposition universelle, comme oui, ça, je trouve. Oui, il y a le côté, tiens, c'est très beau et tout. Mais encore une fois, c'est un épisode très dérivatif. Enfin, c'est vraiment genre, il y a un machin, Ségurant met son pavillon, ensuite il y a Guenièvre qui vient voir le pavillon. Au bout d'un moment, si on imagine que ça a été reconstitué par un compilateur plus tardif, c'est pas compliqué, parce que c'est pas des épisodes qui sont substantiels, en fait. Les épisodes 21, c'est que les rois de Galles et d'Irlande arrivent à Vincestre avec leur flotte. Le roi d'Irlande avec Palamède. Donc Palamède, il voulait pas y participer, mais il va en Irlande, puis revient avec les troupes irlandaises, bon d'accord. En fait, dans sa quête de la bête glatissante, il avait promis de pas porter les armes en présence de Guenièvre pendant 3 ans. Et donc quand il voit Guenièvre, il devient fou parce qu'il se rend compte que ça veut dire qu'il pourra pas participer au tournoi, dont il voulait pas participer avant, mais bon bref, il devient fou, il s'enfuit dans la forêt. Ce qui pourrait être une manière d'expliquer pourquoi il participe pas au tournoi. Tu vois, ça pourrait être un épisode qui a été écrit pour dire, voilà pourquoi Palamède n'est pas, quand on raconte le tournoi, il est pas dedans. Le roi Marc et Claudas, donc les grands méchants, ils complotent contre Tristan. Marc accuse Hoël de la mort de son cousin Auxerre et demande à Tristan de prendre sa défense, donc il espère que Tristan va se faire tuer dans le duel. Tristan, il apprend qu'il va y avoir un tournoi à Winchester, le tournoi de Vincestre, donc il dit « Non, je peux pas parce que je pourrais être blessé pendant le duel même si je gagne, donc il faut que je participe au tournoi, donc il faut qu'on repousse le duel à plus tard. » Et malgré l'annonce, en fait, Tristan n'est pas au tournoi de Winchester. Donc c'est un des éléments où on peut se dire que effectivement le tournoi de Winchester existait avant et qu'ensuite on a bricolé des épisodes autour. Parce que ça pourrait expliquer pourquoi on nous dit « Oui, je serai au tournoi de Winchester », puis en fait, il n'y est pas. Il n'y participe pas. Ou alors, c'est simplement l'option inverse, c'est que l'épisode existe pour une ou une autre, parce qu'il mentionne le tournoi de Winchester, même si, mais la version qu'on a du tournoi de Winchester n'est pas la même. C'est possible que ce soit reconstitué après coup. Tu vois qu'on ait rassemblé des traditions comme ça. Maintenant, effectivement, c'est un élément qui est le tournoi de Winchester. Voilà, t'as tellement le sentiment d'anticipation, en fait, et le truc que... T'as presque l'impression qu'on fait un tour quelque part du monde arthurien pour montrer à quel point c'est comme dans Dragon Ball, c'est quand ils font, t'as déjà le monde entier qui lève les bras pour donner de l'énergie à Goku. C'est tout le monde qui se prépare pour aller autour. Non, tout le monde qui se prépare pour aller autour du monde pour aller au tournoi de Winchester. Tu ferais un montage dans un film arthurien où t'aurais. C'est lequel d'Astérix où il y a tout le monde qui le rend visite au village. C'est en Corse, non, je sais plus où il y a tout le monde. C'est l'Astérix en Corse, mais t'as pas le voyage, t'as pas l'initiative. T'as pas le truc initial, ils sont tous chez Astérix, tu les vois arriver. Ce serait peut-être plutôt, je sais pas moi, je crois la version d'Astérix aux Jeux Olympiques, peut-être le film. Tu pourrais imaginer un montage où tu vois les lettres arriver, le côté un peu... Charlie la chocolaterie aussi, les lettres qui arrivent. C'est vrai qu'il y a une volonté de complétude, on voit, avec la mise en place d'éléments du Lancelot propre, donc la prison de Morgane, la guerre de Gallo contre Arthur, il y a la lettre au roi Pélès qui est assez inhabituelle, il y a plein de... soit des épisodes qui ont l'air de dériver de ces noyaux de la tradition, soit des épisodes qui préparent la suite. On verra aussi Méléagan, notamment, qui joue un rôle là-dedans. Mais Ségurant arrive donc à Winchester incognito. Il va dans son pavillon qui est vide parce que les chevaliers de l'île non-sachante sont en train de jouter. Et Lamora se distingue au tournoi. Et le soir, les chevaliers retournent au pavillon, ils rencontrent Ségurant, les retrouvailles, tout le monde est content. Dinadan fait sa connaissance et il lui raconte ses aventures de jeunesse, notamment « c'est pour ça que j'aime pas les dames, j'aime pas l'amour, machin, je suis un chevalier désabusé ». L'épisode 24, c'est Ségurant sur la quintaine. Donc c'est Ségurant qui reçoit les coups de lance de tout le monde, mais personne parvient à le désarçonner. Lancelot se distingue aussi. Que le conduit à Ségurant, qui vient d'abattre Caradoc et Méléagan. On a un épisode qui est un peu bizarre, qui est coupé, qui est une demoiselle qui lance un enchantement radar pour savoir où est Méléagan, qui s'est enfui de sa forêt. Donc elle le maintenait prisonnier dans sa forêt enchantée, et il s'est barré, puis elle essaie de voir où il est, puis elle détecte « Ah, il est à Winchester, mais il sera blessé ». Et là, c'est très comique, il y a une de ses servantes qui va le chercher et qui le ramène en civière. C'est « Ah, allez récupérer Méléagan qui sera blessé pendant le tournoi ». Et une fois guéri, il est enchanté et il peut plus s'empêcher de couper du bois. Alors là, il y a un enchantement assez marrant. C'est 4 heures. Et du coup, il coupe du bois. C'est un des trucs qui revient beaucoup, la question de couper du bois, l'exploitation des bois par la dame de Pomanglois, qui est pas si courant que ça, le côté bûcheron. Mais on voit de nouveau un épisode un peu, peut-être pas artificiel, mais c'est vraiment pendant ce temps. Et puis, c'est très théâtral, en fait, dans le sens où on a... Mon Méléagan sens. On voit la scène, on voit la demoiselle qui fait son truc, et puis hop, entrée en scène de Méléagan sur une civière. Comme ça, on n'a pas besoin de bouger la caméra jusqu'au tournoi de Winchester. Bref. Ensuite, il y a une demoiselle de la Dame du Lac. Alors ça, c'est un élément qui sera attesté plus tard. Une demoiselle de la Dame du Lac vient dire à Lancelot, tu ne peux pas jouter plus d'une fois contre Ségurant. Tu peux balancer une lance, casser une lance sur lui, mais pas plus. Lancelot fait une crise, il jette son bouclier par terre, ça dit, je peux jamais rien faire, je peux jamais m'amuser. Alors pourquoi cette interdiction? Alors dans l'interprétation, c'est probablement que comme Ségurant est le meilleur chevalier du monde, etc., la Dame du Lac veut préserver Lancelot. Elle veut pas qu'il se batte. Ou alors, parce que parfois, ces classements de meilleurs chevaliers du monde, on joue sur la chronologie. Genre, oui, Ségurant est le meilleur maintenant, mais c'est parce que Galahad n'est pas encore né, ou bien c'est parce que Lancelot n'est pas encore au prime de sa force. Mais donc, elle veut lui éviter, probablement pour le préserver. Il fonce dessus une fois, il casse une lance, puis après il part dans une forêt adjacente. Il s'enfuit en pleurnichant un peu. Et le soir, Arthur se rend dans la tente de Ségurant et le complimente. Et Dinadan amuse la galerie avec ses plaisanteries grivoises et autres. Tu sens vraiment qu'en fait il avait ses 10 compagnons parce qu'il avait besoin de gens à qui raconter ses blagues. Puis dès qu'il est dans un contexte où il y a plus de monde, bah voilà, c'est bon, c'est fini la chanson. C'est Wingman. Ségurant se continue d'ailleurs après ça à faire la quintaine. Enfin, t'as un peu l'impression que, en fait, je me suis demandé à un moment, est-ce qu'il a le mal de mer ou est-ce qu'il est malade quand il est à cheval trop souvent. Donc, il fait l'option un peu chill, tu sais, ouais, je me pose là, puis vous venez. Au lieu de ça, t'as vraiment le sentiment grand-papa qui distrait les petits-enfants, tu sais, ouais, je me suis là, je suis le monstre, vous venez me chasser. Il y a le côté comme ça un peu. Et en fait, il arrive à saisir le. Du coup, il prend l'écu de Gallo, enfin celui que Gallo lui avait donné de l'empereur de Rome, et il arrive à l'utiliser pour renverser de nombreux chevaliers encore. Donc, il y a le côté un peu intéressant, je trouve, du cet exercice de la quintaine. Bon, ça se retrouve ailleurs, mais enfin le côté du chevalier qui est purement défensif aussi. C'est pas tellement un chevalier. Alors, il arrive à le faire. Hein, il se bat contre Gallo, etc. Mais il y a quand même cet épisode de la quintaine, c'est rigolo parce que c'est vraiment le chevalier un peu passif comme ça, quoi. Qui, enfin, pas passif, mais qui est proactif dans la défense plutôt que dans l'attaque et qui parvient à se battre comme ça. Il y a aussi le côté un peu, voilà, il a même pas besoin d'attaquer les gens pour les battre, quoi. Là, on a l'épisode un peu central du tournoi de Winchester où il y a Morgan et l'enchanteresse Sibyl qui invoquent des démons, dont Lucifer qui prend l'apparence d'un dragon. Derrière les tribunes, il y a des chevaliers qui commencent à se battre, qui sont en fait d'autres démons et qui sont dévorés par ce dragon. Donc, une scène horrible, tout le monde commence à paniquer, les dames dans les tribunes commencent à crier. Les chevaliers veulent se porter à leur secours, mais Sibyl invoque un mur de feu et Ségurant est le seul qui peut passer à travers, mais il passe sur une portion de terre enchantée. Il est ensorcelé, enchanté, et il se retrouve obsédé apparemment par la quête du dragon, et il lui fonce après. Le lendemain, Arthur met un terme au tournoi, et il décide d'attendre le chevalier au dragon une quinzaine de jours. Dans les liens à la matière norroise, il y a aussi Arioli dit un mur de feu, peut-être, comme celui qui entoure Brunhilde, peut-être qu'il y a un lien. Il y a une autre version qui serait de dire peut-être que le mur de feu, si on imagine une autre constitution de l'histoire, c'est peut-être simplement qu'à la base, il y a un autre texte où on dit que le dragon apparaît dans un grand feu, et donc ce qui pourrait être simplement qu'il crache du feu, mais après ça a été interprété peut-être plus littéralement ici. Enfin, le côté barrière, ça dépend de la théorie. Après, des barrières enchantées, t'en trouves aussi, des trucs que tu peux pas franchir, des pas imprenables, t'en as. Ça m'a fait aussi penser éventuellement un peu à la caste, où t'as des trucs que tu peux pas franchir, ou des limites. Trucs du genre, ou dans le Lancelot, il y a la tombe de Siméon que Lancelot, qui est accompli du coup dans la quête, ouais, mais du coup, qui... Effectivement, ça apparaît déjà dans le Lancelot. C'est pas tout à fait un mur de feu, mais il y a des flammes qui sortent de la tombe et qui vous repoussent. Ouais. Et donc ça, c'est un peu le gros morceau. Et il y a un élément qui va être très intéressant, c'est que, en fait, je vous ai parlé des repas que prend Ségurant. Et un des traits de ces attestations anciennes qu'on retrouve partout, chez Rusticien dans la Quest 12599 et dans les Prophéties de Merlin, c'est son appétit. C'est il mange énormément. Il a une espèce de boulimie. Il est chez un ermite, l'ermite lui dit « je vous donne à manger », il dévore ses provisions, voilà, enfin, il mange énormément. Et en fait, on l'a vu à l'épisode 23, juste avant, quand Ségurant se moquait de lui. Dinadan voit que Ségurant a bien plus de viande que lui et il mangeait d'un si féroce appétit que c'en était étonnant. Il le compare à un lion et un renard. Et dans les prophéties de Merlin version longue, on trouve ça, mais au sujet de Gallo, le seigneur des îles lointaines. Donc c'est un motif qui... Alors, dans quel sens il a été emprunté, ça dépend de vos théories. Mais Dinadan se moque de son appétit. Et c'est quelque chose qu'on trouve tout le temps après, qui a vraiment marqué les attestations anciennes du personnage. Dans la version cardinale, tout le début, c'est pas le cas. Après l'adoubement de Ségurant, il y a un festin, aucune mention de son appétit. Après l'assaut du parc Berthelet, il y a un repas normal. À la fête, chez le roi de Carmélide, on mange, aucune mention de son appétit. Il mange avec Odéris, aucune mention de son appétit. Le matin suivant, il mange même, son hôte lui amène un faisan et puis d'autres trucs à manger, et il dit « vous pouvez pas partir sans manger », et il mange un petit. Donc il mange un petit peu. Ensuite, il prend un repas avec son oncle Gallo, un épisode qui est attesté en dehors. Il mange normal, aucune mention de son appétit. Donc vraiment, on a l'impression que le tournoi de Winchester et les épisodes autour sont très compatibles avec ce qui suit après. Donc là, Arioli, sur un point, a parfaitement raison sur le fait d'associer ça à la version longue des prophéties de Merlin, parce que ça correspond parfaitement. Mais le début de la version cardinale a un ton très différent. Il y a plusieurs choses dont on va vous parler, mais qui simplement ne s'y trouvent pas. C'est quelque chose qui a été remarqué par Damien de Carnet. Moi, ça ne m'a pas choqué quand je l'ai lu, mais une fois qu'il l'a dit, j'étais « mais oui, c'est évident ». Et en fait, le fait qu'il y ait ces deux noyaux de texte au début qui sont attestés en dehors et qui sont mal raccordés au reste, et en plus, à la fin, vous avez un troisième noyau qui est raccordé à la suite, ça donne vraiment l'impression qu'on a combiné plusieurs sources, plutôt que d'un roman unitaire qui aurait été préservé comme un bloc monolithique, comme il le dit parfois. Il y a aussi, ce qu'on va voir, c'est le registre cru des plaisanteries de Dinadan. On va voir dans les prophéties de Merlin et dans certains textes un registre extrêmement cru sur les parties génitales qu'on verrait jamais, notamment par exemple dans les romans du début du XIIIe siècle, Lancelot propre, c'est très pudique. Même quand il y a une scène de sexe, on vous dit « oui, ils firent ensemble ce que son ami fit avec son ami ». Là par contre, on a des trucs où on vous parle, enfin vous allez le voir en direct, mais c'est assez, assez cru, vulgaire et violent sur des choses qu'on ne verrait pas habituellement. Bon, tu pourrais faire l'argument que alors, c'est peut-être pas explicitement dit dans le texte, mais tu pourrais faire l'argument que c'est cet incident déclencheur-là qui motive le côté... tu pourrais faire le communiqué comme ça, ça se passe avant, et puis après, il gagne son appétit comme ça. Oui. Et ça pourrait être une justification pour dire, voilà, ça prouve bien qu'il y a des moments dans ce récit-là où il n'a pas cet appétit encore, mais ensuite, il l'a acquis et tout le monde s'en parle. Et si c'était un texte plus tardif, bah, il l'aurait mis dès le début, même si ça ne collait pas forcément. C'est un argument assez pertinent, je pense, que tu remarques là, parce que justement, on pourrait penser que dans la forme primitive du tournoi de Winchester, l'enchantement et l'appétit de Ségurant étaient liés. Là, c'est pas le cas parce que son appétit se manifeste avant qu'il y ait l'enchantement. Oui. Mais ça fait partie d'un bloc. Peut-être qu'au fil des réécritures, le lien entre les deux s'est perdu, notamment parce qu'il va être désensorcelé par le Graal. Qui est nourri. Et le Graal, c'est le plat qui te donne la nourriture que tu veux. Et il y a des allusions à ça après possibles. Donc il y a peut-être cette ironie-là où en fait ça fait partie de son enchantement. Et c'est juste que dans les formes finales qui ont mené au manuscrit de l'Arsenal, qui est clairement abîmé, ce lien a été oublié. Nathalie Coble le mentionne déjà en 2009 sur le fait que bah, justement, il est enchanté à la poursuite d'un dragon qui s'appelle Lucifer. Pourquoi il s'appelle... Enfin, Lucifer qui s'appelle dragon. Pourquoi ? Parce qu'il aime trengloutir des âmes. Il aime engloutir des âmes. Donc peut-être que le dragon qu'il pourchasse a déteint sur lui son appétit. De nouveau, un truc très c'est Sigurd. C'est très chasseur de dragons. L'abysse l'appelle l'abysse, tu deviens le monstre. Moi, ce que je me demande quand même, c'est s'il n'y a pas aussi un lien avec cet élément de l'appétit des... au niveau de ses grands-parents, enfin de son grand-père et de son grand-oncle, de cette idée que les gens qui vont réussir le tournoi de Salisbury, donc au début du texte, sont des gens qui ne se sont nourris que d'animaux sauvages, de baies, dans des conditions assez terribles. Il a un traumatisme générationnel et du coup, il est... Oui, c'est ça. Il y a un côté... Il est en manque de nourriture. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un côté là-dedans, dans cet épisode-là. Mais effectivement, c'est simplement peut-être une influence, disons... Ça manquerait du coup au début du récit, donc peut-être que c'est simplement un truc qui s'est perdu ou qui est arrivé après, en fonction de ça en fait, qui a été rajouté parce qu'on se dit « Ah, c'est marrant, cet élément de la nourriture », et ça ferait le lien avec le tournoi. Mais comme tu dis, vu que ça intervient avant dans l'épisode de l'Arsenal, c'est clair que c'est pas directement lié. Et donc après le tournoi de Winchester, après que le tournoi de Winchester ait été interrompu par le roi Arthur, donc il dit « Bon, on va rester ici une quinzaine de jours pour attendre ce chevalier qui a été chercher ce dragon ». On va suivre un moment d'Inadan qu'on avait déjà vu un petit peu avant, mais qui du coup se met en quête de Ségurant, et il se retrouve dans un pavillon avec Morgane, Sibylle et le chevalier félon Bréus sans pitié. Alors Bréus sans pitié, on vous en a déjà parlé un peu dans le Tristan en prose et tout, c'est vraiment au fil des textes, c'est vraiment devenu une espèce de chevalier psychopathe qui aime faire le mal pour faire le mal, et qui, comme on l'a dit, bah là tous les méchants ils bossent ensemble, donc là ils sont dans leur pavillon de vacances, et puis Dinadan échange quelques plaisanteries et quelques menaces avec Morgane et compagnie, donc ils s'échangent des plaisanteries, et puis elles lui apprennent, elles lui disent mais tu sais tout ce qui s'est passé avec le dragon au tournoi de Winchester, mais vous y avez quand même pas cru hein, tout le dragon, les chevaliers, ce chevalier qui battait tout le monde, ça vous a pas semblé un peu bizarre quand même qu'il arrive à battre tout le monde sur la quintaine? Puis Dinadan il dit bon c'est vrai que c'était étonnant, mais puis il dit bah tout ça c'était un enchantement en fait. Le dragon comme le chevalier. Donc en fait, Dinadan, il dit « Ah bon, ben, en fait, je cherche un chevalier qui du coup, était une illusion. » Donc, il abandonne l'idée de le trouver et il revient raconter ça à Arthur. L'épisode suivant est un peu, peut-être pas déconnecté, mais c'est Lancelot qui tue un géant dans une forêt. Et il y a une demoiselle de la Dame du Lac qui l'accompagnait. Donc, après avoir foncé contre Ségurant, il s'était enfui dans une forêt. Et là... la dame ramène sa tête à Vincestre, elle l'accroche à la quintaine. Donc il y a un lien avec l'épisode de la quintaine. Puis elle raconte ce qu'il a fait. Bon, pendant ce temps, Lancelot délivre aussi une demoiselle qui est menacée par un nain et deux chevaliers, et il la ramène chez elle. Alors les exploits de chevaliers, comme vous avez vu, ils sont pas très originaux. Hein. C'est beaucoup des demoiselles en détresse. Ouais, l'histoire là, derrière, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu de... C'est vrai, bah on revient un peu au classique, quoi, le méchant nain. C'était un grand classique. Hein. L'épisode suivant, l'épisode 30, c'est le récit qui nous dit que Ségurant ne pourra pas tuer le dragon. On nous dit justement, c'est une forme illusoire de démon. Donc c'est cette idée que le pouvoir des démons est essentiellement illusoire. Ils ont peut-être des pouvoirs magiques, mais surtout la capacité à produire des illusions. Ils n'ont pas de pouvoir créatif. Et on nous dit que le roi Salomon, confronté à de tels démons, il avait pu seulement les enfermer dans une bouteille et les balancer à la mer. Donc ça, c'est un motif folklorique qu'on retrouve dans le conte, les contes de génies que vous connaissez, un génie enfermé dans une bouteille, etc. Et en fait, ces bouteilles dans la mer, elles causent des orages en se déplaçant dans la mer, nous dit-on. Donc il y a l'idée non seulement que c'est pas vraiment un dragon, mais en plus qu'ils sont indestructibles, donc Ségurant n'y arrivera pas. Ségurant, il est hébergé par un ermite et un clerc dont il dévore les provisions. Il remarque son appétit. Le lendemain, l'ermite accompagne Ségurant, mais quand il voit le dragon, il s'enfuit. Donc, le dragon, il a une forme illusoire, dans le sens que c'est pas un vrai dragon, c'est un démon qui projette cette image, mais Ségurant est pas le seul à le voir, quoi. Il y a pas l'idée que Ségurant a des hallucinations, quoi. L'ermite confirme qu'il l'a vu aussi. Il y a un truc rigolo dans ce chapitre, quand même, je trouve, c'est la façon dont on nous présente tous les espèces de petits guides de démonologie, en fait, où t'as Maître Antoine, puis l'autre scribe, Ptolémée, là, qui essaie de comprendre comment, voilà, Merlin leur raconte comment gérer les démons, ce qu'il devrait effectivement connaître. Et il y a des épisodes, voilà, on a toute une espèce de petit narratif, de méta-narratif un peu autour de la. Voilà, ils cherchent la solution, comment faire en sorte de bien. Chasser les démons, puis il trouve cette histoire de Salomon. Je trouve que c'est assez rigolo, quoi, le côté un peu le cadre, en fait, des prophéties de Merlin qui déborde un peu sur le contexte de Ségurant, en fait. Tout à fait. Puis en fait, c'est un des problèmes de l'idée de la version cardinale qui existerait à part, c'est qu'en fait, elle correspond vraiment aux préoccupations des prophéties de Merlin, quoi. La personne qui rédige les prophéties de Merlin, qui a une préoccupation pour les démons, l'apocalypse, ces espèces d'exposés un peu scientifiques, parce que on pourrait faire un parallèle avec d'autres écrits médiévaux, comme le livre de Cidrar, où il y a un côté très didactique dans certaines prophéties de Merlin, où il va expliquer voilà ce qui va se passer, voilà les prophéties, etc. Et ce genre de récit narratif, mais qui transmet aussi beaucoup d'informations, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans le récit arthurien. Et le fait que ça déborde un peu. Bernard Werber, en fait, avant la lettre. Oui, que ça. L'encyclopédie du savoir de Merlin entre deux chapitres. Non, c'est clair. D'ailleurs, dans le manuscrit de Rennes, il est avec d'autres textes scientifiques du genre, sur de l'astronomie, par exemple. Donc, quand il est copié, il est parfois dans des recueils où, justement, c'est le côté un peu encyclopédique, comme tu dis, qui en fait, attire. Donc, tu pointes un truc assez important, cette tradition. Mais du coup, pour l'idée de ces épisodes qui existeraient séparément hors des prophéties de Merlin, ça pose peut-être un peu problème. Et notamment le thème plus que là, vraiment, le dragon, enfin, en tout cas, le concept du dragon démon qui n'existe pas, là, ça colle particulièrement bien. Alors, tu peux peut-être imaginer qu'à la base, il y avait un vrai dragon, et d'ailleurs, il y en a un dans un des épisodes alternatifs que relève Arioli, où il y a un dragon qui est tout à fait réel. Mais du coup, ça ne marcherait pas pour le fait que la version cardinale ait un dragon illusoire, en fait. C'est ça. On parlera un peu des débats qui ont eu là-dessus, mais c'est un argument qui est à double tranchant. Hein. On verra qu'on peut l'interpréter de deux manières. Exactement. Et donc, il y a une demoiselle de Morgane qui vient raconter encore une fois au roi Arthur que Ségurant était un enchantement ou un mirage. Donc il y a des épisodes assez redondants comme ça, mais bon, c'est pas très étonnant dans ce genre de littérature. Tout le monde rentre chez soi, sauf les chevaliers de l'île non-sachant, qui eux, bah, ils savent que Ségurant n'est pas un mirage. C'est vrai qu'on se demande pourquoi ils pourraient protester un petit peu plus aussi. Il pourrait dire non, mais c'est un vrai, c'est pas un mirage, il existe pour de vrai. Et le roi d'Irlande, donc il y avait ce lien à l'Irlande et à Palamède, etc., qui revenait, mais du coup le roi d'Irlande dit non, moi je vais rester. Et il demande à ses troupes de chercher Palamède, et en fait, il le trouve pas, mais il y a Lancelot qui sort de la forêt en portant Palamède sur son cheval, mais il est tellement amoché qu'on le reconnaît pas au premier abord, jusqu'à ce qu'il dise je suis Palamède, et que les gens disent ah ouais. Donc il a vraiment été. Il a vraiment été amoché apparemment par des géants dans la forêt, parce qu'on nous dit que les chevaliers qui étaient partis le chercher ont été tués par des géants. Avec Lancelot qui combat un géant, les brins qui combattent des géants, etc. On a cette idée d'une Bretagne encore assez sauvage. Il y a un truc quand même, c'est qu'à ce point-là, les chevaliers de l'île non-sachant, ils savent que Ségurant est bien un chevalier réel, parce qu'ils se disent qu'ils vont, une fois qu'ils reviennent, il y a le passage où ils décident, bon, en fait, c'était pas lui, du coup, qu'on a vu au tournoi, donc il doit être perdu quelque part et on va aller le chercher. Donc il y a quand même cette idée que Ségurant, le fait que Ségurant existe est réel, et en tout cas, la question ça se pose quand même de savoir pourquoi Arthur part du principe que du coup il n'existe pas. Mais voilà, le côté. Voilà, le... Bon, c'est pas si étonnant si on pense à des aventures comme L'Âtre Périlleux ou Gauvin, tout le monde dit que Gauvin est mort, et puis cette idée que tu n'arrives pas à disculper une rumeur qui court sur toi ou comme ça, c'est assez courant comme motif. Et d'ailleurs, le texte le dit, hein, les chevaliers, les proches de Ségurant vont rester à attendre Ségurant jusqu'à ce qu'il revienne, mais pas à la fin de cette aventure-là, à la fin de l'aventure du Graal. On nous annonce le fait qu'il retournera au moment où le Graal sera retrouvé, en fait. On nous dit qu'il sera désenchanté à ce moment-là, ouais, et ça va poser un peu problème après. Palamède poursuit. Palamède, en fait, il y a le roi d'Irlande qui repart, mais Palamède y reste. Et il poursuit Guéréette, qui court après la bête glatissante. Donc il y a cette idée qu'on avait vue dans le Tristan en prose où Palamède disait non, la bête glatissante, elle est pour moi, c'est moi qui dois accomplir cette aventure-là. D'ailleurs, la quête du dragon par Ségurant est probablement un petit peu inspirée par la quête de la bête glatissante, hein, en termes de représentation courante des romans arthuriens. Il se bat donc avec Guéréette, pas Gaériette, Ils se désarçonnent, ils tombent à terre, ils continuent à se battre à terre. Puis il y a une dame qui vient leur demander de l'aide parce qu'il dit « voilà, mon mari m'a maltraité ». Donc on l'a dit, hein, y a beaucoup de dames maltraitées dans ce roman-là, mais en fait, les chevaliers prennent plutôt le parti des dames, hein, même quand c'est leur mari. Alors qu'on a vu, d'autres textes où justement, parfois, quand c'est le mari qui est abusif, on peut pas faire grand-chose. Là, par contre, les chevaliers errants vont défendre ces dames contre ces abus. Et nouveau, en termes de tonalité, c'est intéressant parce que c'est opposé aux notions plus misogynes. Enfin, pas forcément opposé, mais ça fait un peu bizarre avec les notions plus misogynes qui sont plus courantes dans le Merlin, dans les prophéties de Merlin en général. Oui, puis d'ailleurs, on va voir. On va voir cette dame d'ailleurs Palamède. Enfin, il peut y avoir une remarque un peu de réprimande, mais on va quand même la défendre. C'est-à-dire que Guérette veut aller défendre cette dame. Palamède dit bon, ok, je vous libère de votre obligation de vous battre avec moi jusqu'à ce que vous l'ayez aidée. Ils se révèlent leur nom, puis disent ah bon, mais en fait vous êtes Guérette. Bon, ben d'accord, on va pas se battre parce qu'en fait je savais pas que c'était vous, mais puisque c'est vous, on va pas se battre du tout. Palamède rencontre trois chevaliers, il en désarçonne deux, le troisième s'enfuit, mais il revient et il le projette, il le fonce dedans dans une rivière. Alors Palamède le retrouve et le bat, cette fois-ci. Il retrouve la dame d'avant qui lui demande son aide, après qu'elle ait été punie, pour avoir en fait couché avec un de ses serfs. Donc il y a une transgression assez grave où elle a trompé son mari, non seulement elle a trompé son mari, mais avec quelqu'un de basse condition, un serf. Alors Palamède dit « Oui bon, c'était pas très bien, mais d'accord, je vais quand même vous défendre ». Donc c'est et il dort ensuite chez un écuyer qui lui détaillera, on le retrouvera juste après. L'épisode suivant concerne le roi Marc. Donc là, on a des épisodes tristaniens un peu. On avait vu que Tristan disait « Oui, je serai au tournoi de Winchester ». Finalement, c'est pas le cas. En tout cas, dans la forme qu'on a de l'épisode. Donc, il envoie à un de ses vassaux, le comte Gralier, l'ordre de commencer la guerre contre Hoël. Enfin, je sais plus si c'est son vassal, mais c'est sous-entendu. Il envoie aussi Tristan en Irlande, dans l'espoir qu'il soit tué. Donc, ça fait partie des scénarios, des machinations de Marc pour essayer de faire tuer Tristan, puisqu'il a tué le Morholt à ce stade-là. Et que s'il est reconnu comme le meurtrier du Morholt, il soit tué. Gralier arrive en Cornouailles. Marc lui offre des animaux chargés de trésors qu'il a volés à Pélinor. Donc on revoit Pélinor, le roi Pélès, toute la famille de Perceval qui joue un rôle. La personne qui a rédigé ça, en tout cas, c'est quand même un peu un super fan. Il connaît tous les greatest hits de la légende arthurienne. Hein. Il essaye de le Tristan en prose, Lançon en prose, en tout cas les deux grands. Et Gralier se sert de ses richesses pour constituer une armée et attaquer Hoël. Mais Caédin, donc le fils de Hoël, hein, le frère de Iseux aux blanches mains, qui réussit à conquérir un château de Gralier quand même. On revient en Sorelois avec Baud Magu, qui revient du tournoi de Vincestre, et il raconte ses aventures à Gallo des îles lointaines. Gallo commence à attaquer le royaume de l'Ogre, comme dans le Lancelot propre. Baud Magu commence à attaquer le royaume de l'Ogre, mais Gallo le réprimande. Et le récit dit, tout ça est raconté dans le livre de Gauthier Mapp, donc c'est le Lancelot propre, quoi. Mais pas la suite. Gallo demande à Golistan du Puy Perdu de lui donner les clés de ses cités. Donc là, c'est un motif qui n'est pas si courant que ça, hein, le fait d'avoir la clé de la ville, de le demander. On est aussi dans un univers, on verra ça quand on parlera plus des prophéties de Merlin, mais un univers très urbain, très bourgeois. On ne l'a pas dit, mais les prophéties de Merlin, à un moment, Merlin, son atelier, ce n'est pas une cabane dans la forêt, il est en ville. Il a une adresse en ville, et puis les gens viennent rue du Bourg 3, oui, c'est l'atelier de prophétique de Merlin, Merlin et fils. Donc c'est peut-être lié au contexte d'écriture au nord de l'Italie, quoi. C'est ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi cette espèce de renouvellement, parce que quand tu regardes la fantaisie traditionnelle, disons, est plutôt orientée à la nature, quête dans des mondes sauvages, et puis il y a eu plus récemment, disons, à partir des années 70, 80, 90, une plus grande place pour la fantaisie urbaine, par exemple, où il y a justement que ce soit des trucs parodiques, hein, comme le Disque Monde, ou bien des récits plus... plus sérieux, entre guillemets. Je parlais de ça avec une spécialiste de fantasy l'autre jour, que j'ai interviewé pour un article. Et puis, elle me disait, ouais, c'est marrant, c'est une tendance récente, parce que longtemps, voilà, on associe ça à traditionnel. Puis c'est vrai que j'y pensais pas à l'époque, mais il y avait cette espèce de phénomène qu'on avait déjà relevé par le passé, et puis qu'on voit aussi dans d'autres textes, hein, que les prophéties de Merlin, où il y a quand même une espèce d'urbanisation par rapport au... On voit des villes plus couramment, on a des... Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans des choses encore plus tardives. Hein. Quand tu regardes chez Mallory, par exemple, on est clairement dans un contexte plus urbain que même qu'au début du XIIIe siècle, quoi. Oui, alors après, les arguments un peu sociologiques, genre, est-ce que c'est un public plus bourgeois, peut-être, à cette époque-là, c'est toujours un peu compliqué, peut-être, de le faire de façon aussi unilatérale. Pour le XIIIe siècle, en tout cas, ça me semble, même donc pour les prophéties de Merlin au XIIIe siècle, c'est peut-être un peu plus compliqué, effectivement, parce que là, on est vraiment très tôt. Pour Mallory, par contre, là, tu es clairement dans quelque chose de beaucoup plus tardif. Mais je ne sais pas si c'est en termes de public ou en termes simplement du fait que, disons, le public en lui-même, je ne suis pas sûr que ce soit la seule issue, mais il y a clairement une croissance des villes et on a même au sein de la noblesse et la grandissante importance de centres urbains, surtout en Italie. Comme tu le pointes, en Italie du Nord, il y a un contexte assez, disons, différent, je pense, de celui de la Champagne de Chrétien, quoi, par exemple. Alors, c'est assez intéressant, je reviens dessus, mais Gaulistan du Puy-Perdu lui demande les clés de ses cités. Gaulistan dit non, il tue le messager en mode « This is Sparta », il tue le messager, il le décapite et il prend sa tête accroché à sa selle, et il va jusqu'à Gallo, et il lui dit « Voilà, je te défie ». Gallo le tue en duel, et l'enterre quand même avec les honneurs. Donc, un épisode un peu complété. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à la fin de cette version cardinale, on aura un écuyer qui veut être adoubé par Séguran, mais on ne donne pas son nom. Et dans la version longue et les versions suivantes, il sera appelé Gaulistan. Et du coup, c'est assez intéressant que la version cardinale qui serait la plus ancienne, qui inspire les autres, ne nomme pas Gaulistan. Elle l'appelle juste, il n'est pas nommé. Donc, est-ce que le nom était déjà présent, il s'est perdu dans l'acheminement de la version, ou bien peut-être que comme il y a un personnage qui s'appelle Gaulistan ici, les continuateurs de la version cardinale auraient pioché là. Mais du coup, c'est un argument à double tranchant, parce que à la fois ça montrerait que les épisodes suivants sont son inspiration plus tardive, mais ça montrerait que ces épisodes sur Baudemagut et Gallo faisaient bien partie de la trame. Alors qu'on a dit avant que pour Damien de Carnet, ils étaient un peu artificiels, mais s'ils ont inspiré les continuations du XIIIe siècle, alors ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que dans la version traduite, Arioli a un peu son gâteau tout en le mangeant, parce qu'il évacue tous ces épisodes-là, après la disparition de Séguran et le fait qu'Arthur apprenne ça, tous les épisodes à partir du moment où les aventures de Palamède, le roi Marc, Baudemagut, tout ça, ça s'est évacué. Et donc, du coup, Gaulistan n'apparaît pas dans sa traduction ici. Par contre, il traduit le fragment ultérieur où il y a Gaulistan, il traduit le passage ultérieur où Gaulistan, il y a ce Gaulistan qui cherche à être, qui s'appelle Gaulistan le Fort, qui cherche à être l'écuyer de Séguran. Et par contre, il passe complètement sous silence ce passage-là, cette aventure-là. Il ne mentionne pas le fait que le nom de Gaulistan existe. Du coup, il a en quelque sorte, le personnage apparaît plus tard, mais cette apparition problématique est évacuée, quoi. Le truc, c'est que Gaulistan, dans les versions anciennes du XIIIe siècle, donc Rusticien, la version longue, etc., c'est assez systématique, mais du coup, ça va aussi dans son sens, parce que ça voudrait dire que cet épisode-là faisait bien partie d'un texte, si c'est bien ça qui a inspiré le nom de Gaulistan, après, ça pourrait être dans l'autre sens, ça pourrait être au contraire que le nom était déjà connu, qu'il a inspiré cet épisode de Gaulistan du Puy Perdu, mais que pour une raison ou une autre, il a été coupé du... Il y a un côté étrangement moderne, donc le fait de dire « je ne vais pas le nommer », ça fait un peu de foreshadowing, c'est-à-dire que ceux qui connaissent la version après, ils savent que c'est... Enfin, je ne sais pas. Mais on ne l'a pas dit, mais Gaulistan, c'est le fils du Morholt, en fait. Et du coup, il veut être adoubé par... On va en reparler après, mais il veut être adoubé par Séguran pour venger son père, le Morholt. Du coup, on vous reparlera de Gaulistan après, parce qu'il fait partie un peu des autres versions anciennes attestées, des variantes, etc. L'épisode 35, on revient à des épisodes de Tristanien. En ramenant Iso au roi Marc, on nous rappelle que Tristan avait tué les parents de Gallo. Donc c'est l'aventure de la franchise Tristan, qui était le Val de Servage. Non, c'était pas le Val de Servage, pardon. C'est la franchise Tristan, mais il avait tué la mère de Gallo, notamment. Et Lancelot séjourne alors avec Gallo. Et Gallo, il est un peu collectionneur, il aimerait bien avoir Tristan dans son entourage aussi. Et il se serait rendu à l'ogre suivant sa promesse. Mais il est alors trop amoureux d'Iseux, il est encore en bon terme avec Marc. Alors est-ce que ça explique pourquoi il n'était pas au tournoi de Winchester? Mais lors d'une partie d'échecs avec Marc, il réclame à Marc d'organiser un tournoi à Norroux pour attirer Lancelot, ce que Marc accepte. Gallo entend parler de ce tournoi et il se dit « Ah ben, comme il n'y a que la force de l'amour qui peut maintenir Tristan en Cornouailles, ben, on va aller à Norroux, on va le chercher, on va lui parler, etc. » Il comprend que voilà, il doit être auprès d'Iseux. Mais il y a Gauvin et Lionel qui arrivent et ils disent « Non, on ne peut pas faire ça parce qu'on doit aller soutenir Arthur à la Roche aux Saxons, la Roche aux Seines, qui est un lieu dit qui revient assez souvent dans ses récits, dans les suites du Merlin, etc. Puis du coup, ils disent « Bon, bah, ok, pas de tournoi pour nous, on va aller aider Arthur à la Roche aux Seines, c'est plus urgent. » On revient à Palamède, donc, qui venait au secours de cette dame qui avait été maltraitée par son mari et qui l'avait du coup trompée avec un cerf. L'écuyer chez qui il loge lui détaille les abus subis par la femme qu'il doit défendre. Et avant ça, en fait, ce que Palamède avait vu d'ailleurs en la recroisant, et on en reparlera après, c'est que son mari avait même écorché sa chose. Et sa chose, c'est ses parties génitales. Et donc là, on a un registre extrêmement cru qu'on va retrouver dans la quest 12599, mais qui est assez inhabituel pour les textes. En tout cas, au début du XIIIe siècle, ce serait absolument... c'est pas du tout ce dont on parlerait. Les parties génitales n'existent pas, quoi. Mais du coup, Palamède se bat dans le duel, il décapite son adversaire, il est blessé, l'écuyer le raccompagne chez lui, et la dame fait construire un monastère sur le lieu du château et prend le voile. Donc c'est un peu la conclusion de plein d'histoires aussi, des dames qui prennent le voile, on va en voir beaucoup. L'épisode suivant, l'épisode 37, 200 chevaliers de l'île Non-Sachant sont partis en quête de Ségurant par groupe de 50, de peur qu'ils soient massacrés comme leurs ancêtres qui s'étaient mis en quête de Merlin au temps du Terre. Alors c'est pas tout à fait clair quelle quête de Merlin c'était au temps du Terre. Est-ce que c'était... Enfin, à quoi est-ce qu'on pense ici? C'est pas tout à fait clair parce qu'il y a des quêtes de Merlin, il y a des quêtes de la tombe de Merlin, etc. Mais là, c'est pas tout à fait clarifié. 50 des chevaliers arrivent au château de Morgane qui leur dit « Ah mais oui, je vais vous amener au repère du dragon, parce que Ségurant, il est sur la piste du dragon, et il va arriver dans sa tanière, donc une espèce de grotte, on imagine, et il va le battre. » Et en réalité, elle les envoie dans la forêt de Pomme-en-Gloi, où se trouve la demoiselle de Pomme-en-Gloi qui a son service, c'est celle qui a déjà enchanté Méléagan avant pour qu'il coupe du bois. Et la demoiselle de Pomme-en-Gloi demande à Bréhu de les rabattre chez elle également, et donc il y a une centaine de chevaliers, 2 x 50, qui sont enchantés à Pomme-en-Gloi. On verra que dans la version longue, ces histoires d'enchantement, de chevaliers, etc., ça correspond assez bien. Donc c'est peut-être quelque chose qui était déjà connu. On retourne chez Tristan et Iseut, au tournoi de Norroux. Et les deux moitiés de Cornouailles s'affrontent, donc ils sont en deux camps comme ça. Et Marc est tellement jaloux de Tristan, enfin, il a tellement peur que Tristan éblouisse Iseut par ses prouesses, qu'il la laisse même pas savoir qu'il y a un tournoi. Dans les tribunes, il met un mannequin en bois à sa place, enfin un pantin, à l'effigie d'Iseut, qui apparemment peut bouger les bras pour saluer le public. Il fait surveiller Branguin, et il la fait enfermer dans une tour, et puis quand elle entend le bruit du tournoi, enfin l'agitation, les chevaux, il dit « Non, mais c'est un marchand de chevaux, un chevalier qui achète des chevaux. » Alors, évidemment, Iseut réalise la supercherie, elle parvient à mettre le feu à la tour où elle est, et à ce qu'on vienne la secourir. Elle passe la nuit avec Tristan, le lendemain, elle va vers Marc pour lui dire « Tiens, il y a des chevaliers qui se préparent au tournoi, incluant Tristan. » Marc demande à Tristan d'amener Iseut aux loges, en lui disant que André avait... Il rejette la faute sur André, qui était cet autre neveu qui avait essayé de faire... de saisir en flagrant délit Tristan et Iseut dans le Tristan en prose. Et lui dit « Oh, il m'avait promis de le faire la veille, il m'a trahi. On va faire détruire le château d'André, on va se venger comme ça, voilà. » Et Tristan s'illustre dans les joutes, évidemment, notamment à la place de la quintaine. Donc, comme Ségurant, il fait cet exercice-là, qu'on retrouve de nouveau. Et ça rend Marc fou de jalousie. Le jour suivant, Marc, il laisse Iseut à Tristan, il lui dit « Tiens, occupe-toi d'elle, machin. » Et puis, il va dans la mêlée lui-même. L'Amora blesse Marc assez grièvement. Et le tournoi est interrompu pour la journée. L'Amora a peur que Marc se venge. Et le narrateur nous rappelle que, de toute façon, Marc aura de bonnes raisons de lui en vouloir. Parce que c'est lui qui enverrait à sa cour le corps de Morgane qui détecte l'infidélité. Donc ça, c'est un vieil épisode, vous vous rappelez, qui était dans le Lancelot propre, où Morgane envoyait un corps, puis vous pouviez boire proprement dedans que si vous étiez dans une relation fidèle. Et puis, il y avait un épisode du Tristan en prose où il était littéralement détourné, et où il y a Lamora qui interceptait le corps, puis il disait « Non, mais allez plutôt à la cour de Cornouailles pour embêter Marc. » C'est un élément très ancien, parce que ça existe même dans un lait breton, le lait du corps de Robert Biquet, qui est là où, je crois que c'est l'épisode le plus ancien où ça apparaît. C'est un motif qui est très le lait du corps. Il y a aussi le lait, on en a déjà parlé un peu dans nos épisodes sur les laits, le lait du mantel mot taillé, où c'est un manteau qui est trop long, trop court, trop serré, etc., suivant que la dame est dans une relation fidèle ou pas. C'est ces tests de fidélité. L'Amora, qui a donc peur de la vengeance de Marc, à tort ou à raison, s'enfuit par la mer. Donc on a dit c'est très maritime, hein. Il y a une tempête qui l'envoie en Irlande. Bon, ça c'est plus classique, hein. On s'enfuit, puis il y a une tempête qui nous amène où on doit arriver. Et donc, il arrive en Irlande, puis il parle du tournoi de Winchester, du tournoi de Winchester, et des prouesses de Ségurant avec le roi d'Irlande. Donc, encore une fois, un texte qui est assez... c'est pas si différent que ça, c'est pas très étonnant pour un texte médiéval du genre, mais quand même, on a l'impression de voir, de remarcher dans ses pas un certain nombre de fois. Ok, le roi d'Irlande, il était au tournoi de Winchester, il est revenu, il est reparti, quelqu'un vient encore lui parler du tournoi de Winchester chez lui, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'on pense à... au chevalier errant qui envoie ses exploits à la cour d'Arthur, et puis Arthur qui dit « Ah là là, c'est un très bon chevalier », ce serait pas si différent, mais peut-être que c'est aussi le signe d'une tradition un peu abîmée. on arrive au dernier épisode, l'épisode 39, où on retrouve Ségurant avant de le quitter dans cette version-là. Il est toujours à la poursuite du dragon. Il pénètre dans la forêt périlleuse où il tue un géant qui était armé d'une grande hache, la hache étant cette arme sauvage, primitive, et il libère les 12 demoiselles qui retenaient prisonnières dans une grotte. Elles prennent le voile dans une abbaye, encore une fois, apprenant que 200 chevaliers sont arrivés à Winchester, 1 000 000 de chevaliers sont prêts à partir en quête de Ségurant. C'est-à-dire on apprend qu'il y a des gens qui reviennent, donc il y a des chevaliers qui disent « Oui, on va aller chercher Ségurant », mais à nouveau, il y a une servante de Morgane qui revient et qui dit « Ces 200 chevaliers, c'est des magiciens, ils sont complices de l'illusion, ça vaut pas la peine. » Bon, alors les gens disent « Ah bon, d'accord, bon. » On renonce de nouveau à les chercher, bon, il leur faut pas grand-chose. En pénétrant la forêt de Pomonglois, Ségurant libère les chevaliers de l'enchantement qui les retenait, donc les chevaliers de l'île non-sachant, car son enchantement est plus puissant. Il y a cette idée qu'un enchantement plus puissant va perturber ou court-circuiter tous ceux qui se trouvent dans la région. Les chevaliers de l'île non-sachante reviennent l'attendre à Vincestre. Ils disent « Bon, il va peut-être revenir à son pavillon s'il reprend ses esprits. » Enfin, ils savent pas vraiment s'il est enchanté ou pas ou quoi, mais ils disent « Bon, s'il revient, il va revenir là. » Meleagan s'échappe aussi. Il retourne à Gore et il prévoit de tuer sa sœur en l'accusant d'avoir voulu empoisonner leur père. Pour faire, enfin, il dit voilà, ma sœur, elle aurait voulu mettre un de ses amants sur le trône de Gore, elle a voulu empoisonner mon père, et il l'a fait chasser du royaume. Elle se réfugie dans un château de sa mère, et ça explique pourquoi elle veut se venger de Meleagan dans Le Chevalier de la Charrette. On se rappelle que c'est elle, à la fin du Chevalier de la Charrette, qui exige la tête de Meleagan, et qui libère Lancelot du coup de sa prison, et qui le pousse à tuer Meleagan. Et puis oui, on a oublié de préciser, mais quand la Mora est en Irlande, en fait, c'est là qu'à la cour d'Irlande, le roi dit oui à ce valet qui est là, et qui tient absolument à recevoir l'adoubement de la main de ce type qui chasse le dragon, et puis c'est pas un... Donc il y a ce débat qui dit, mais c'est pas un enchantement, c'est vraiment un chevalier, droit de force de chevalerie, mais c'est juste qu'il est enchanté et qu'il court après un diable. Et donc, ce valet est pas nommé ici, mais plus tard, ce sera l'écuyer Gaulistan qu'on va trouver dans les épisodes suivants. Voilà, ça conclut notre examen de cette version cardinale qui, d'après Arioli, aurait été rédigée entre 1240 et 1272, avant que les prophéties de Merlin soient rédigées dans leur forme originale. Comme vous le voyez, un peu redondant, il y a un peu ces trois noyaux qu'on a mentionnés où on peut douter qu'ils aient tous la même source ou la même origine. Il y a ces problèmes qui se posent avec l'appétit de Ségurant, avec le ton, les saïdes d'Inadan aussi, des choses qui... colle pas vraiment avec le ton du début du récit. Bon, après, pour la littérature médiévale, c'est toujours difficile d'évaluer. Mais à la suite de ça, cet épisode aurait, pour Arioli, inspiré les prophéties de Merlin. Et effectivement, il y a quelques épisodes dans la version longue des prophéties de Merlin qui prennent la suite de cette histoire-là. On va trouver Ségurant, Gaulistan, cette fois-ci l'écuyer a un nom, et ils vont croiser notamment la Dame du Lac, Perceval va trouver une allusion à eux, etc. Pour la version longue, alors, elle a déjà été éditée plusieurs fois. Lucy Allen Patton avait fait une édition des prophéties de Merlin en 1926-1927. Elle se concentrait surtout sur les prophéties, parce que c'était un peu la partie commune à toutes les branches, et tout ce qui était les aventures de la version longue ou de l'arsenal, elle les résumait. Donc cette version cardinale de Ségurant était déjà résumée en 1926, et les épisodes sur Ségurant dans la version longue aussi. Alors bien sûr, un résumé, c'est toujours subjectif, et puis ça remplace pas une bonne petite édition, comme le regretteront certains. Le texte a été édité ensuite dans sa version la plus complète, le manuscrit Bodmer. C'est ça qui posait problème, c'est que quand Lucy Allen Patton faisait son édition, le manuscrit Bodmer était aux mains d'une maison de vente, la maison Banks Brothers, qui lui avait donné accès, mais qui refusait qu'elle en publie des résumés trop poussés ou qu'elle l'édite. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que si on dise que le manuscrit contenait... Enfin, en gros, le fait qu'il y ait un peu de mystère sur ce que contenait le manuscrit, et comme c'était un manuscrit unique, bah, ça augmente un peu sa valeur. Et le fait qu'ils ne voulaient pas trop dissiper le mystère pour éviter probablement de baisser son prix de vente. Il sera acquis par le bibliophile Martin Bodmer, et au bout d'un certain temps, les chercheurs pourront y avoir accès. En 1992-1992, Anne Berthelot a édité le manuscrit de Bodmer, justement, qui contient... le maximum d'épisodes de la version longue. Il y a des épisodes qui sont aussi dans le manuscrit de Rennes et dans quelques fragments, quelques autres manuscrits, mais le manuscrit Bodmer, c'est vraiment celui qui contient le plus, et aussi parce que le manuscrit de Rennes, qui était la base de l'édition Patton, parce que son texte était bien, c'était la version longue, mais abrégée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup il manquait beaucoup de matériel dedans, quoi. Mais qui suivait les mêmes épisodes. Et finalement, Nathalie Coble l'a aussi édité entre 1997 et 2001, ces deux thèses où elle a proposé cette édition sur le même manuscrit. Depuis quelques mois, le texte est d'ailleurs disponible en ligne. Alors on a annoncé la parution de son édition depuis très très longtemps, mais ça s'est jamais fait. Mais là maintenant, le PDF de son édition est en ligne avec un résumé. Donc si vous voulez le résumé des prophéties de Merlin en version longue, vous avez ça dans le PDF de Nathalie Coble qu'on vous met en lien. En plus de ça, évidemment, les épisodes, donc ils ont aussi été résumés par Lucy Allen Patton et traduits un tout petit peu par Arioli et résumés par Arioli. Mais donc il n'y a pas de traduction des prophéties de Merlin en version longue, c'est dommage. Je crois d'ailleurs que les épisodes qu'Arioli traduit, c'est la plus longue traduction substantielle des prophéties de Merlin qui a été faite. Ces épisodes sont donc entrecoupés dans la deuxième partie. Alors, comme on l'a dit, c'est pas une trame suivie, c'est un épisode de Séguran, puis après ça passera à Alexandre l'Orphelin, après on reviendra à l'intrigue prophétique, etc. C'est entremêlé, mais on va vous parler que des épisodes sur Séguran ici. Et ça commence justement, comme tu disais avant, avec la quête par Séguran de ce Gaulistan, qui n'est pas encore nommé au début. Tu pourrais faire un argument, effectivement, que le fait qu'on le présente comme dans la version cardinale, entre guillemets, comme un écuyer sans nom, et après on révèle son nom, ça pourrait aussi donner des indices que, ah voilà, il faut qu'on reprenne ce personnage, mais on n'a pas de nom pour lui, donc on va le nommer d'après un autre personnage de la version cardinale. Il va chercher Séguran, il trouve d'abord un chevalier qui tire une demoiselle par les tresses, et donc du coup il là-bas, donc motif de nouveau classique du chevalier qui maltraite une dame. La demoiselle demande qu'on coupe la tête de son maltraiteur et vu que l'écuyer refuse, elle prend un couteau et tue donc son tortionnaire. Et elle raconte à Gaulistan qu'il fait partie d'une bande de malfaiteurs qui a déjà tué deux de ses sœurs et il a tenté de la violer. Et donc ils vont au château d'une autre de ses sœurs où il y a des troupes qui sont réunies pour assaillir les bandits. Et tout en faisant, il tue d'autres malfaiteurs, il libère d'autres femmes prisonnières, notamment dans le sous-sol d'un monastère qui deviennent des nonnes. Ça m'a fait penser un peu au Chevalier au Lion, où il y a aussi cet épisode de tout un groupe de femmes prisonnières. Bon, là, c'était plus dans la visée économique, là, c'est pas très très clair. Et notamment, il tombe sur les chevaliers de l'île Non-Sachant qui attendent toujours Séguran. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une suite assez directe de ce qui était évoqué plus tôt dans la version cardinale. Et donc, il décide d'attendre avec eux, parce que lui aussi, il croit fermement qu'il va revenir, quoi. Et on tombe sur une aventure de Perceval ensuite, qui trouve ça m'a fait penser très ça m'a fait beaucoup penser à la caste celle-ci. Gaulistan, un des thèmes de son histoire d'ailleurs, ce sera que comme il n'est pas adoubé, il peut se battre avec des vilains. Il n'est pas restreint à ça, mais par contre, il va parfois rechigner. C'est peut-être pour ça aussi qu'il rechigne à couper la tête d'un chevalier. La deuxième aventure, c'est que Perceval, il trouve un clerc qui est enfermé dans une cage, qui tourne sur elle-même. Donc on rejoint un peu la description de Martin Aurel qui disait que le chevalier errant des romans arthuriens, c'est toujours un empêcheur de tourner en rond. Que ce soit une carole enchantée, une île tournoyante, il y a le monde qui est pris dans des cycles et des ronds. Et là, c'est très littéralement, Perceval arrive. La cage, elle s'arrête quand il y a un religieux qui célèbre la messe. Et c'est juste assez longtemps pour qu'une vieille dame lui apporte de la nourriture. Puis après, elle recommence à tournoyer. Perceval n'arrive pas à le libérer. Et la vieille dame l'amène à une inscription vers une tour abandonnée, et l'inscription révèle, donc dans cette version-là, Perceval sait lire aussi, comme dans certaines des continuations, ce qui n'est pas toujours le cas, il raconte que ce clerc avait essayé d'enlever la dame du lac, il avait essayé d'abuser de la dame du lac, et que Merlin l'avait ensuite enchanté, avec la dame du lac qui réveille Merlin pour que Merlin s'occupe de lui régler son compte. Et seul le chevalier au dragon pourra le libérer. Alors on imagine que c'est Séguran, c'est pas dit explicitement, mais ça a l'air d'être ça. De nouveau, c'est un de ces motifs qu'on a vu, qu'on voyait dans les miracles du Lancelot Graal, quoi. Ça c'est le champion du Graal qui accomplira ce miracle ou qui mettra fin à cette aventure-là. Des aventures prédestinées ou aventures rituelles, comme disait, je sais plus si c'est Jappo Filet qui utilise ce terme, mais. Pendant ce temps, Séguran, il est très chevalier au dragon, il poursuit le dragon sans relâche, mais son équipement se dégrade, donc il y a cette idée que vraiment la quête continue, puis il n'a pas le temps de se remettre en selle. Il arrive à la cité forte, il voit le dragon plonger dans une rivière, pas en ressortir apparemment, donc il reste à la cité forte. Et il y a la princesse que sa belle-mère, sa marâtre, la méchante reine, veut la marier à son fils Guy. La princesse, elle rit en voyant Séguran, donc là ça fait un peu penser peut-être à Perceval, qui faisait rire une femme un peu simple d'esprit, qui augurait qu'il serait un grand chevalier. Mais elle se dit que c'est un bon présage. Et que son arrivée est de bon augure. On organise un tournoi et il y a la main de la princesse qui est à la clé et on s'attend un peu à ce que Guy gagne, mais la princesse elle a pas envie, puis elle dit si c'est Guy qui gagne, je me jette du haut de la tour, je me fous en l'air, voilà, c'est fini. Le lendemain, c'est Séguran qui remporte le tournoi et qui vainc Guy. Le jour suivant, épisode suivant, la reine projette d'empoisonner Séguran, qui échappe car la princesse le réalise et elle lui amène de la nourriture, donc là on revient un peu au thème de la Séguran et de la bouffe, et elle lui recommande de pas en manger d'autres. Alors il y a un nain qui amène un pan rôti au déjeuner, la princesse le jette à un chien qui le mange et puis le chien meurt. Ah, on voit que c'était empoisonné. Un pan, c'est aussi BD franco-belge. C'est aussi ce que Odéris, le pan, on voit un peu des, peut-être des parallèles, c'est que Odéris, il apportait du, je sais plus, c'était du, un pan ou du faisan à Ségurant le matin, qui en mangeait un petit peu. Ségurant adoube Richier de la famille qui l'hébergeait, et il le donne en mariage à la princesse. Apparemment, c'est un mariage qu'elle préfère, quoi. Donc on a cette idée, voilà, de princesse qui veut éviter, comme on disait, la misogynie de ces textes est parfois différente. Bah là, on a une princesse qui veut éviter un mariage arrangé qui ne l'arrange pas. Il repart ensuite en quête du dragon qui est sorti de l'eau. Donc le dragon ressort de la rivière et Ségurant repart à sa poursuite. Et la nuit, la reine fout le feu à la chambre de la princesse, mais tout le monde arrive à s'enfuir, sauf la reine qui meurt dans l'incendie. On célèbre le mariage de la princesse, et le roi meurt peu de temps après, donc Richier peut lui succéder sur le trône, tout est bien qui finit bien. Bon. Ségurant parvient chez un ermite, à qui il explique, voilà, je poursuis un dragon qui a dévoré une centaine de chevaliers au tournoi de Winchester. Donc là, on correspond très directement à ce qu'on nous a raconté dans le manuscrit de l'Arsenal. Hein. Il dit, voilà, et ça, c'est un des arguments d'Ariely, c'est que ces textes-là, ils datent de la fin du XIIIe siècle. Donc à la fin du XIIIe siècle, cette histoire, elle est connue. Ce qui ne veut pas dire que toute la version cardinale est attestée. L'ermite remarque que Ségurant est enchanté. On ne sait pas trop comment, est-ce que ça se voit peut-être, mais en tout cas, il lui dit, mais oui, vous êtes enchanté, et vous en sortirez pas si facilement que ça. Puis on se dit, ah bon. Bah bon, d'accord. Ségurant dévore ses provisions, donc là on a l'appétit de Ségurant qui se manifeste. Et il y a un messager qui annonce que des chevaliers ont attaché 60 personnes sur des ânes pour leur foutre le feu. Bon, Ségurant il les détache, 28 chevaliers débarquent, il les tue, il les blesse gravement, il les fait fuir. Bon, on célèbre sa victoire, après manger, encore, on fait que de bouffer. Un prêtre explique que les chevaliers étaient en fait des servants révoltés qui ont brûlé une église et tué des chapelains, donc c'est pas vraiment des chevaliers. Et Ségurant repart à la poursuite du dragon. Il y a un petit peu de lutte des classes parfois. On voit des serfs qui couchent avec des dames, des servants qui se rebellent, des vilains. Enfin, c'est ça, pas ça, si ça, rare ça, que ça, mais... Ça m'a fait penser à ces récits, ça. J'avais à l'Uni, mais en fait, je les avais déjà lus il y a fort longtemps, parce que dans ces récits étaient dans les manuels d'histoire qu'on avait à l'école obligatoire, enfin, à l'école secondaire. Je sais pas si tu te souviens de ce bouquin d'édition Loisirs et Pédagogie sur l'histoire médiévale. Dedans, il y avait un récit d'un voyageur valaisan au 14e ou 15e siècle, je crois à la fin du 15e siècle ou début 16e, qui étudie en Allemagne et qui fait ça et là. Et chaque fois qu'il va chez des paysans ou des gens de classe sociale inférieure, il dit, on lui dit d'où viens-tu, puis il dit de Suisse, du Valais, même si le Valais n'était pas suisse, il revendique la proximité. Et puis du coup, dans les classes sociales inférieures, on l'acclame, etc. Par contre, il va chez l'évêque du coin, puis on dit, ah, vous êtes suisse, hein, les Suisses, c'est tous des méchants paysans qui chassent leurs évêques. Alors bon, il y a le côté pré-réforme et réforme là-dedans, mais c'est aussi un narratif qu'on revient sur les Suisses qui mettent à sac les monastères, même déjà au 14e siècle, au 13e siècle. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu de ça, tu vois, le sac d'Ansiedel, ce genre de choses qui faisait parler un peu. C'est un phénomène qui se retrouve ailleurs, bien sûr, mais ça m'a fait rigoler, quoi, l'image de ces servants révoltés qui se font chevaliers. Il y a un côté presque soldat à Morgarten, comme ça. Et puis, alors là, on rejoint un personnage de l'intrigue prophétique. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément bien vous le restituer parce qu'on coupe ces épisodes de l'intrigue prophétique. On en parlera plus dans un épisode sur les prophéties de Merlin. Mais du coup, dans les prophéties de Merlin, on l'a dit, il y a l'épisode de la Dame du Lac qui enferme Merlin dans sa tombe. Meliadus, le chevalier qui vient auprès de la tombe de Merlin, en fait, c'est l'amant de la Dame du Lac. Donc c'est un personnage à part entière. Et donc là, on a la Dame du Lac et Bohort qui arrivent à une tour gardée par deux immenses chevaliers. En fait, c'est des automates de cuivre, comme ceux qu'on a vus dans le Lancelot propre ou le Père Lesvos. Et ils sont actionnés par une machine d'engrenage de cordes et de chaînes et tout un système de mercure. Il y a des fioles avec du mercure. Mais c'est explicitement, c'est pas magique. C'est une machine. Donc il y a quelque chose de très... Enfin, on vous a déjà parlé de ces automates et de ces... Mais même la douloureuse garde, elle a quand même des démons et des enchantements, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour dire, c'est un clerc qui a bidouillé une espèce de machine de science-fiction comme ça, qui retient une demoiselle prisonnière dedans. La Dame du Lac, elle dit, ouais, c'est le chevalier au dragon qui accomplira cette aventure. Cette fois-ci, il n'y a pas de spéculation, parce que l'épisode suivant, le 7e, c'est que Ségurant arrive à cette tour, et la Dame du Lac le reconnaît à son appétit démesuré. Okay, elle le voit bouffer, puis elle dit, bah oui, c'est bien Ségurant, donc c'est même un signe distinctif qui fait le reconnaître. Elle lui confirme qu'il est victime d'un enchantement. Elle lui dit, vous êtes bien enchanté, je peux pas faire grand-chose pour vous, mais allez au bord de mer, et vous trouverez un navire, et... Ça vous amène. Elle lui donne dans son moniteur de quête, tu sais, Ségurant, il a trouvé navire pour aller quête principale, lever l'enchantement, navire bord de mer, ok, d'accord. On verra après que c'est peut-être continué dans les épisodes où Ségurant va en Orient ou va à la croisade. Le lendemain, ils se rendent à la tour. Ségurant, il voit le quai, par un entrebâillement, par une espèce de meurtrière, il voit le clerc à l'intérieur. Il lui tire une flèche et il le blesse mortellement. Et en mourant, il tombe sur les leviers, les engrenages, et ça arrête la machine. La demoiselle lui demande de rester, car elle dit « bah la famille du clerc va venir le venger ». Et effectivement, quelques jours après, il y a 400 chevaliers qui attaquent la tour. Ségurant, évidemment, les tue ou les met tous en déroute. Ils reviennent encore le lendemain, et ils sont de nouveau vaincus par Ségurant et la famille de la demoiselle qui a pu venir l'aider. Ce que j'aime bien, c'est qu'on nous dit pourquoi Ségurant a un arc, parce que... C'est pas tellement l'armement standard du chevalier, c'est pas un samouraï. Non, c'est pas une arme honorable du tout. Hein. Et du coup, il explique qu'en fait, il les a pris chez un bourgeois. Et on nous explique pourquoi donc, il avait cet arc qu'il a pris chez ce bourgeois. C'est parce qu'en fait, le bourgeois lui a donné pour lui dire « Attends, si tu veux, si t'as tellement faim, t'as tellement d'appétit que tu vas vouloir te... » En gros, il a fait « Apprends un homme à pêcher ». Il lui a dit « Prends cet arc, prends ces flèches, tu pourras chasser des oiseaux pour te nourrir, t'en auras toujours assez ». Et du coup... Ségurant garde l'arc, c'est vraiment le motif de la bouffe est presque, c'est vraiment Obélix en fait à ce stade. Ségurant, c'est vraiment. C'est ça, Puis là, c'est intéressant parce que ça rejoint peut-être l'aventure de ses ancêtres dans la version cardinale qui sont condamnés à manger, à chasser pour se nourrir. Exactement. Comme on disait, il y a peut-être ce trauma générationnel où Ségurant a hérité de ses ancêtres qui crevaient de faim. Bon, théoriquement, son père était déjà né à cette époque-là, mais bon. Ségurant, donc, à la tour au chevalier de cuivre, a accompli cette aventure. Peut-être aussi que l'intervention de « il était chez un bourgeois », c'est peut-être aussi une intervention après pour le justifier. Si on imagine un texte écrit en plusieurs temps, peut-être que le script s'est dit « c'est pas très honorable d'avoir un arc comme ça, ça se fait pas normalement ». Mais bon, voilà, Ségurant a nos scopes, le méchant clair, et Gaulistan attend Ségurant à son pavillon pendant ce temps. Donc voilà, on l'avait laissé là, on le retrouve. Il y a un cerf qui passe à côté, poursuivi par une meute de chiens. Puis il se dit, bon, on s'ennuie un petit peu, on va aller régler son compte à ce cerf. Il parvient à le tuer près d'une source, il donne sa chair aux chiens. Il y a un chevalier qui débarque et qui réclame les chiens. Alors Gaulistan, il dit non, pas du tout. Il s'affronte. Son adversaire se jette dans l'eau pour lui échapper, mais il commence à se noyer. Alors peut-être à cause de son armure, je ne sais plus, mais... Il y a quatre de ses compagnons qui essaient de lui porter secours, mais ils n'y arrivent pas bien. Et du coup, Gaulistan prend les harnais de leurs chevaux et il les balance à la flotte. Vraiment, voilà, ils sabotent leurs chevaux, ils ne pourront pas repartir. Et ensuite, il s'enfuit en chevauchant toute la nuit. Le lendemain, il aide un paysan et sa fille à défendre sa fille d'un homme qui voulait s'emparer d'elle. Donc il y a encore des violeurs qui veulent s'emparer de filles, machin, il faut les défendre. Il tue l'agresseur et tous ceux qui vont avec. Comme il n'est pas adoubé, ça ne pose pas du tout problème qu'il massacre des vilains. Il n'y a pas du tout d'idée que c'est indigne de lui, etc. Il mange ensuite chez eux et il est rejoint par Ségurant qui reconnaît, encore une fois, à son grand appétit. Il lui demande de l'adouber. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Donc il reste festoyé chez les paysans pendant 3 jours jusqu'à ce que le dragon réapparaisse et que Ségurant se lance à sa poursuite. Gaulistan, par contre, il ne peut pas l'accompagner et il doit revenir au pavillon avec les chevaliers de l'Ilion Sachant et leur raconter son échec. Bon, donc ces épisodes, ils continuent l'histoire de Ségurant, mais l'histoire avance pas beaucoup. Donc il poursuit le dragon, il accomplit une aventure, on annonce une aventure future où il libérera un clerc, mais au fond, il n'est pas beaucoup plus avancé. Il y a la Dame du Lac qui dit « oui, va vers un bateau », c'est un peu tout. On ne sait pas exactement à quel point ça correspond aux autres versions qu'on va voir après. Et en fait, Arioli, il remarque ces deux choses-là. Il remarque déjà que ça avance pas beaucoup l'histoire, mais surtout, il pense pas que ça faisait partie du roman original pour une raison simple, c'est que ça mêle l'intrigue cardinale et l'intrigue prophétique. Vous avez Perceval et la Dame du Lac, qui sont pas des personnages de la version cardinale, mais qui sont des personnages de l'histoire des prophéties de Merlin, autour de Merlin, son enfermement dans la tombe, etc. Et Perceval qui est en quête de prophéties de Merlin. Donc, pour Arioli, si la version cardinale a pu exister séparément, avec tous les problèmes qu'on peut imaginer, ces épisodes-là, pas. Et donc pour lui, c'est quelqu'un que, quand ça a été inséré dans les prophéties de Merlin, ces épisodes-là ont été rajoutés. De la même manière que pour lui, l'épisode 2, qui serait donc dans les prophéties de Merlin version courte, avec Gallo qui entend des prophéties au sujet de sa famille, et sa famille après qui leur prête allégeance. Donc ça serait des épisodes de raccord. D'ailleurs, on l'a mentionné, ce dédoublement des galops. En fait, dans l'épisode 2, dans les textes attestés de la version courte des prophéties de Merlin, le texte ne précise pas Galop, le brun, le jeune. On dit juste Galop, le brun. Alors peut-être que c'est parce que y a pas d'ambiguïté dans ce passage, donc pas besoin de préciser, mais peut-être aussi que c'est que en fait ça témoignerait d'un état très vieux du texte où il n'y avait pas encore des Gallo Lebrun et des Hector Lebrun vieux et jeunes. Ils n'étaient pas encore dédoublés. Peut-être, on ne sait pas trop. Donc voilà, ça c'était pour les épisodes de la version longue qui parlent de Ségurant. Et il reste encore dans les prophéties de Merlin, même dans la version courte, des prophéties qui parlent de Ségurant. Donc même si vous dites la version longue, la version nationale, c'est des rajouts plus tardifs, bah même dans la version courte, Ségurant fait partie du mix parce qu'il y a des prophéties qui augurent des aventures dont il sera le protagoniste. Donc ces prophéties, donc de nouveau, hein, on parle d'épisodes là qui ne sont pas forcément ces épisodes complémentaires dont on vous a parlé, ils ne sont pas tous traduits par, de loin pas par, par Arioli, qui se concentre vraiment que sur les trucs qui mentionnent Ségurant de très très près. Donc il y a vous trouvez les chevaliers de cuivre par exemple, mais vous n'allez pas forcément trouver tout le détail de l'épisode avec Gaulistan. Oui, parce que c'est redondant, parce qu'il traduit aussi l'épisode de la quête 12599 qui ressemble pas mal. Donc, voilà, donc par contre, les prophéties, il en mentionne, je crois, deux. Et en fait, il appelle ça un épilogue prophétique. C'est après, pour lui, ça vient après. Donc, C'est des prophéties qui annoncent des épisodes qu'on n'a pas, sauf dans un cas où ça dit Ségurant sera sur la quintaine, donc cet épisode-là, on l'a, mais ça annonce que Ségurant deviendra roi, il ira en Orient, etc. Et ça a l'air d'être un futur après les aventures. Et c'est pas toujours clair, d'ailleurs, la chronologie, on en parlera juste après, mais comment est-ce qu'on doit faire concorder tout ça? Donc, les prophéties ne concernent pas que Ségurant. La première, qui se trouve donc dans l'édition de Patton, mentionne qu'on dit, enfin, pas explicitement, mais on dit un chevalier de la famille de Gallo Lebrun, qui trouvera la Dame du Lac après la mort de Merlin pour l'interroger et en savoir. Donc, c'est probablement lui, effectivement. Il a un rôle, effectivement, dans la quête de la tombe de Merlin. Mais c'est un peu confus, suivant les versions et les textes, c'est-à-dire, est-ce qu'il sera le seul à aller à sa tombe? Mais il y a d'autres chevaliers qui y vont, donc est-ce qu'il sera le seul à aller sans l'aide de la Dame du Lac? Mais en même temps, il va l'interroger, donc on imagine que c'est pour ça. Voilà, c'est un peu pas toujours clair. On nous prédit aussi qu'il devient, comme tu dis, roi d'un pays qui s'appelle l'Abiron, qui sera un roi d'Abiron, Apirou. Apirou. Intéressant. il va devenir roi de Jérusalem. Looking into this. Ségurant. Donc il sera ça va on va pas du tout avoir des thèses controversées de ça. Alors Abiron, ça viendrait peut-être du nom de deux personnages du Livre des Nombres qui sont maintenant traduits plutôt Abilam, je crois, ou Nabilab. Ça pourrait être un lieu dit en Palestine qui aurait inspiré ce terme-là de il me semble. Mais c'est un type qui se révolte contre Moïse dans le Livre des Nombres. Ça m'a fait juste penser à Avalon un peu, en fait. Le nom un peu légendaire comme ça. Oui, après, c'est une déformation. Après. C'est un peu, faut imaginer un peu comme le nom de Galad, quoi. C'est une inspiration biblique qui fait un peu orientale, qui a ensuite été transposée. On nous dit aussi, la Dame du Lac dit à un moment que Abiron se trouve depuis la Bretagne, vous allez jusqu'à Jérusalem et vous faites encore deux fois ça et vous êtes en Abiron. Donc c'est basiquement en Indonésie, quoi, si vous prenez ça littéralement. Mais en tout cas, c'est un Orient plus ou moins lointain. Fois, ça a l'air d'être plus proche de Jérusalem que ça, quoi. Ça me fait aussi penser, de nouveau, ça fait penser à des trucs comme le Partifal, par exemple. C'est à Partifal ou la fin de la quête du Graal où Galad devient roi de Saras, quoi. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans un contexte de Terre Sainte propre. Là, c'est vraiment le côté encore plus lointain, quoi. Oui, alors c'est encore plus lointain, puis à la fois Ségurant a aussi un destin à Jérusalem. Oui, et justement, d'ailleurs, on nous prédit qu'il se rendra à Jérusalem et qu'il vendra les pierres précieuses que son père avait ramenées de l'île des Griffons à l'île Non-Sachant. Donc l'épisode de l'île des Griffons, je crois pas qu'on l'a. Cet épisode-là, on l'a pas dans le manuscrit de l'Arsenal. Je sais pas si on l'a dans le manuscrit de l'Arsenal. Une mention de cette île ailleurs. Mais ça participe effectivement de ce côté. Voilà, ils sont passés par tous les recoins les plus sauvages, quoi. Et Ségurant sera un guerrier redouté, mais donc vous avez cette économie très insérée dans les prophéties de Merlin, de pierres précieuses qui passent de main en main jusqu'à aboutir au dragon de Babylone ou autre. C'est la France-Afrique jusqu'au bout, quoi, les diamants de les diamants de Ségurant qui sert à sa campagne de réélection. On nous fait aussi des prédictions, justement, c'est le roi d'Abiron qui fera quelque chose, donc Ségurant. Il chevauchera dans la forêt d'Arnand, donc la forêt où Merlin est enterré, pour y trouver des informations. Donc ça fait un peu doublon avec, effectivement, la prédiction sur la Dame du Lac. Et on nous dit, effectivement, là, il s'appellera Ségurant. Ça crée aussi un réseau d'indices où, des fois, on l'appelle chevalier au dragon, puis après, on vous dit qu'il sera roi d'Abiron, puis après, on parle du roi d'Abiron, donc il faut aussi relier les pièces du puzzle, quoi. Et on nous dit, voilà, et ce roi s'appellera Ségurant, on le dit explicitement, il battra tout le monde à la joute et personne ne pourra le vaincre, sauf Galad. Donc, de nouveau, Second Only to Galahad. C'est ça. Voilà, c'est pas le, ce côté, est-ce que c'est le meilleur chevalier du monde avant Galahad ou est-ce que c'est le meilleur chevalier tout court et que Galahad a un côté un peu particulier. Et de nouveau, on nous fait une prédiction qu'un seul chevalier viendra au tombeau de Merlin, le roi de Babylone et d'Abion. Un seul chevalier avant la mort de la Dame du Lac. Alors, c'est pas clair parce qu'en fait, dans les prophéties de Merlin, c'est aussi le cas de Méliadus. Mais d'autres fois, ça dit, ah, c'est parce qu'il n'aura pas l'aide. Est-ce qu'il n'aura pas l'aide de la Dame du Lac ou est-ce qu'il aura l'aide? Pas tout à fait clair. Et du coup, il y a une traduction italienne qui s'appelle l'Historia de Merlino, l'histoire de Merlin, qui précise, qui corrige à cet endroit-là, qui reprend cette prophétie, mais qui dit, oui, bon, il y aura deux chevaliers, quoi, qui essaie d'harmoniser ça. D'ailleurs, la suivante est aussi un peu confusante. Oui, on nous précise qu'il y a un autre chevalier. Alors, est-ce que c'est double? On dit qu'un chevalier qui est appelé Morane, contre tout chacal, ira à Jérusalem, sera couronné roi d'Abiron et reviendra, donc du coup, par l'esprit de Merlin. Donc, il aura la même carrière que Ségurant, plus ou moins. C'est ça. Est-ce que c'est une autre figure, une autre version du même personnage? Est-ce que c'est simplement un genre de cliché c'est un autre Blorbeau qui a disparu d'ailleurs et qui se retrouve juste là-dedans? C'est évidemment le lien à l'histoire de Morien, le fils, Morien hollandais, qui lui aussi vient d'Orient, etc. Non, c'est vrai que c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on a une prophétie sur ce type qui, je crois, n'est pas mentionnée par ailleurs, il me semble, et qui a l'air d'être un doublon. Ça a l'air d'être un doublon parfait des prophéties sur Ségurant. Donc, on a envie de le négliger un petit peu, se dire bon, ça ne concerne pas. La prophétie suivante, la huitième, elle est intéressante dans le sens où elle parle d'un épisode que cette fois-ci on a, mais elle confirme une fois de plus que à la fin du XIIIe siècle, on connaît le tournoi de Winchester. On nous dit qu'il sera effectivement le chasseur du dragon sera enchanté au tournoi de Winchester avant d'être couronné roi d'Abion. En fait, c'est souvent les mêmes motifs. En fait, t'as trois fêtes, puis on prédit le troisième à partir des deux premiers. Donc on nous dit voilà, chasseur du dragon enchanté au tournoi de Winchester, roi d'Abion. Ou tu peux avoir une prédiction, le roi d'Abion sera enchanté au tournoi de Winchester et chassera un dragon. Quoi. T'as le côté un peu cadavre exquis par moment. La suivante fait toujours ça, mais elle rajoute un petit miracle. C'est que quand Ségurant reviendra à l'ogre en quête de la tombe de Merlin, une source miraculeuse d'eau bouillante jaillira dans le palais d'Abiron. Donc on nous dit en plus c'est de l'eau, c'est de l'eau, mais qui fera pas cuire les poissons. Par contre, c'est des poissons qui cuiront dans l'eau froide. Enfin voilà, il y a un côté très miraculeux sur cette source d'eau bouillante, dans le genre de miracle dont on discute. Et il y a cette question de chronologie. Donc Ségurant, il va partir en Orient, mais il va quand même revenir à l'époque de la quête de la tombe de Merlin, mais on ne sait pas tout à fait quand c'est. Donc on imagine qu'il fait des va-et-vient, parce qu'on nous dit aussi qu'il reviendra en Abiron après avoir fait la quête. Donc il fait vraiment des allers-retours. Et la dernière prophétie qu'on a dans l'édition de Patton, parce qu'après il y a d'autres prophéties qui apparaissent pas dans tous les manuscrits, qui sont plus rares, mais la dernière prophétie mentionne que la pierre du pavillon de Ségurant appartenait autrefois à Philippe de Grèce, donc le roi Philippe, le père de... Je pense que c'est sous-entendu le père d'Alexandre. On imagine le père d'Alexandre le Grand. Ouais. Au début, je me suis dit, tiens, le prince Philippe était si vieux que ça. Mais non, je pense que c'est plutôt, effectivement, voir Philippe de Macédoine. Et Hector, tu vois, le contexte grec du... Je me dis que c'est quand même assez rigolo, le nom d'Hector, le père de Ségurant, dans cette espèce de d'ancestrie troyenne des rois de Bretagne. Il y a un côté un peu rigolo là, de nouveau. Hector, le père de Ségurant, l'avait trouvé sur cette île des Griffons. Ségurant la sortira dans sa couronne, donc de roi d'Abiron, et plus tard dans l'hôtel de Notre-Dame, j'imagine à Abiron. Et puis, un serviteur du dragon de Babylone l'en enlèvera pour qu'elle fasse partie des pierres, comme on évoquait ces Silmarils de la couronne du dragon de Babylone, l'Antéchrist. Je me demande si, voilà, il n'y a pas un côté, voilà, le dragon de Babylone, c'est Lucifer, c'est proche du Lucifer que pourchasse Ségurant, donc peut-être qu'il y a un côté... Le thème démoniaque, draconique, a l'air d'être vraiment présent à l'esprit de l'auteur des prophéties de Merlin. Voilà. Après, ça peut aussi être une harmonisation, ça peut simplement être une harmonisation d'une histoire qui existait avant. Tu peux te dire que voilà, c'est aussi de là que viendrait le dragon, par exemple. Que c'est, voilà, cette histoire du dragon de Babylone, ça existerait avant, et du coup, bah, on doit inventer une quête pour Ségurant. C'est aussi ça le truc avec toutes ces prophéties un peu évocatrices ou pas, tu sais jamais... Alors, effectivement, t'aurais tendance à penser que ça recouvre des incidents réels, mais tu peux très bien imaginer aussi que ces listes de prophéties soient... évolue petit à petit et que à la base t'as une prophétie un peu plus vague puis on en renforce en créant une autre un peu plus vague encore et on s'appuie sur celle la première pour faire la deuxième puis après on invente une histoire et ça progresse en boule de neige en fait. C'est assez intéressant parce que ça montre que Ségurant fait partie de la matière des prophéties de Merlin. Après Arioli évoque d'après Arioli en fait probablement que ces épisodes n'ont jamais été rédigés. On n'en a aucune trace en tout cas, mais et il dit peut-être même que c'était fait pour ne pas être rédigé, que c'était une espèce d'ouverture finale qui nous donnait un destin qu'on ne nous raconterait pas en détail, ce qui serait quand même une forme de narration assez audacieuse, quoi. Moi, ça me fait pas mal penser aux triades galloises, qui pour le coup reflètent probablement des épisodes qui ont été racontés, mais qui sont synthétisés de façon plus symbolique et pour mettre en relation des histoires entre elles. Genre, on t'explique qu'il y a trois héros valeureux de l'île de Bretagne, et que c'est, je synthétise parce que c'est tout à fait fictif là, mais Arthur, Glarmeil, et puis, je sais pas moi, tel autre chevalier. Bah là, il y a un côté où ça te suggère des histoires juste à la base de quelques mots. Là, c'est un peu la même idée, en fait. La couronne du dragon de Babylone, on a dit, c'est une des préoccupations des prophéties de Merlin. Il y a une autre pierre, on vous en reparlera plus en détail quand on parlera des prophéties de Merlin, mais il y a une autre pierre qui a été tombée dans le Jourdain. Donc il y a un peu le côté, il y a le lien à la Grèce avec Philippe, il y a un lien un peu Palestine biblique avec le Jourdain. Donc les quatre pierres, c'est un peu c'est les Silmarils ou bien le Infinity Gauntlet, quoi. Il a vraiment... Mais ça, c'est les 10 prophéties qui étaient déjà que Arioli reprend dans l'édition de Patton. Il y en a 3 supplémentaires qui en font pas partie parce qu'elles se trouvent dans des manuscrits plus minoritaires, comme celui Chantilly, qui, comme les manuscrits de la version courte, se centrent sur les prophéties, mais dans le désordre. Et ce qui a très vite attiré l'attention, c'est que ce désordre, c'est le même que celui de l'édition imprimée de Vérard en 1498. Ce qui posait question, en fait, parce que tu as mentionné avant un des scribes de Merlin qui s'appelait Ptolémée, qui est probablement en fait une déformation de Ptolémée. Mais du coup, dans le canon des prophéties de Merlin, il a eu Blaise comme premier scribe, le confesseur de sa mère, dans le Merlin en prose, ensuite Ptolémée, ensuite Maître Antoine, ensuite le sage Claire et compagnie. Mais dans les versions compilation, donc manuscrit de Chantilly, l'édition imprimée, il y a des matériaux qu'on ne trouve pas ailleurs et qui se présentent comme tirés d'un livre de Ptolémée. Parce que c'est comme ça que les prophéties de Merlin sont découpées. Elles disent, il y a un livre de Maître Antoine, il y a un livre de Ptolémée, il y a un livre de Méliadus et de l'âme du lac, je crois, donc il y a des séparés en livres, et suivant qui est en train de consigner les prophéties, en fait. Et il y a un débat, Ariolis proposait de le régler, il n'a pas encore fait de publication là-dessus, mais sur est-ce que ce livre de Ptolémée, il faisait partie du mix original, et ça, c'est des traces, ou est-ce que c'est des ajouts plus tardifs? Il y a Ernst Brugger, dans les années 30, il pensait qu'effectivement, il y avait un truc original de Ptolémée qui serait préservé que par ça, mais après, Ernst Brugger, il adore les théories à 8 bandes sur la constitution des œuvres en prose. Et de l'autre côté, il y a Véronique Vinant, plus récemment, qui, après un examen des manuscrits, etc., pense que c'est pas le cas. Arioli a pas encore vraiment tranché, il a dit il faudrait trancher la question, c'est pas tout à fait clair. Peut-être que ce sera l'objet d'une future publication. Mais donc, dans le manuscrit de Chantilly et l'édition imprimée de Vérard, on nous dit qu'un descendant d'Hector Lebrun sera carrément roi de Jérusalem, donc pas seulement roi de Babylone et d'Abiron, mais en Orient, il aura vraiment le titre suprême des croisés, il sera roi de Jérusalem, et tellement preux que personne n'osera l'affronter, tout le monde fuira devant lui. Donc une belle carrière pour Ségurant. On nous dit aussi que la quête de Merlin sera achevée, on nous dit pas exactement ce que c'est, mais la quête de sa tombe, on imagine, par le chevalier au dragon, après qu'il se sera mis à la place de la quintaine devant la cour d'Arthur. Donc c'est une prophétie supplémentaire, mais qui nous apprend pas grand-chose, hein, qui reprend le contenu des autres. Et puis la dernière nous dit qu'il se trouve, donc cette deuxième, elle se trouve que dans l'édition imprimée Vérard, et la troisième nous dit que Ségurant, roi d'Abiron, aura une descendance qui fera croître la gloire de Dieu, qui conquérera les châteaux et les villes des Parasins sans pitié, mais que Ségurant lui-même, il mourra jeune de mort naturelle. Donc il n'aura pas une très longue existence malgré ça. C'est un peu on ne trouve pas d'autres éléments qui confirment ça, mais ça développe un peu ce lore de Ségurant croisé en Terre Sainte. Celle-là, on la trouve que dans l'Historia de Merlino, la traduction italienne, qui contient aussi des matériaux inédits qui rajoutent un livre de Ptolémée, je crois, puis qui rajoutent même un livre de Blaise au début. Il rajoute un peu un lien plus fort avec le Merlin en prose, peut-être des ajouts tardifs, ou peut-être qu'ils préservent des matériaux anciens. En tout cas, le côté vraiment over the top pourrait faire penser effectivement à un côté, tu vois, on rajoute toujours des... Moi, j'ai les prophéties les plus à jour et les plus fortes et les plus intenses, parce que dans la mienne, Ségurant, il est le meilleur roi de tous, il est roi de Jérusalem et tout. Tu peux imaginer un côté un peu... Un truc qu'il faut dire, c'est que l'édition Vérard est là des prophéties, mais pour vous donner un exemple du texte un peu abîmé, l'édition Vérard, elle dit pas le chasseur de dragons, chasseur écrit C-H-A-C-E, elle avait mis la chaleur du dragon. Donc il y avait la prophétie dans l'édition Vérard, mais du coup qui est devenue un peu incompréhensible parce que vous dites la chaleur du dragon. Mais en fait oui, ça a l'air d'une prophétie. Ouh là là, la chaleur du dragon se manifestera au tournoi de Winchester. Ouh là là, merci Nostradamus. Et mais c'était plus le chasseur de dragons. Et en fait c'est aussi ça qui a un peu ralenti l'étude des prophéties de Merlin, c'est que comme pour Guiron et compagnie, souvent plutôt que d'aller fouiller dans les manuscrits, on pouvait s'appuyer sur les éditions imprimées qui parfois sont pas du tout le meilleur texte quoi. Oui, parce que c'est tous ces textes en prose dont on parle un peu comme ça, c'est des textes qui ont connu un plus grand succès encore à la Renaissance et au premier temps de la diffusion de masse que ces textes plus anciens, que les textes qu'on considère peut-être aujourd'hui comme plus canoniques. En tout cas, bon, le Lancelot en prose a été aussi assez largement traduit, mais les textes en vers étaient quand même moins, quasiment inconnus, voire pas édités. Alors que c'est plutôt les grands cycles qui ont vraiment connu un grand succès, quoi, des trucs. Et en Angleterre, le Morte d'Arthur de Malory, par exemple, qui incarne un peu la même position, quoi. Un autre point de, on va dire, peut-être pas d'aveuglement, mais des œillères qu'on avait, c'est justement que Mallory reprend deux épisodes qui sont des épisodes qui sont très connus des prophéties de Merlin. C'est le tournoi, il y a le tournoi de Sorelois, les aventures d'Alexandre Orphelin et le tournoi de Sorelois dans les prophéties de Merlin en version longue. Comme Mallory les reprend, ben Sommer, Vinaver et les autres qui se sont penchés sur les sources de Mallory se sont beaucoup intéressés à ça. Et aussi parce que ces épisodes-là ont été repris par d'autres compilations, notamment celle de Michaud Gonneau, le BNF 112. Et donc, il y avait toujours un débat sur est-ce que c'est les prophéties de Merlin elles viennent des prophéties de Merlin ou est-ce qu'elles avaient une autre source. Elles ont aussi été intégrées dans la quatrième version du Tristan en prose, donc on vous en avait un tout petit peu parlé quand on parlait du Tristan en prose. Donc, vous voyez que ça posait un peu les mêmes questions que Ségur en posait, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, Alexandre l'Orphelin, est-ce que c'est un roman qui préexistait ? Il a été édité à part par Cédric Pickford en 1951. Et donc, ces questions-là se posaient aussi sur ces épisodes-là. Mais du coup, c'est souvent de ces épisodes-là dont on parle, plus que de Séguran ou du reste des prophéties de Merlin. Il y a un peu on s'est un peu concentré là-dessus. Là, ça conclut un peu la matière de Séguran dans les prophéties de Merlin, avec encore une petite exception, c'est que dans la version courte de Berne-Bruxelles, il y a un fragment. Donc il y a un moment où on dit « Ah, il y avait une histoire où Séguran, il était chez une veuve, elle se faisait harceler par un mec, mais elle n'avait pas envie de l'épouser, et donc Séguran était chez elle, mais bon, je ne vais pas vous raconter ça, le conte retourne. » Et c'est un fragment qu'on trouve que dans les manuscrits de Berne et de Bruxelles, avec d'autres fragments sur Perceval, le roi Marc, la fausse Guenièvre, qui laissent penser qu'il y a eu des abréviations. Et en fait, Arioli remarque que ces fragments se trouvent à peu près à la charnière entre les deux moitiés qu'il imagine, où il y aurait les aventures de Séguran dans la première moitié, et les aventures de la version longue dans la deuxième moitié. Alors ça poserait aussi des problèmes chronologiques, parce qu'on l'a dit, hein, c'est pas toujours très clair, on est à l'époque de Vortigern, d'Uther, d'Arthur, pas toujours 100% clair sur comment ça s'agence, ce qui amenait Brugger à faire une espèce de... Ernst Brugger s'est vraiment beaucoup penché sur ces questions de chronologie, où il disait, ah là, on est à ce moment-là du Lancelot en prose, ah, à ce moment-là, on est à ce moment-là du Tristan, et il essayait de voir si on pouvait faire concorder pour savoir si des épisodes avaient été bougés. Peut-être que les scribes n'étaient pas si... on va dire prudent que ça avec leur chronologie, mais en tout cas ça pose différents problèmes. Une dernière chose sur les prophéties de Merlin, qu'on encore une fois on devrait leur consacrer un épisode en propre pour parler de tous les épisodes dont on vous a pas parlé, mais sur la fin il y a ces fameuses aventures de Perceval, et en fait le 7 à la fin du 19e siècle il remarquait déjà qu'elles étaient dans le désordre, c'est-à-dire qu'à la fin Perceval il va chez un ermite qui a un livre de prophéties de Merlin mais de quand il était petit. C'est un livre qui a été consigné quand Merlin était enfant, et donc on est en train de rassembler toutes les prophéties qu'on peut, et donc Perceval est intéressé. Mais l'ermite, on lui avait annoncé que le jour où Perceval viendrait le voir, bah, c'est qu'il mourrait peu après. Et du coup, Perceval, il est pas con, il lui donne pas son nom parce qu'il a pas envie de l'angoisser. Donc là, un peu une espèce de... On voit qu'il a un peu progressé depuis le conte du Graal, donc il se dit non, faut pas que je lui dise mon nom. Et donc il lui tire les vers du nez pour apprendre toutes les histoires qu'il peut sur Merlin, jusqu'à lui dire son nom, qu'il lui donne le livre, et qu'il meurt. Sauf que quand Perceval entre en scène dans les prophéties de Merlin, on nous dit, il est dans la forêt de Darnante, enfin non, il est en train de chercher le château de Corbenic, et il vient de quitter l'ermite dont le compagnon était mort. Donc on a l'impression que cet épisode-là se trouve après les épisodes qu'on nous a racontés à la fin. Et surtout, s'il cherche le château de Corbenic, bah en fait, ça collerait plutôt bien à la fin du récit, quand la quête du Graal va commencer. Et du coup, on a l'impression que dans la version longue, les épisodes ont aussi été altérés, modifiés, etc. Donc, il faudrait, c'est difficile, en fait. Ce qui rend ça vraiment casse-tête, c'est que c'est dur de prendre une des branches et de dire c'est la vraie branche sans altération et les autres en dérivent. On a l'impression que toutes ont subi des coupures assez fortes qui, pour beaucoup, à mon sens, vont dans le sens de la théorie d'Arioli. Maintenant, sans nous laisser forcément avec des certitudes, quoi. On va maintenant sortir de la tradition des prophéties de Merlin et parler de ce qui commence vraiment à compliquer le dossier, c'est le fait que Ségurant se retrouve aussi dans d'autres œuvres de la fin du XIIIe siècle. Alors, compliquer le dossier, et à la fois c'est ça qui permet à Arioli de dater le contenu du manuscrit de l'Arsenal au XIIIe siècle, puisqu'on trouve des attestations, ou des choses qui sont compatibles en tout cas, à cette époque-là, dans ces espèces d'épisodes complémentaires de variantes. Donc Arioli considérait que ce qui était dans les prophéties de Merlin, c'était des épisodes, des versions complémentaires, soit des épisodes romanesques qu'on a vus, soit les prophéties qu'il appelle l'épilogue prophétique ou la version complémentaire prophétique. Et il voit un autre épisode complémentaire dans un texte qui désormais s'appelle la Quest 12599. Alors, ce texte, il est assez particulier. En fait, il est connu depuis très longtemps. C'est un manuscrit qui se trouve à Paris, donc de la manuscrit de la Bibliothèque nationale française 12599 ou 12599, qui était déjà résumé par Le Sept en 1891. Donc à la fin du 19e siècle, on avait déjà un résumé de ce texte-là. On savait que dans ce manuscrit, il y avait une quête du Graal qui ne correspond pas aux autres versions de la quête du Graal qu'on a. Ni celle de la post-vulgate, ni celle de la vulgate, etc. Alors, le statut de ce texte exact, il est assez compliqué à évaluer, de la Quest 12599, parce que il est clairement abrégé au début et à la fin. On n'a pas le début, on n'a pas la fin, et le vrai problème, c'est que ce manuscrit, on sait que ses scribes avaient tendance à abréger. Par exemple, ce manuscrit contient aussi la Folie Lancelot, qui est un texte assez intéressant, qui est la suite de la suite post-vulgate. Il le contient, et en fait, la Folie Lancelot, on l'a aussi dans la compilation du BNF 112. Donc on a deux versions du texte, et on peut voir que dans le 12599, des fois, ils abrègent pour faire tenir le texte à la fin d'un cahier, ou même à la fin d'une page. Donc on voit que des fois, ils s'approchent de la fin de la page, et ils abrègent hyper vite, parce que, ben voilà, ils veulent caser ça dans le papier qu'ils ont à disposition. Et donc, c'est assez triste, parce que la Quest 12599, c'est la seule version du texte qu'on a, et on sait que c'est un manuscrit qui a été produit probablement par des types qui n'avaient aucun problème à couper ou à abréger. Peut-être préciser que cette caisse, elle est insérée dans un manuscrit qui est largement un manuscrit en fait de Guiron de Courtois. C'est pas, elle est pas, elle apparaît pas pour elle-même. Oui, avec des épisodes avec aussi des épisodes tristaniens. C'est ce que dit Damien de Carnet, qui en parle un peu depuis quelques années. Il l'appelle en fait une quest tristanienne insérée dans le manuscrit BNF 12599. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant pour nous, c'est qu'on a l'impression qu'elle suit vraiment les prophéties de Merlin et qu'elle pourrait même être une espèce de suite dans l'univers des prophéties de Merlin. Enfin, en tout cas, pour un épisode qui va nous concerner, parce qu'il parle de Ségurant. Effectivement, donc c'est un manuscrit qui commence avec du Guiron, ensuite il y a un bout du Tristan en prose, ensuite il y a encore un bout du Tristan... La Folie Lancelot, la Quest 12599, puis ça finit par du Tristan. Donc un manuscrit guironien et tristanien, comme le BNF 112, comme d'autres compilations, où probablement qu'il y a un commanditaire qui disait « Bon, vous me mettez un petit peu de tout, vous me faites un petit, une petite composition perso. » Ce qui est assez frappant dans cet épisode, vous allez le voir, je pense qu'on va vous résumer ce qu'il y a dedans, c'est qu'il est très allusif. C'est vraiment, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a lu ou qui connaît les histoires qu'on vient de vous raconter et qui, en fait, il fait allusion d'une manière assez maladroite. Donc ce texte ne nous avance pas tant que ça, parce qu'il apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux, mais il nous montre que l'histoire de Ségurant, apparemment, à la fin du XIIIe siècle, puisque c'est la date du manuscrit, elle était connue. Donc, l'épisode en question, c'est le chapitre 9, hein. C'est vraiment un épisode. Il y a un épisode où Ségurant arrive, il repart et on n'en entend plus trop parler. Donc peut-être aussi que cette insertion est un peu artificielle, peut-être aussi. On pourra en parler parce qu'il existe une version de cet épisode chez Rusticien et c'est pas tout à fait clair duquel des deux pourrait être l'original. Donc il y a le pavillon de Ségurant à Winchester où se trouve aussi Golistan, son écuyer, qui est pressé qu'il lui donne l'ordre de chevalerie, donc qu'il en fasse un vrai chevalier, pour qu'il puisse enfin se venger de la mort de son père, le Morholt, qui a été tué par Tristan. Mais Ségurant, il a entendu que du bien de Tristan, et donc il n'est pas pressé de lui permettre de se venger, il n'a pas envie que du mal arrive à Tristan. Et donc il le mène en bateau, il lui dit oui, plus tard, on verra plus tard, il rigole, etc. Il voit alors passer un chevalier qui est transporté sur un âne par quatre paysans, quatre vilains, qui l'ont fouetté avec des courroies jusqu'au sang. Gaulistan les défie, Ségurant en tue trois, et le quatrième, il demande merci, il dit pitié, ne me tuez pas. Et il demande merci à Gaulistan, et il lui raconte que le type qu'ils ont attrapé, en fait, c'est un chevalier de la table ronde, Dinadan, et qu'il a violé sa fille, et qu'ils l'ont pris en flagrant délit, en fait. Donc là, Dinadan s'est rendu coupable d'un crime assez grave, même pour un chevalier. Et ils ont entendu les cris de sa fille, ils l'ont trouvé éploré, ils se sont précipités à son chevet, et puis du coup, ils ont décidé de lui donner une bonne leçon, et puis de le traîner à un comte qui a autorité sur eux pour qu'il soit jugé, pour que justice soit rendue. Alors on détache Dinadan, qui va se reposer dans le pavillon, tandis que Gaulistan, il laisse partir le paysan, mais lui dit « Attends, fais gaffe, tu vas plus porter la main sur un autre chevalier, et s'ils ont un problème avec un chevalier, si jamais un chevalier qui vous fait du mal, vous demandez justice à un autre chevalier. » Donc il y a une vision assez pessimiste de la justice séculière, en fait, parce qu'en fait, ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas complètement absurde, hein. Ils l'amenaient à un seigneur local pour le faire juger. Puis Gaulistan, il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe ici, on fait des duels, vous savez, dès qu'on a un problème, on se bat, et puis voilà, ça règle tous les problèmes. Ségurant ne reconnaît pas Dinadan tout de suite, apparemment. Puis Gaulistan ne lui dit pas que c'est Dinadan non plus, mais un jour, Dinadan reconnaît Ségurant à son appétit, comme on l'a vu avec la Dame du Lac ou avec Gaulistan. Et il s'exclame que même sur l'île Blanche, il ne trouverait pas de quoi rassasier son appétit, et que comme il le lui a dit maintes fois, il est bien un loup, et sa mère avait dû coucher avec un loup pour l'engendrer. Cette mention d'île Blanche est assez énigmatique. Pourquoi il dit « même sur l'île Blanche, tu n'aurais pas de quoi assouvir ta faim » Arioli, dans sa traduction, il dit « c'est un lieu mythique et boisé où les repas se succèdent sans trêve », mais il ne dit pas d'où ça vient, et j'en ai pas la moindre idée. Il y a une île Blanche dans la mythologie. Les 12 travaux d'Astérix, non? c'est vrai que ça fait penser au restaurant. C'est ça, quand non, tu mais... dis comme ça, ça fait penser au restaurant du Belge, là. Non, Parce qu'il y a une île Blanche dans la mythologie grecque qui est le dernier séjour d'Achille, mais qui n'a pas vraiment ce côté-là, je crois. Par contre, Damien de Carnet propose une autre interprétation, c'est que dans la continuation Gauvin, donc la première continuation de Perceval, c'est le nom de l'île sur laquelle Joseph d'Arimathie accoste. Alors c'est peut-être aller chercher loin, mais du coup c'est peut-être lié au Graal qui, comme on l'a vu, est lié au désenchantement de Ségurant. Et donc, peut-être qu'il y a une allusion au Graal nourricier qui peut vous donner tous les plats que vous voulez, puisque c'est ça, il fait apparaître devant vous la nourriture que vous préférez, et que Ségurant a un appétit énorme, peut-être que c'est ça l'allusion. C'est pas tout à fait clair que la continuation Gauvin serait une référence ici. Bon, mais du coup, c'est... L'île Blanche, c'est bêtement, ça peut être aussi vu comme le... C'est ça qui est un peu curieux, parce que ça peut être un nom pour le... Pour Albion. Pour la Grande-Bretagne, en fait. Alba. Ouais. Donc, c'est un peu curieux comme... Et puis... Techniquement, l'île Blanche, c'est les îles Scilly. C'est une des îles de Scilly qui font partie du... C'est dans les îles Scilly. Donc, au large de la Cornouaille, c'est le point le plus à l'ouest, techniquement, je crois, du Royaume-Uni propre. Bon, ça, des vraies îles Blanches, il doit y en avoir plein, des pelletées. Mais j'entends, dans un contexte arthurien... Ouais, c'est pas... Mais en tout cas, c'est pas entièrement... Pour moi, c'est pas une allusion qui est entièrement claire, je vous avoue. Mais l'hypothèse de Carnet, elle me semble intéressante parce que ça correspond à d'autres choses. Mais donc, Ségurant reconnaît Dinadan et il lui répond que la demoiselle qu'il a violée aurait dû trancher votre chose avec les pendants, donc elle aurait dû vous castrer avec tous les morceaux, pour dissuader de futurs chevaliers errants de se comporter en violeur. Et Dinadan, il récorde, c'est la chose de ta mère qu'on aurait dû écorcher quand elle a couché avec un loup et qu'elle a engendré. Il reste sur sa métaphore de Ségurant est un loup. Il y a de nouveau le côté de la chose écorchée. C'est ça, c'est qu'on a vu cet épisode de Palamède où une dame avait la chose écorchée. Donc là, on a une correspondance assez intéressante entre la version cardinale, en tout cas dans sa partie finale, et la quest 12599, qui me paraît assez frappante. Parce que, au cas où vous n'auriez pas remarqué en écoutant la centaine d'heures d'émissions qu'on y a consacrées, c'est quelque chose dont on parle, les parties génitales, c'est un truc dont on parle pratiquement jamais dans le monde arthurien. C'est-à-dire que quand il y a une scène de sexe, on va dire assez pudiquement « il fit avec elle comme on fait avec son ami » ou « elle perdit à bon droit le nom de pucelle ». Donc on parle d'une manière un peu détournée, on peut parler de sexe, on peut dire « ils ont passé une bonne nuit ensemble », mais parler de l'anatomie génitale, parler des parties génitales, ça se fait pratiquement jamais. Et dire « ta mère a couché avec un loup » non plus, ça se fait pas trop. Ça rejoint les autres passage où Dinadan fait des espèces de saillies, de boutades comme ça. On les avait vus au tournoi de Kaamelott avec Arthur et Guenièvre. Avec Séguran, il le comparait à un loup, à un renard et à d'autres animaux. Et dans la version longue des prophéties de Merlin, il le fait aussi au tournoi de Sorelois à Galeau. Donc, suivant quel texte vous pensez a influencé l'autre, bah on peut imaginer que la version cardinale a été influencée par la version longue des prophéties de Merlin ou vice-versa. Mais là, en tout cas, on a une correspondance assez forte. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un pensé complet de la littérature médiévale. Hein. Les parties génitales, ça les blagues sur ce genre de choses, les textes qui parlent de ce genre de choses, ça existe tout à fait, même à l'époque, même au début jusqu'au XIIe siècle, tu peux remonter pour tu trouves des fabliaux qui vont parler de ce genre de choses. Mais c'est vraiment un truc différent dans le genre, en fait. Tu n'en parles pas forcément dans le même contexte. Et là, c'est comme si on avait une espèce de d'effondrement en fait entre les deux, entre certains types de narration et de texte. En fait, c'est comme si on avait pas forcément un effondrement, mais une fuite de l'un dans l'autre, en fait. Parce que c'est clair que c'est quelque chose qui est vraiment dans le ton. C'est quelque chose qu'on s'attendrait à trouver dans un fabliau qu'on trouverait régulièrement. On parlerait du chevalier qui parle au con, des choses comme ça. C'est assez courant. Et là, peut-être que dans cette fin du XIIIe siècle, dans un contexte franco-italien en Italie du Nord, eh ben on a quand même un genre, des frontières du genre qui sont un peu plus souples avec ça. Dans la Quest 12599, il y a un autre épisode assez marrant, où il y a une dame qui attrape les parties génitales d'un chevalier et qui les serre tellement fort jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, par exemple. Donc c'est le genre de choses qui collent dans la Quest 12599 et un petit peu les prophéties de Merlin, mais qu'on ne trouverait pas tant ailleurs. On ne l'a pas dit, mais ce manuscrit de la Quest 12599, c'est aussi typiquement du domaine franco-italien, quoi. Et après, un des grands auteurs qui va reprendre la tradition du fabliau en Italie, c'est Boccace, qui va tourner ça dans le Décaméron. Il y a beaucoup des textes du Décaméron qui reprennent un peu cette tradition du fabliau aussi. Pareil chez Chaucer, qui s'inspire beaucoup de Boccace. Donc il y a une tradition aussi où tu vois des textes qui font combiner de la haute littérature, entre guillemets, et des textes plus crus, mais ça arrive plus tard au XIVe siècle. Et là, c'est intéressant, je trouve que ce soit déjà à la fin du XIIIe siècle et qu'on ait déjà ce genre de choses. Qu'on ait déjà ça, et justement pas dans un contexte si épisodique que ça, quoi, dans un texte suivi. Mais du coup, Séguran rigole. Alors, comme d'habitude, Séguran, il est très... il est un peu rabelaisien, quoi. Il a un peu ce côté de géant à grand appétit qui rigole très fort. Parce que bon, s'il anticipe Don Quichotte, il anticipe aussi Rabelais. Enfin, il anticipe tout, c'est fou. Boccace, Chaucer. Et il demande à Dinadan des nouvelles de la cour d'Arthur. Il loue les exploits de Galahad, Lancelot et Tristan. Il dit voilà, nos meilleurs types, ils continuent à être très bons. On est dans la période de la quête du Graal, hein, donc Galahad est actif. Hein, il est ici, il va accomplir la quête du Graal, même si elle est très. C'est une quête très mondaine. Elle est assez proche peut-être de la post-vulgate et même encore plus, dans le sens où on a encore moins ce sens du merveilleux chrétien. En chemin, il croise deux groupes de 40 chevaliers qui s'affrontent. Il enjoint Dinadan d'aller aider ceux qui ont le dessous, mais il refuse. Séguran les aide et il se moque de Dinadan qui n'a pas voulu le faire. Il discute de Tristan et Lancelot et Séguran dit « Oh, j'aimerais pas vraiment les affronter, ça me ferait de la peine, machin. » Et là, en fait, pas de bol parce qu'il va croiser Galahad, Lancelot, Tristan et Palamède auprès d'une source. Donc c'est vraiment les... All-Stars, hein, Galahad, Lancelot, Tristan et Palamède, c'est littéralement les meilleurs chevaliers du monde, avec différents palmarès. Et Golistan demande en vain à être adoubé pour tuer Tristan, parce qu'il voit Tristan, il dit « je veux le tuer ». Séguran se jette sur eux, il renverse Palamède, Tristan et Lancelot, mais il refuse d'affronter Galahad, et il s'enfuit dans la forêt avec Golistan. Ça fait vraiment Golistan, il fait vraiment sur TV Tropes, on dirait le « Token Evil Teammate », c'est le méchant qui vous accompagne, qui tape du pied. C'est très drôle, il y a un côté. Oui. Ouais, non, il a un côté très... Bon, ça, c'est classique des écuyers, mais un peu comique. Mais du coup, Dinadan reste avec les chevaliers. Il leur dit, c'est le chevalier au dragon qui était enchanté jusqu'à l'épreuve du siège périlleux que vous avez accompli, monsieur Galahad. Ah oui, et puis il dit, et d'ailleurs, monsieur Lancelot, c'est la dame du lac ne veut pas qu'il vous affronte, je vous le rappelle. Lancelot, il comprend donc, et il dit, ah, c'est donc le vainqueur du tournoi de Winchester. Donc là, vous voyez, quand je vous disais que cet épisode est très allusif, c'est que vraiment, on a cette petite conversation qui fait vraiment de l'exposition, quoi, qui dit, c'est le chevalier au dragon, ah oui, c'est lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'il était enchanté jusqu'à l'épreuve du siège périlleux. Donc le siège périlleux, c'est le moment au début de la quête du Graal, dans le Lanceclou Graal, où Galahad vient s'asseoir sur ce siège qui restait vide jusqu'à l'arrivée de l'élu qui va faire la quête du Graal. Le Graal apparaît à toute la table ronde et donne de la nourriture à tout le monde. C'est le lancement de la quête du Graal. Et donc, ce qui est sous-entendu là, c'est que Séguran était enchanté et que, comme on nous l'a annoncé dans la version cardinale, il a été désenchanté par le Graal quand Galahad s'est assis sur le siège. Et donc maintenant, Séguran n'est plus enchanté. Et donc Séguran n'est plus enchanté ici. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est quand même toujours dans le contexte du tournoi de Winchester, parce qu'il est dans le pavillon qui a été dressé là pour ça, a priori. Mm-hmm. Et pourtant, ça semble ça passer un bon bout de temps avant, puisqu'il y a eu le temps d'avoir le tournoi, l'incident du dragon, la quête du dragon, puis le désenchantement par l'aventure du siège périlleux. C'est vrai, alors on n'a pas le début de la quest 2599, mais bon, cet épisode, il est très séparé du reste, donc ce serait... En fait, on a l'impression que celui qui a rédigé cet épisode, il en savait pas beaucoup plus que nous. C'est ça qui est un peu... Il y a un élément en plus qu'on va voir juste après, mais on a l'impression qu'il n'avait pas accès à beaucoup d'autres éléments de l'histoire. Il avait envie de l'inclure, mais c'est comme s'il développait ces allusions qui étaient déjà connues. Donc, Lancelot comprend, ah, c'est lui qui a gagné le tournoi de Winchester, c'est vrai. On ne dit pas qu'il était sur la quintaine, mais basiquement, à part ça, tout est attesté là-dedans. Galahad se moque de Palamède quant à sa religion, donc classique du Tristan en prose et de la quête du Tristan et post-Vulgate. Un chevalier et une dame sont poursuivis par une dizaine de chevaliers. Alors, le chevalier se retourne et il affronte l'un d'entre eux et il s'entretue. Alors, la dame se lamente parce que c'était deux prétendants qui voulaient son cœur. Elle en détestait un, auquel sa famille l'avait promise, et elle cherchait à s'enfuir avec l'autre. Dinadan ne veut pas escorter la dame, parce qu'il dit « Oh, c'est pas mes affaires, machin, voilà, encore une fois, Dinadan est pas très galant, pas très chevaleresque. » Et Tristan lui dit « Bon, quand même, Dinadan, vous pourriez faire un effort. » Et Dinadan lui dit « Oh, mais bon, toi, t'as bien laissé Iseu à la joyeuse garde, hein, tu me donnes pas des leçons, maintenant ?» Donc, il y a un peu de Lord Dump, quoi, où, justement, Dinadan dit « Ah non, moi, j'ai lu le livre 3 du Tristan, pro, je me rappelle. » Mais du coup, deux des frères de la dame arrivent et elle repart avec eux. C'est Deadpool, en fait, Dinadan. Il y a de ça, il brise le quatrième mur, il a... Alors, mais de toute façon, il se tourne vers la caméra et il dit « Mais de toute façon, ce roman, il n'est pas achevé. Pourquoi on se fatigue? On n'a pas la fin de la queue de 2599 ?» Donc, cette dame, c'est un peu... C'est pas le happy ending, hein, parce qu'elle repart avec sa famille qui voulait la marier avec un méchant. Mais on voit que, alors, les femmes, dans cette série de textes qu'on a vus jusque-là, elles peuvent pas souffler pendant une minute, hein, elles se font kidnapper ou tuer, etc. Mais par rapport à d'autres textes, on voit qu'on n'est pas dans une continuité qui est particulièrement misogyne. On a régulièrement l'idée d'une dame qui a envie d'échapper à un mariage arrangé, ou d'échapper à un mari abusif, ou même de le tromper, et les chevaliers prennent plus facilement le parti de la dame, même si elle n'est pas forcément... 100% honorable. Il n'y a pas tant cette idée que les femmes sont une espèce de bétail de la famille et qu'une fois qu'elle est mariée, on peut rien y faire. Mais c'est vrai que ces épisodes se succèdent quand même avec une certaine monotonie, quoi. Palamède va ensuite recevoir le baptême à Camelot. C'est pas tout à fait cohérent avec la chronologie habituelle de la quête du Tristan en prose. Normalement, il faudrait... Mais en tout cas... ce moment-là conclut un peu son histoire, un peu en condensé. Et le dernier épisode de cet épisode est particulièrement intéressant, parce que Séguran et Gaulistan, ils reviennent à Winchester, ils trouvent une nef, un bateau, qui les ramène à l'île non-sachant, et Séguran voit des lettres écrites sur le mur de l'église, une inscription, qui lui font savoir que le pape a appelé une croisade, et il décide donc de partir outre-mer, pour la Terre Sainte. Alors, ça, c'est très... Moi, j'ai l'impression que t'es en train de visiter genre une église catholique, je sais pas, en France ou en Italie, puis t'es dans l'entrée, puis t'as les petits prospectus, puis t'as l'année du pèlerinage, prions en église, le genre de petits prospectus qui te dit « Ah oui, priez cette année pour les étudiants lors des Journées mondiales de la jeunesse à Biarritz ». Il y a un côté comme ça, je trouve, qui est très très rigolo avec ça. Ça fait très propagande. L'annonce du pape. Pub catholique moyenne à l'entrée d'une église. On en reparlera sur les prophéties de Merlin, mais dans les prophéties de Merlin, il y a aussi plusieurs épisodes où le pape appelle une croisade, et il y a des épisodes qui se passent même au temps de la croisade, au temps de Saladin. Donc il y a des espèces de flash-forward bizarres où il y a un lien entre l'époque arthurienne et l'époque de Saladin, des liens compliqués. Ça c'est typique, comme dans le Lancelot Graal, où il y a une confusion assez forte entre un Jules César qui est assez c'est clairement voulu comme étant un Jules César, le Jules César historique, et l'empereur de Rome. C'est tout un peu une espèce de collapse historique. C'est pour ouais, ça que c'est intéressant croit parce qu'il y a que pour les Moyen-Âge, en fait, c'est la continuité. Il y a un petit... Mais là, c'est quand même un passé qui est relativement proche pour alors, les gens qui écrivent. C'est dans le sens inverse. C'est pour ça que c'est ça qui est rigolo, effectivement. Mmh. Mais du coup, il y a la croisade, et puis par exemple, il y a Claudas de la Déserte qui essaie de se débarrasser de Lancelot en l'envoyant à la croisade, et puis Marc qui essaie d'envoyer Tristan, évidemment. Ils disent comme ça, je suis débarrassé. Mais on en reparlera un peu, mais donc c'est dans le thème. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de voir développer une allusion qui était faite de la Dame du Lac, qui disait « je peux pas vous aider, mais allez voir un bateau, et peut-être que vous serez aidé à être désenchanté ». Sauf que là, bah, il est déjà désenchanté. Donc on a l'impression à la fois de voir quelqu'un qui réutilise cette allusion qui n'était pas développée, mais en même temps il n'est pas désenchanté. Et il y a aussi quelque chose qui est très, comment dire, qui pose un peu problème dans cette chronologie, c'est que Ernst Brugger, qui avait un peu étudié toute cette matière dans les années 30, il remarquait déjà que la fin de la vie de Ségurant était un peu confuse. C'est-à-dire qu'il doit partir en croisade, il va devenir roi d'Abiron en Orient, mais il devra quand même revenir en Grande-Bretagne pour trouver la tombe de Merlin, et il devra ensuite repartir en Abiron pour replacer une pierre là-bas. Donc il y a une espèce de va-et-vient qui n'est pas entièrement clair. Il y a la question de s'il sera le seul à trouver la tombe de Merlin ou pas. Bon, ça, c'est un peu confus. Il sera désensorcelé lors de la quête du Graal. Alors, la quête Quest 2529 nous dit que c'est au début de la quête du Graal, lors de la Pentecôte du Graal. Mais dans la version longue, elle lui dit ben, « rejoins un bateau ». La Dame du Lac lui dit de rejoindre un bateau pour remédier à son enchantement. Mais pour aller où ? Parce que la Pentecôte du Graal, elle a lieu à Camelot. Et donc, est-ce qu'il irait vraiment à Camelot par la mer ? Ou bien, est-ce qu'une autre possibilité, c'est que comme il part en croisade et qu'il a toute cette destinée en Orient, peut-être que le navire doit simplement l'envoyer vers les épisodes orientaux qui doivent conclure sa vie. C'est-à-dire que le rédacteur savait que oui, il doit aller en Orient, devenir roi, aller à Jérusalem et tout, à Sarras et à Abiron. Et donc dans cette version-là, il serait encore enchanté, mais à la fin de la quête d'El Saint Graal, avant que le Graal ne retourne au ciel, Galad le ramenait en Orient. Donc vous vous rappelez, il y a un passage où Galad devient roi de Sarras, donc la ville des Sarrasins en Orient. Et, c'est probablement ça qui inspire le destin oriental de Ségurant, d'ailleurs, que Ségurant devienne roi. Et donc peut-être qu'il y a un scénario où il aurait dû être désenchanté en Orient quand Galahad amène le Graal. Mais du coup, ce serait différent parce que ça se passerait à la fin de la quête du Graal et plus du tout au début, comme avec le siège périlleux. Maintenant, si on imagine que c'est quelqu'un qui a juste développé des allusions, c'est pas vraiment un problème. Donc ce texte, il ne nous apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux, mais il montre qu'à la fin du XIIIe siècle, on connaît déjà des morceaux de cette histoire. Et il conclut par la fin stupide, si vous ne savez pas comment conclure votre histoire. Alors ça se fait pas mal dans les chansons de geste, mais un petit peu côté arthurien aussi, il y a une adaptation de l'histoire de Perceval en anglais, le Sir Perceval of Gaul, où pareil, Perceval, à la fin de sa vie, il part en croisade et puis il meurt là-bas, je crois. Donc c'est un peu la fin, si vous ne savez pas comment conclure l'histoire de votre héros. Ce manuscrit-là, il est assez particulier dans l'édition d'Arioli et de tout ce qu'il a fait, parce que c'est un peu le seul qui n'a pas de lien direct avec les autres, quoi. C'est un peu un ovni, mais il a un lien avec un autre jalon important de ces versions alternatives, c'est les compilations qui sont attribuées à Rusticien de Pise. Ouais, on vous a un peu parlé de Rusticien de Pise, donc au début de cet épisode, mais vu que ça faisait à peu près 4 ans que vous nous écoutez maintenant, pas si longtemps que ça, mais quand même, pour rappel, donc, un érudit italien qui se retrouvant par hasard dans la même prison génoise que Marco Polo, compila ses aventures donc en français à la base, et ben il a écrit, comme on vous l'a dit aussi, une compilation d'épisodes arthuriens qui n'est pas vraiment un roman, plutôt un genre de hit, un listicle en fait, un petit peu. Il y a le côté cracked ou BuzzFeed, tu sais, les 10 épisodes arthuriens les plus fous. C'est un florilège, quoi. C'est le côté florilège, un petit peu, exactement. Ça doit peut-être un peu ressembler à l'édition que Carioli fait de Ségurant, enfin, la traduction de Ségurant par Arioli, quelque part. Et il rajoute des bouts un peu, parfois qu'il invente, ou des éléments qui, en tout cas, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et il écrit ça, donc, vraiment à la fin hein, du XIIIe siècle, à partir de 1270. En tout cas c'est terminé avant la fin du siècle, mais Bogdanov je crois penche plutôt pour une date assez tôt dans cette période là, donc autour de 70-75, et en fait elle mentionne Ségurant directement et le titre de Cheval de Dragon en le mentionnant dans la généalogie de Branor le Brun. Et alors on l'a pas vu à Branor le Brun dans la version cardinale d'Arioli, mais il est présenté comme l'oncle de Ségurant, frère de son père et cousin d'Hector Lebrun. Donc en gros, si on revient sur la généalogie un peu... Ouais, les généalogies ne sont pas toutes très compatibles entre elles. Ce serait pas très compatible parce que ça marcherait mieux s'il était le frère de Galeo ou qu'il était cousin d'un Galeo, en fait, plutôt que d'un Hector. Et donc, mais il est cousin voilà, le Libon Hector Lebrun, et puis Branor est l'oncle de Messire Ségurant Lebrun, chevalier au dragon, cousin de Messire Hector Lebrun. Ouais, mais du coup, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a des manuscrits qui ont sauté une partie de cette phrase, et donc Branor Lebrun, oncle de Messire Ségurant Lebrun, le chevalier au dragon, ils ont coupé le oncle de Messire Ségurant, et donc ils ont juste mis Branor, le chevalier au dragon. Et donc, il y a quelques versions ou quelques gens un peu confus qui vont dire, bah, en fait, c'est lui qui se retrouve avec ce titre. Et il y a une certaine ironie, c'est que l'aventure qu'il joue, il joue le vieux chevalier. C'est-à-dire qu'il y a un vieux chevalier qui débarque, qui dit, je veux me battre avec tout le monde pour voir qui est le meilleur, etc. Et il arrive quand même à battre tout le monde. Et c'est Branor. Et en fait, dans la Tavola Ritonda, qui est une compilation italienne assez importante du 14e, qui, du coup, va avoir un épisode similaire, mais au lieu que ce soit Branor, ce sera Ségurant. Donc il y aura cet épisode-là où ce sera Ségurant le chevalier au dragon, mais qui sera hyper vieux. Et en fait, c'est assez intéressant parce que l'édition de Patton a eu assez d'influence pour que dans les années 30, il y ait déjà des spécialistes arthuriens qui se rendent compte, comme Edmund Garner ou Joseph Lott, que cette aventure-là n'a rien à voir avec le Ségurant de Guiron ou des prophéties de Merlin. Donc on connaît déjà pas mal ces épisodes-là. Mais du coup, ça c'est la première, c'est la compilation qui est attribuée à Rusticien de Pise. Et en fait, dans cette tradition de manuscrits, il y a des manuscrits où cette compilation est continuée par une deuxième compilation. Lago Marcini l'a édité en 2014 en l'appelant Les Aventures des Bruns. En fait, c'est un remix surtout de la suite Guiron, avec deux épisodes, avec quelques épisodes centraux, qui, eux, ne viennent pas de la suite Guiron, et il dit qu'ils sont de sources inconnues. En fait, ces épisodes, on les a déjà vus. Il y en a qui sont des épisodes de la version alternative qu'on va voir après, d'après Arioli, et il y a les épisodes 8 et 10 de la version cardinale, donc quand Ségurant va se battre avec son oncle Galeo. Il va chez Odéris, et puis après, il va se battre avec Galeo. Ces deux épisodes-là, ils sont repris là-dedans. Donc il y a un certain nombre de manuscrits qui les contiennent aussi. C'est un peu une des rares attestations de la version cardinale en dehors. Donc, Lago Marcini disait, bon, ils sont de sources inconnues. Puis Arioli dit, bah, bien sûr que non, ils ne sont pas de sources inconnues, puisqu'ils viennent de la version cardinale. Et puisque la version cardinale, elle est attestée en partie au XIIIe siècle, eh ben, ça doit être le texte le premier. Il invoque d'autres arguments, il dit qu'ils sont mieux insérés dedans, ils sont plus cohérents. De toute évidence, c'est une compilation, donc ils ont pioché des épisodes qu'ils ont raccordés un peu n'importe comment. Des arguments qui vont être plus ou moins convaincants. Mais du coup, il y a eu un affrontement dans la Romagna en 2018 entre les deux, où Arioli présentait sa perspective pour la transmission de cette compilation. Et Lago Marcini a répondu, et Damien Carnet, en 2022, a fait un article un peu de bilan sur leurs deux théories, où il dit, oui, bon, ils ont des points chacun les deux. Mais en fait, à part sur cette question des deux épisodes intertextuels qui se trouvent dans les deux traditions, à part là-dessus, ils sont pour l'essentiel d'accord sur la transmission. Il y a des manuscrits un peu bizarres, notamment des manuscrits qui changent de modèle en plein milieu. Donc c'est un peu le cauchemar des éditeurs, quoi, d'avoir un manuscrit qui est du coup très difficile à classer. Mais se pose la question, du coup, est-ce que ces épisodes, ils viennent bien de la version cardinale et ils ont été repris par Rusticien, ou bien est-ce que c'est le contraire, et en fait, Rusticien est une des inspirations du manuscrit de l'Arsenal, ou des Ours-Prophéties, ou des Prophéties de Merlin, ce qui n'est pas impossible non plus. Notamment, ce qu'on a vu avant, c'est que la version cardinale, elle a un gros problème d'intégrité, avec ce premier noyau sur le naufrage, ce deuxième noyau sur Galo contre Ségurant, et ce troisième noyau avec le tournoi de Winchester. Si ces deux noyaux, le naufrage et le combat contre Galo, sont en plus attestés en dehors, bah évidemment que c'est au moins une hypothèse que bah, peut-être qu'ils ont été transplantés. Et ça explique les différences de ton, et ça explique un peu ces discordances dont on a discuté avant. Maintenant, c'est très difficile à trancher. Damien Carnet revient sur les arguments purement philologiques, et il dit qu'il n'y en a pas tant qui sont très... Enfin, c'est pas si convaincant que ça. Et en même temps, Arioli a raison. Il y a un faisceau d'indices extrêmement fort sur le fait qu'une forme ou une autre de la version cardinale doit exister à la fin du XIIIe siècle. Donc, Damien Carnet, il tombe un peu entre les deux, puis il dit, oui, bon, il doit y avoir une matière de Ségurant, mais ça ne veut pas dire que la version cardinale existait telle quelle comme ça. Cette compilation qu'on va appeler Rusticien II, même si ce n'est pas entièrement prouvé que c'est Rusticien qui l'a écrite aussi. Lago Marcini l'a lui attribué avec des arguments stylistiques notamment. Mais cette compilation Rusticien 2, elle commence par un court résumé qui indique que Séguran avait remporté le tournoi de Winchester, où il s'était mis sur la quintaine et il avait battu tout le monde, et qui s'était lancé à la poursuite du dragon avec son écuyer Golistan. Donc là, on a déjà quand même une corroboration assez intéressante, qui est que Golistan est attesté en dehors des prophéties de Merlin, la poursuite du dragon aussi, juste le déroulement n'est pas tout à fait le même, parce qu'au lieu d'un enchantement, c'est une demoiselle qui lui a demandé de courir après. Et il avait couru après au point de tomber malade et de devoir rester 2 mois au château de à la Roche d'Ur pour se remettre. Après ce petit résumé, que Arioli explique, il dit il a suivi le dragon sur le commandement de la demoiselle, donc peut-être qu'avant commandement c'était enchantement et ça a été mal lu. Moi, ça me paraît pas tant cohérent, mais simplement je pense qu'effectivement c'est possible que Rusticien il soit dit ces histoires d'enchantement et tout, ça m'intéresse pas, on va juste mettre une demoiselle qui lance la quête, c'est un cliché, ça ira très bien. Il suit ensuite l'épisode complémentaire qu'on vous a raconté dans la quest 12599, mais dans une version légèrement différente. Il n'y a pas Galahad, mais Galahad devient Gauvin. Il n'y a pas de référence au Graal, du tout. Donc, ce qui explique peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas Galahad. Et les passages scabreux ont l'air un petit peu édulcorés. Dinadan y est transporté sur un roussin. C'est plus un âne. C'est un peu moins infamant, quoi. Les détails de sa torture sont moins gore. Il n'y a plus de récit du sang qui coule par terre. Il n'est pas saisi en flagrant délit, mais alors qu'il était sur le point de violer la fille du paysan. Donc, c'est un peu moins gore, quoi. C'est un peu moins... Il n'a pas encore commis le crime. Et les vilains, au lieu d'être tués, sont pâmés et épouvantés. Ils sont étourdis et terrifiés. Donc on a un peu l'impression de voir une version PG-13, quoi. Enfin, une version édulcorée de l'épisode qu'on vient de voir. Et au lieu de Golistan qui demande au dernier de s'en remettre à un autre chevalier en cas de problème, il y a Séguran qui fait que rigoler. Donc il n'y a pas cette idée de l'autorité du chevalier, etc., qui correspond bien. Enfin, le fait que Golistan rappelle... Adressez-vous à un chevalier, ça colle assez bien avec le fait qu'il demande à être adoubé pour se battre contre Tristan, parce que cette idée-là qu'on a vue aussi dans la version longue de Golistan n'est pas adoubé, donc il ne peut pas se battre avec un chevalier, mais donc il peut se battre avec des vilains. Cette espèce de différence de classe, que là, il n'y a pas vraiment, du coup. Séguran, il dit juste... Golistan, c'est un peu un reply guy des chevaliers, en fait. Il est en train de les big up. Très bonne blague, monsieur Séguran. C'est cool, les fans d'Elon Musk. Séguran, il rigole juste là et il dit « Oh, Dinadan n'aurait jamais rien fait de tel. » Et on peut remarquer que dans Rusticien 2, ce que Carnet remarque, au lieu de le croiser à Winchester de façon inopinée, qui était le cas dans le 12599, Dinadan chevauchait avec Séguran et qu'ils ont dormi ensemble chez les vilains. Donc c'est peut-être un peu mieux intégré dans le récit. Qui colle, et ça colle aussi avec son rôle de compagnon un peu privilégié dans la version cardinale. Donc, c'est pas un argument béton, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire « Ah, peut-être que la version de Rusticien, c'est un peu l'original. » Mais en même temps, pour Arioli, ce serait plutôt le 12599 qui serait l'original. Carnet est assez d'accord, et il remarque un truc qu'il remarque, c'est qu'il dit « C'est bizarre que Dinadan décrive le groupe de chevaliers qu'il rencontre comme la fleur de la chevalerie, alors qu'il n'y a plus Galahad. » Mais bon, un groupe où il y a Lancelot, Tristan, Palamède, Gauvin et que, ça reste quand même très all-stars, quoi. Oui, il manque Galahad. Mais ça reste quand même parmi les meilleurs chevaliers du monde. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans la quest 12599, on a le thème du Graal, on a Galahad. Ça ne veut pas forcément dire que le récit vient de là, mais qu'en tout cas, il a été harmonisé avec les préoccupations et le ton de la quest 12599, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, Rusticien, c'est un compilateur qui a tendance à compiler, donc ce ne serait pas très étonnant qu'il l'ait pioché ailleurs, mais... Mais du coup, après cet épisode-là, il y a les épisodes 8 et 10, un peu plus loin. Séguran qui se court des risques, qui va se mesurer à son oncle Galo et qui le bat. Là, on a donc un peu les questions suprêmes sur cette origine-là. C'est que pendant longtemps, les études arthuriennes pensaient que peut-être il y a une source gironienne qui explique tout Séguran. En fait, Lago Marcini dit basiquement c'est Rusticien II qui a inspiré toutes les autres mentions. C'est Rusticien II qui aurait été le texte le plus ancien sur Séguran. Et qui aurait inspiré le reste. Mais Arioli dit ça suffit pas à expliquer toutes les mentions, notamment parce qu'il n'y a pas le thème du Graal, qui fait partie des prophéties de Merlin et de la quest 12599. C'était donc Rusticien 2. Et à partir de là, en fait, il y a deux versions différentes plus tardives. C'est les deux dernières versions qui s'appellent vraiment alternatives. On va vous les présenter assez vite. Qui ont repris ces épisodes 8 et 10. Et à partir des éléments qui se trouvaient dans le texte, ils ont développé des épisodes avant et après pour les intégrer dans leurs aventures guironiennes. C'est des compilations dans l'univers de Guiron le Courtois. Ces versions, a priori, elles sont beaucoup moins cruciales pour les origines du texte, parce que c'est des manuscrits tardifs. Les manuscrits qui les contiennent entiers datent tous du 15e, voire du 16e siècle. La première compilation, c'est le BNF 358, à la Bibliothèque nationale de France, qui a été exécuté pour Louis de Bruges vers 1470, donc à la fin même du 15e siècle. Et la deuxième est attestée dans deux manuscrits, le manuscrit de Turin LI79, de 7 à 9, qui a été rédigé pour Jacques d'Armagnac, qui est mort en 1477, né en 1433, donc c'est probablement aussi dans les années 1460, 1470. Et le manuscrit de Londres, de la British Library, additionnel 36673, qui, lui, daterait du 15e ou même du 16e siècle. Le BNF 358, on trouve les deux derniers épisodes dans des manuscrits qui pourraient dater du 14e ou même du 13e siècle, quelques fragments à Bologne notamment, manuscrits Bodmer ou au Vatican, mais le début où Ségurant chasse le dragon n'a survécu que dans ce manuscrit-là, donc c'est celui-là qui va faire foi. À noter que, en tout cas, le manuscrit de Londres, il me semble qu'il contient surtout du guironnage, des textes guironiens, un bout de rusticien, parce qu'il en est pour celui de Turin, par contre. Le manuscrit 358, qui est en fait c'est un truc immense en plein de volumes, parce que ça va, dans le catalogue de la BNF, ça va jusqu'à genre 363, et c'est une version de Guiron le Courtois, il me semble. C'est une version de Guiron le Courtois assez énorme, et qui a des épisodes uniques, dont ceux dont on parle, dont ceux dont on parle là. Donc ces deux versions, elles ont déjà été, encore une fois, étudié, c'est-à-dire que Le 7, à la fin du 19e siècle, il a déjà accès au BNF 358 et il fait déjà un résumé des épisodes qu'on trouve dedans, dont Ségurant qui court après le dragon, donc c'est pas tout à fait novateur. C'est beaucoup plus novateur le manuscrit de Londres-Turin. Il était déjà mentionné par Le 7 aussi, mais qui s'appuyait sur le prologue. Le prologue de ce manuscrit a été édité à part, et c'est là-dessus qu'on essayait de juger un peu leur contenu, parce qu'on n'y avait pas tant accès. Notamment parce que la bibliothèque de Turin a brûlé en 1904 et que le manuscrit de Turin n'a pas pu être consulté à ce moment-là et qu'ils ont mis extrêmement longtemps à le restaurer et à le rendre accessible. Et pendant longtemps, on pensait qu'il avait basiquement presque tout brûlé pour son premier volume. Et notamment, La Thuillère, qui a fait le livre de référence sur Guiron le Courtois chez Drault en 1966, Guiron le Courtois, et il a dit notamment qu'en fait, il restait que 30 feuillets et tout, puis alors Arioli peut le corriger et dire, non, pas du tout, en fait, il en reste beaucoup plus, mais effectivement, ils étaient probablement dans l'atelier du copiste dans les années 60, quoi. Et les gens n'ont pas tant été fouillés. Et le manuscrit de Londres, il n'a pas été remarqué avant 1960. C'est-à-dire qu'il a... Le 7 avait été examiné les manuscrits de Londres, mais il l'a fait en 1901, et le manuscrit de Londres a été acquis en 1902. Donc, il l'a raté parce qu'il n'était pas là à Londres et il a fait sa publication quelques années après, avant même que le catalogue qui correspond à ce manuscrit soit publié. Donc, il lui est un peu passé sous le nez, on dirait. Et le manuscrit de Turin a brûlé peu après. Donc, cette version-là, c'est celle qui a été le plus négligée. Mais disons, dans les années 60, La Thuillière résumait déjà tous leurs épisodes dans son livre où il essayait d'identifier le plus d'épisodes possibles guironiens. Donc, le BNF 358... On voit vraiment qu'il développe ses allusions, c'est que Ségurant va se mesurer à Bertoulard, au château du Trépas. Il se bat dans un combat à la hache, il le vainc, puis il lui fait abolir sa coutume, il dit « maintenant t'arrêtes de te battre avec les gens », et ensuite il va se remettre de ses blessures. Ensuite, dans une forêt, il rencontre un terrible dragon qu'il poursuit jusqu'à ce qu'il fasse trop nuit. Il rencontre un ermite, il chasse des méchants chevaliers, enfin il y a plusieurs aventures à ce moment-là, et il reprend la chasse au dragon. Et là, il n'y a pas d'allusion à sa nature démoniaque, comme on dirait un dragon bien réel, c'est pas clarifié, mais on dirait. Et ensuite, il va affronter Galeot. C'est les épisodes 8 et 10 qu'on trouve aussi dans l'Arsenal. Donc ça, c'est les épisodes qu'on a déjà vus. Il va se mesurer à son entre Galeot. Il y a un épisode où il tombe amoureux, ce qui n'était pas du tout le cas dans les premières dans toutes les autres versions qu'on a vues. Il ne tombe jamais amoureux. Arioli insiste beaucoup là-dessus. Et effectivement, ça ne semble pas être la préoccupation principale de ses aventures. Il tombe amoureux de la fille du duc de Normandie qui a 15 ans. Donc voilà, il lui compte Fleurette. Et ensuite... il va convaincre le chevalier qui doit garder le pont du géant et il doit prendre sa place une fois qu'il l'a battu. Et ensuite, il y a sa petite famille qui vient le voir. Son père vient le combattre. Hector, il n'arrive pas à le battre. Par contre, son oncle, Branor, y parvient. Donc là, on voit enfin Branor qu'on avait vu mentionner chez Rusticien. Et il retourne ensuite au Valbrun, retrouver Gallo, qui lui partira rejoindre Giron. Il y a un fragment à Bologne qui est très abîmé. C'est vraiment un feuillet, quoi, qui semble s'inscrire dans cette version, dans une suite, qui nous raconte que Séguran est avec Hector, Gallo et Branor. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il est dans la suite, parce que Branor est là, quoi. Et on apprend qu'Uther Pendragon s'est emparé de leur terre. Et Branor veut entrer en guerre contre lui pour récupérer Rochebrun, qui est un château qu'il leur a pris, et Gallo le soutient. Donc ça a l'air d'être... Donc on voit qu'on est de nouveau sur la chronologie un peu complexe, on est plutôt du temps d'Uther, mais ça pourrait être une suite qui s'inscrirait dans cette version, même si c'est très fragmentaire. Ensuite, la version alternative de Londres-Turin, qui se trouve que dans deux manuscrits, comme leur nom l'indique, de Londres et de Turin, cette fois-ci on réécrit vraiment les origines de Séguran. Il est adoubé à l'âge de 21 ans, et peu de temps après, une demoiselle annonce avoir vu un dragon qui a dévoré quelqu'un. Séguran va le combattre sans le dire à son père, et après quelques jours à le chercher, il le trouve en train de dévorer un écuyer. Alors la bête, elle pousse un cri tellement terrible que son cheval, il meurt sur le coup. Il l'affronte à pied, il lui tranche les pattes avant, il lui tranche la queue, il lui enfonce sa lame dans la bouche pour l'achever, donc c'est un combat contre le dragon. Et il fait ensuite peindre un dragon sur son bouclier, et on l'appellera donc le chevalier au dragon, évidemment. Donc là, c'est pas du tout un dragon démoniaque illusoire, qui est impossible à tuer. C'est pas du tout la version cardinale. Ce dragon est très mortel, et au lieu d'une quête prolongée qui l'emmène de pays en pays et qu'il est enchanté et tout ça, bah c'est son tout premier exploit, quoi. C'est le premier truc qu'il fait. Donc on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui a rédigé une histoire à partir des allusions qui étaient dans Rusticien 2. Ça me fait penser à cette blague, tu sais, Sort Dracula, où tu t'imagines une vieille série TV qui s'appelle Sort Dracula, puis t'as Sort Dracula qui fait du surf à chaque fois, puis alors que si tu fais un reboot moderne, il toucherait une planche de surf dans le dernier épisode de la première saison. Dans le dernier épisode. Là, il y a un peu la même vibe, en fait, ce type, c'est bon, il s'appelle Chevalier Dragon Coco, tu me mets du dragon très vite. Tu mets dragon, épisode, scène 1, épisode 1, dragon. C'est ça, mais oui, bah en fait, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a vu, bon... Il est le héros dans ces deux versions, on a vu, il est le héros du pas Berthelet, parce que c'est mentionné dans son combat contre Gallo, et il est le chevalier au dragon, bon ben, et il poursuit un dragon, bon ben, on va bricoler autour de ça, quoi. Ensuite, il va au pas Berthelet, justement, il combat 22 géants, 22 chevaliers et 3 géantes, il est gravement blessé, il va se faire soigner en Carmélide, la Carmélide qui revient encore une fois, mais donc ça, c'est ces allusions-là. Ensuite, on a les épisodes 8 et 10 de la version cardinale, le combat contre Gallo, on vous a dit, c'est le cœur de cette histoire-là, et il développe des épisodes avant et après. Et à la fin, combat contre les géants. Donc des géants de la forêt noire ont tué des gens de leur famille. Donc ils vont les attaquer, délivrer leurs prisonniers et récupérer leurs trésors. Ils reviennent ensuite au royaume sauvage. Et à la fin, de nouveau, Gallo le Brun part rejoindre Giron pour de nouvelles aventures. Donc c'est un peu une parenthèse dans les aventures gironiennes. Il faut dire un truc, c'est que le manuscrit de Turin est pas si bien étudié que ça. Justement, comme on est un peu en train de le redécouvrir, il y a un peu une effervescence. Darioli qui dit qu'il a des choses à publier là-dessus. Il y a Véronique Vinant, il y a un de ses articles sous presse qui doit parler précisément de ce manuscrit-là. Et se pose la question, justement, on disait que on parlait de ces combats des brins contre les géants. C'est un cliché, apparemment plus développé dans le manuscrit de Londres-Turin. Mais je pense que ce serait intéressant de savoir si dans le reste de cette compilation, il y a aussi d'autres épisodes sur les brins, combattre les géants. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres éclairages qui pourraient être apportés quand on aura examiné les épisodes qui ne concernent pas que Séguran. Ça conclut l'édition d'Arioli. Il resterait le fragment de Berne Bruxelles, mais on l'a mentionné, c'est Séguran qui est chez une veuve. Tout petit fragment. Il identifie en plus des apparitions de Séguran par la suite. Donc il y a une branche du Livre divin, qui est un autre texte franco-italien, qui est une autre compilation de 7 épisodes, je crois, de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe. Et puis ils débattent, est-ce que la table ronde était meilleure du temps d'Uther ou de son fils Arthur ? Alors ils avancent des arguments, et Gaëriet dit, ça doit être du temps d'Uther, parce que lors du tournoi de la Roche aux Seines, la Roche aux Saxons, Séguran s'était mis sur la quintaine, et il avait battu tout le monde, et Lancelot n'a même pas réussi à le désarçonner, alors qu'il s'y est repris par 3 fois. Alors on a vu qu'en fait Lancelot, il pouvait briser que une ou deux lances contre lui, on a l'impression de voir la même histoire, même si c'est plus le tournoi de Winchester, c'est le tournoi de la Roche aux Saxons. Donc ça reste intéressant qu'une attestation à date ancienne se passe un peu différemment. même si ces compilations, on a l'impression qu'elles reprennent des épisodes tout en modifiant légèrement ce qui se passe dedans. Par exemple, dans le livre divin, il me semble qu'il y a un épisode tiré de, je crois, L'âtre périlleux, en modifiant légèrement les protagonistes et les histoires, etc. Il y a le manuscrit Réglate 1501 du Vatican, qui daterait de la fin 13e ou début 14e, qui est un florilège de Guiron le Courtois, qui contient d'ailleurs certains épisodes uniques. Parmi ceux-ci, il y a son premier cahier de 4 pages, qui est très fragmentaire. Il met en scène Ségurant dans un tournoi. Alors Ségurant renverse Gallo le Brun, et Guiron renverse Uther Pendragon. Alors peut-être que Ségurant et Guiron y représentent la nouvelle génération et l'ancienne, Guiron qui serait le meilleur chevalier de l'ancienne génération du temps d'Uther, et puis Ségurant de son temps à lui. Gallo et Uther sont remis en selle par Golistan et le bon chevalier sans peur, et après il y a Gallo qui arrive à renverser Ségurant d'un coup sur le home. Donc Arioli remarque qu'il y a une certaine confusion, c'est-à-dire que Golistan, qui d'habitude est l'écuyer de Ségurant, bah là il bosse avec Gallo. Ségurant n'est plus le chevalier au dragon, c'est Gallo qui porte un dragon. Il se bat contre son oncle, alors il a l'habitude de se battre contre son oncle, mais là, enfin, on a l'impression de voir une version un peu dérivative de la tradition. Il devient du coup un chevalier plutôt du temps d'Uther Pendragon, parce qu'avec le reste des Bruns et l'univers de Guiron, il est plutôt renvoyé à cette chronologie-là. Puis on retrouve ça, bah, comme on l'a dit, dans la Tavola Ritonda, cette compilation du XIVe siècle, où c'est lui qui est âgé de 170 ans et qui vient se mesurer à Tristan. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un peu l'idée de nouveau de mesurer l'ancienne table ronde et la nouvelle table ronde, mais plutôt que d'avoir du voyage dans le temps, on a un chevalier qui débarque en ayant 170 ans. Par la suite, on apprend sa mort, ce qui couronne Tristan, parce que du coup, bah, si lui il est mort, ça veut dire que Tristan est le meilleur chevalier. Et dans ce texte, il y est désigné comme Cavaliere Agragone. Agragone, donc c'est le chevalier au dragon. Non, c'est, comme le dit Arioli, ça doit être une déformation de Cavaliere Adragone, le chevalier au dragon, un peu déformé. Il y a la vendetta dei descendenti di Ettore, la vendetta des descendants d'Hector, où les chevaliers de la table ronde qui descendent de Troyens vont se venger contre les Grecs, puisqu'ils se disent ben, « nos ancêtres les Troyens ont souffert ». Et dans les 12 meilleurs chevaliers, on trouve un Sigurans lo forte, Sigurant le fort, et il dit « bon, ben, c'est évidemment Sigurant, même s'il a plus tant de traits de son histoire originale ». Alors, dans la vidéo sur Sigurant, moi je le confondais avec l'Avarkide, qui est aussi une réécriture arthurienne de la guerre de Troie, dont on va parler dans une seconde. Dans le Morte d'Arthur, le gros morceau de Thomas Malory, Arioli remarque un personnage nommé Severus le Breus, ou Servos, je crois, qui n'avait pas évoqué de commentaire de la part de Vinaver ou de Peter Field, qui avait édité le texte, mais il nous rappelle quelqu'un. La Dame du Lac lui a fait promettre de ne pas affronter Lancelot, et on dit qu'il n'était pas le dernier pour se battre contre des géants, des dragons et d'autres bêtes sauvages. Donc ça fait quand même écho à la version cardinale, qui est que bah, il se bat contre les lions de l'île en sachant, il se bat contre un dragon, et puis la Dame du Lac veut pas qu'il affronte Lancelot. Donc c'est assez intéressant qu'en fait, il soit quand même arrivé dans les sources de Malory, quoi, même si elle tapait large. Un truc que Arioli ne précise pas, c'est que cette identification, elle avait déjà été faite par Sue Helen Holbrook en 1978 dans la revue Speculum, où elle disait « Servos flickeringly resembles Ségurant le Brun of the Prophecy » parce qu'elle avait évidemment lu l'édition de Lucy Allen Patton qui contient tout, qui contient les épisodes de la version longue, le manuscrit de l'Arsenal, etc. Donc cet article a été repris dans le livre « Arthurian Women, a Casebook », donc il est quand même assez connu, qui a été réédité jusqu'en 2015 notamment. Donc Mais je trouve que c'est un de ces trucs qui est dommage peut-être avec l'édition d'Arioli, c'est que pour la perspective sur les études arthuriennes et pour comprendre ce qui est neuf, ce qui n'est pas neuf, vous êtes un peu laissé à vous-même. Il y a une discrétion un peu là-dessus. Franchement, je pense qu'on ne faut pas se poser beaucoup de questions. Malory, il avait simplement dû lire Patton aussi, je pense. C'est... Vu que tout le monde semble l'avoir lu. C'est ça. Il a pas. C'est comme ça, en fait, il est tombé sur un. Il y a un truc. C'est le rasoir d'Occam. Ben, c'est clair, c'est simple, c'est le plus simple, c'est celle qui a tout trouvé. Non, c'est genre Jacouille la Fripouille ou je sais pas qui a fauché le bouquin de Patton dans l'édition du petit neveu qui étudiait à Normal Sup et puis qui est revenu dans le temps avec, puis il s'est garé en Angleterre, puis un jour t'as un chevalier anglais un peu rebelle qui tombe sur le bouquin par hasard. Je me suis dit, tiens. Et puis, là, plus en Angleterre, mais du côté de l'Italie, il y a Luigi Alamanni, qui était un poète italien, mais qui était au service de François Ier, qui lui a dédié, je crois, d'ailleurs, certaines œuvres. Il le fait intervenir dans son adaptation Girone il Cortese, qui est donc une traduction de Guiron le Courtois, où il tend à échanger les attributs de Ségurade et Ségurant, ce qui est une confusion qui se comprend, hein, le Ségurade de Cocu du Tristan en prose, et aussi dans son Navarchide, donc c'est les chevaliers arthuriens qui rejouent la guerre de Troie, et un truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que Ségurant joue le rôle d'Hector à quelques détails près, et il est finalement tué par Lancelot qui joue le rôle d'Achille. Et on trouve donc la prééminence de Ségurant et leur affrontement fatal entre les deux. Donc on avait dit peut-être si on veut pas d'affrontement, c'est parce que on sait que l'affrontement serait fatal et la Dame du Lac veut protéger Lancelot. Et justement, la Dame du Lac joue le rôle de Thétis, qui est la figure protectrice de Lancelot ou d'Achille. Donc ça marche quand même très bien, je trouve, en termes de symétrie, d'avoir Lancelot-Achille avec une Dame du Lac Thétis qui essaie de le protéger, quoi. Et puis ça colle bien, parce que Lancelot, lui, il n'est pas troyen, il n'est pas breton insulaire, il est de Bretagne continentale. Ouais. Et donc, du coup... qui commençaient, sont des Grecs, un Grec de Massilia. Bah, ils sont descendants d'Hercule, les Français. Oui, aussi. L'idée qui vient un peu plus souvent, c'est les... C'est l'Hercule gaulois à l'époque qui vient un succès à l'époque de, après François Ier, plutôt Henri IV. Mais oui, il y a le côté plutôt grec, justement, qui est revendiqué plutôt que troyen. C'est vrai. Puis bon, il y a aussi le côté troyen avec Francion. Mais du coup, c'est là qu'on voit en fait, qu'à la fois, cette tradition-là, en tout cas sur le domaine italien, etc., elle a quand même eu un impact. Et c'est pas si rare que ça dans ses œuvres tardives d'avoir Ségurant qui se retrouve dans les meilleurs chevaliers. Quoi. Il a quand même marqué les esprits dans ce classement des chevaliers, d'une manière qui a été faite par peu de chevaliers, Palamède, Lancelot, Galade, etc., mais il rejoint un club très très restreint. Il y a quelques livres espagnols qui font allusion à Ségurant, on va pas s'apesantir dessus, hein, mais le Tristan de Leonis en 1501, l'Amadis de Gaulle en 1508, donc des imprimés, et on le retrouve aussi dans les Quattro Primi Canti del Lancelotto de Erasmo de Valvasone en 1580, où Lancelot est retenu prisonnier par Morgan, à l'aide de démons notamment. Donc on retrouve un peu ce thème de... Morgan est devenu, à ce stade-là, c'est beaucoup plus courant de voir Morgan invoquer des démons, comme dans les prophéties. Mais c'est peut-être un peu, on va dire, des précurseurs de ce côté-là. Et Gallo Lebrun envoie ses neveux à sa recherche, à la recherche de Lancelot. Il envoie Ségurant Lebrun, Ségurade Leblanc, donc il y a un dédoublement, et Gallo Odin. Et donc là, on voit ce genre de dédoublement typique des personnages dans les traditions dérivées. On a un Ségurant et un Ségurade, on a un Gallo et un Galloodin, donc un petit Gallo, quoi. Et Gallo Lebrun, ici, justement, il reprend des traits du Gallo, des étrangiles, donc l'autre Gallo du Lancelot propre. Enfin, Arioli suppose des inspirations. Là, on est un peu en aval de Ségurant, donc la suite de cette tradition-là. Et en amont, il suppose que dans les inspirations profondes du personnage, il pourrait y avoir une rencontre avec la mythologie norroise, la mythologie de la Scandinavie médiévale. Il pourrait être lié de loin à la figure de Sigurdr, le tueur de dragons, ou Siegfried, mais aussi par son nom, même si Ségurant, ça peut juste venir de Sécourous, sûr, mais il dit c'est une possibilité que ce soit influencé pour son nom, mais aussi d'autres éléments, le mur de feu qui apparaît au tournoi, le fait que sa famille a l'air de trimballer un trésor maudit, ils sont victimes des intrigues d'une reine qui veut les empoisonner. Alors ça, c'est dans la version longue des prophéties de Merlin, donc ça poserait question de comment ça se retrouve là, c'est-à-dire que si ça, c'est vraiment influencé par un fond mythologique norrois qui est à l'origine du personnage... Alors ça voudrait dire que les épisodes de la version longue prélèvent quand même quelque chose d'archaïque et de l'histoire originale. C'est quelque chose qui serait un peu compliqué. De la même manière, Arioli pense que les épisodes du BNF 358 sont peut-être inspirés par la version longue des prophéties de Merlin, notamment quand il libère des religieuses. Bah, du coup, ça poserait un petit peu un problème, parce que ça voudrait dire que le type qui a remanié Rusticien avait aussi sous les yeux la version longue des prophéties de Merlin. Donc il aurait combiné plusieurs traditions. Mais c'est pas une rencontre si improbable avec la mythologie nordique, parce qu'il mentionne notamment le château de Roncolo, dans le Tyrol, où il y a des fresques où on voit Siegfried aux côtés des chevaliers de la Table Ronde. Et donc, ça pourrait être le Tyrol, qui est au nord de l'Italie, qui est donc pas si loin entre l'Italie et le monde germanique. Et c'est pas improbable qu'il y ait une passation à cet endroit-là. C'est un très beau château. Je recommande, si vous êtes dans le coin, d'ailleurs, si vous êtes si vous avez fait randonnée au Grison, ce genre de choses. J'y suis allé quand... Et quoi, maintenant plus de 20 ans, non, littéralement ouais. 20 ans cet été, la dernière fois. C'était très joli. Et comme tu dis, il y a des jolies fresques. Même si j'avais complètement oublié l'existence du château jusqu'à ce qu'on le mentionne là maintenant, mais en fait, je me souviens très bien. C'est vraiment le château, c'est à côté de Bolzano, Bozen en allemand, et c'est la capitale du Sud-Tyrol, donc qui est la province italienne où on parle allemand. c'est juste à côté de la, de la, des Grisons. Enfin, c'est, mon arrière-grand-père a grandi juste à côté à Müstair, donc juste à la frontière. C'est la Haute Adige, en fait, en italien, l'Alto Adige. C'est une de ces, c'est des, une de ces régions, régions autonomes un peu spéciales. Bah, c'est autonome. Un reste de la Première Guerre mondiale, en fait. C'est comme le Val d'Aoste, en fait, qui est francophone. Francophone. Mais du coup, alors c'est un des points positifs du documentaire sur Ségurant, c'est que justement on a des jolies images de ces jolies fresques, s'il faut donner quelque chose de positif. Maintenant, Arioli remarque évidemment aussi que un chevalier qui tue un dragon, c'est un cliché arthurien depuis longtemps. Tous les chevaliers tuent des dragons. Lancelot tue des dragons, Yvain tue son serpent dragon, Tristan tue un dragon. D'ailleurs, y compris sur le château de Roncolo, il y a une fresque où on voit Tristan qui coupe la langue d'un dragon. Donc, même à Roncolo, on voit que c'est déjà quelque chose de banal pour un chevalier. Mais c'est vrai que c'est une possibilité intéressante. Après, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont été très déçus parce qu'ils ont appris, c'est lié à Siegfried, la mythologie norroise, ils sont jetés sur Ségurant, ils étaient là, mais ça n'a rien à voir. Oui, si c'est une inspiration, ce serait une inspiration assez distante. Voilà, ça conclut un peu notre examen des différentes variantes de Ségurant. Pour finir cet examen, je vais juste peut-être dire un mot sur cette fameuse, sur les fameuses questions que tout ça suppose, en revenant sur, très brièvement, on a un document là-dessus qui revient en détail sur, ces, sur le, la progression des études arthuriennes sur cette matière de Ségurant, si ça vous intéresse. Tout comprendre à Ségurant, il sera en lien. Mais revenir un peu sur comment tout ça a été découvert, en fait. Parce que si vous mettez tout ça bout à bout, en fait, quand Arioli arrive sur la scène, à la fois on connaissait ça et à la fois on en parlait pas tant. Le 7 avait identifié plein d'épisodes, des prophéties de Merlin ou de, qui dépendent de Rusticien ou de Guiron. Il voit déjà en 1891 que les aventures des Brins, donc Ségurant et sa famille, on en a dans le BNF 358, le 12599, les compilations de Rusticien et les prophéties de Merlin, donc il voit déjà à peu près toute l'étendue. Il fait aussi un lien au manuscrit de Turin, même s'il n'a pas pu le consulter. Lucy Allen Patton, elle voit ces liens, elle voit que le manuscrit de l'Arsenal faisait partie du mix des prophéties de Merlin, mais elle ne pense pas que c'est possible de reconstituer l'archétype, mais donc elle pense que Ségurant fait partie de ça. Dans les années 30, Ernst Brugger, il fait une série d'articles qui font 267 pages en tout, ils sont assez intéressants, mais en fait, il y a son article de 1938-1939, qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il parle principalement de Ségurant. Il parle aussi du tournoi de Sorolois et des aventures d'Alexandre l'Orphelin qu'on trouve dans les prophéties de Merlin. Mais en fait, ces épisodes-là, on les trouve aussi dans le Tristan en prose, quatrième version, dans la compilation BNF 112, etc. Donc, il y avait la question d'où viennent ces épisodes. Est-ce qu'ils viennent d'une source guironienne? Est-ce qu'ils viennent des prophéties de Merlin? Est-ce qu'ils viennent d'une autre source encore? Il pose cette question-là et il pose aussi une question sur la matière de Ségurant. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il aborde ça dans l'ordre qui est évoqué, dans l'ordre de lecture qui est évoqué par Arioli, quoi. Il va commencer par le tournoi de Winchester, les épisodes du manuscrit de l'Arsenal, puis les épisodes de la version longue, puis les épisodes complémentaires de la quest 12599. Il remarque qu'on le trouve aussi chez Rusticien, et enfin les prophéties sur le futur de Ségurant, son désenchantement par le Graal, sa croisade et son couronnement en Orient, et sa quête de la tombe de Merlin. Donc, l'ordre des épisodes, il les met déjà à bout et dit, bah, il y a déjà ça qui est, pour lui, en fait, l'élément le plus intéressant de tout ça. Maintenant, ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est qu'il a accès à ces textes que par les résumés de Patton et de Le Sept. Et il dit, c'est insuffisant pour juger. Et il les critique d'ailleurs pour ça. Il critique justement Patton de pas avoir voulu éditer et d'avoir fait que des résumés. Parce qu'il dit, bah, un résumé, c'est subjectif et tu laisses toujours des choses de côté, quoi. Mais malgré ça, c'est quand même un bosseur. Brugger, bon, tu parlais des Grisons, lui, il était basé à Davos, quoi. C'était un Ernst Brugger, un Suisse, donc il n'y avait pas grand-chose à faire à Davos, apparemment, donc il avait le temps de potasser les résumés de Le Sept et de Patton. Il est allé voir les fresques du château de Roncolo. Et en fait, il corrige Patton. Des fois, c'est pas pourtant qu'il a raison, parce qu'en fait, lui, typiquement, en fait, ce qui est très révélateur, c'est que du coup, il dit « Ségurant, c'est une figure du Palamède, donc de Guiron le Courtois ». Et c'est le truc qui revient un peu tout le temps chez lui, c'est qu'il dit, bah, il doit y avoir une source guironienne qui est à l'origine de tous ces épisodes-là. Et du coup, ça a été un peu la conclusion de la discipline pendant des années et des années, quoi. C'était que, oui, bon, Ségurant, il fait partie des prophéties de Merlin, mais surtout, il fait partie de la famille des Bruns, et donc il fait partie de la tradition de Guiron le Courtois, et Guiron le Courtois, c'est compliqué. Et donc, c'est un peu ça qui va un peu laisser passer tout ça à la trappe. La Tuyère, il résume tous les épisodes des versions alternatives en 1966, mais c'est au milieu d'une masse de centaines d'autres épisodes. Donc cet épisode où Ségurant tue un dragon, où il court après un dragon, bon, ça attire pas tant l'attention que ça. Je passe un peu sur toutes les mentions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le mentionner, Roger Sherman Loomis, Bogdanoff, évidemment, comme on le mentionnait dans la vidéo, mais souvent, on va passer un peu dessus. Passer un peu dessus. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est Cédric Pickford qui parle du manuscrit 112, et donc il parle des prophéties de Merlin, mais ce qui l'intéresse, c'est surtout le tournoi de Sorelois et les aventures d'Alexandre l'orphelin. Et il dit, ah, les prophéties de Merlin, il y a le manuscrit d'Arsenal qui a des épisodes particuliers, mais il ne les détaille pas du tout. Et à un autre endroit, il parle de Ségurant, puis il dit, ah, il y a des personnages de Guiron le Courtois comme Ségurant. Donc Ségurant, c'est un personnage de Guiron le Courtois, mais on ne va pas mentionner le manuscrit de l'Arsenal. Il est un peu négligé comme ça. Et c'est un peu la règle. C'est que ce manuscrit était tardif, Guiron le Courtois, c'était un fouillis indescriptible et qu'on n'avait pas encore édité ou maîtrisé. Les prophéties de Merlin, pareil, on n'avait pas très envie de se replonger dedans, donc on négligeait un peu l'édition de Patton aussi. Et en fait, on a très vite eu tendance à considérer que la version longue qui avait le plus d'épisodes, c'était la version de base, même si ce n'est pas forcément ce que révèle l'examen des manuscrits. Mais c'est surtout celle qui a été éditée par Berthelot en 1992. Donc, finalement, on a un peu négligé le reste. Si on fait l'étude, si on regarde de façon panoramique les études arthuriennes, j'ai l'impression que Patton, c'est vraiment la première à avoir vraiment parlé du manuscrit de l'Arsenal. Le 7 parlait un peu de Ségurant dans les prophéties de Merlin avant, et puis il y a quelques mentions à la fin du 19e siècle aussi sur les prophéties de Merlin. Mais tout le monde s'appuyait souvent sur des éditions imprimées qui sont vraiment pas si fiables que ça. Ceci étant dit, donc, les études arthuriennes connaissaient Ségurant un peu. En 1964, il y a Vinaver qui en parle. En 1960, Pickford. Emmanuel Baumgartner, par exemple, elle en parle aussi comme d'un personnage de Guiron le Courtois. Mais ça peut être mentionné par Edina Bozocchi, par exemple, qui va comparer sa quête du dragon en 74 à la quête de la bête latissante. La même année, en 74, il y a Jacques Le Goff et Pierre Vidal-Naquet qui le mentionnent. Mais donc, c'est toujours des mentions assez superficielles, quoi. Et ça fait qu'on arrive en 2009, et Nathalie Coble publie son livre sur les prophéties de Merlin. Elle remarque que, tiens, oui, c'est vrai, on avait oublié, mais il y a ce manuscrit de l'Arsenal avec des épisodes uniques. Et elle publie un article où elle détaille, folio par folio, tous les épisodes uniques de ce manuscrit. Et donc, bah, effectivement, quand Arioli arrive en scène en 2010, il y a du boulot à faire, parce que Nathalie Coble pense plutôt à une compilation tardive, c'est comme ça que ça va être compris par ses collègues. Elle évoque quand même l'hypothèse qu'il pourrait préserver des fragments inédits anciens. Elle le mentionne quand même, elle dit que c'est évidemment une possibilité. Mais son titre, c'est « Un nouveau Ségurant Lebrun en prose, un roman monté de toutes pièces ». Elle a quand même l'air de penser que c'est une compilation tardive, même si elle va amender son opinion. Ou alors, il y a aussi une thèse de 2009 sur le BNF 340, où on dit « Ah, il y a un folio où on invoque un dragon » pour expliquer la maladie de Ségurant sans grande conviction. Et donc, il n'y a pas du tout de connexion qui est faite à toutes ces versions. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'avant qu'Arioli entre en scène, tout était connu, pas du tout. Je pense que même les spécialistes, même des gens qui s'y connaissaient très bien, ne connaissaient pas bien les prophéties de Merlin, ne connaissaient pas bien Guiron. Et donc, le parterre de gens qui le connaissaient était très restreint. Mais en fait, l'information était là. Si on avait été lire Patton, bah, vous avez un résumé de ses manuscrits uniques en 1926, et Coble rouvre le dossier. Quand Arioli arrive, eh ben, ce qui reste à faire, c'est surtout des questions philologiques, en fait, notamment le lien avec la compilation de Rusticien, qui a édité, enfin Rusticien 2, qui est édité par Lago Marcini, et c'est ça qui va vraiment poser problème. Bon, puis il y a aussi un boulot systématique de défrichage, en fait, d'aller chercher, voir si ces versions-là, cette version de l'Arsenal ne se trouve pas ailleurs, s'il n'y a pas des correspondances particulière, ce que fait Arioli aussi. Il a fait, quand il dit qu'il a écumé les bibliothèques, alors c'est pas la pièce du puzzle manquante, ou alors si c'est pour le cas, il l'a pas trouvé, ou pas vraiment, mais en tout cas, il a clairement fait un boulot quand même en termes de qui aurait été aussi très difficile à faire avant le 21e siècle, en termes de savoir voilà, où c'est qu'il y avait des manuscrits qui contiennent des éléments similaires. T'es pas obligé de faire toutes les moins de bibliothèques si tu peux au moins voir les catalogues un peu à l'avance, même si d'entre eux sont numérisés en plus. Et c'est vrai que c'est une partie du travail aussi importante qu'a fait Arioli en termes de systématique en fait. Oui, après les questions qui se posaient, c'est vrai que Brugger il se pose déjà ses questions, Patton se pose ses questions, Cobble dans une certaine mesure. Ils auraient été en peine de le faire à l'époque, ça, c'est ça, mais il y a aussi... Il y a aussi peut-être que je pense les gens, les gens sous-estimaient peut-être tout ce que Patton avait fait dans son édition. Elle le présente parfois de manière un peu elliptique, ou peut-être simplement il y a eu des retards qui ont été pris dans les études parce que certains manuscrits étaient indisponibles. Il y a le manuscrit de Turin qui a brûlé, il y a le manuscrit Bodmer qui n'était pas disponible pendant très très longtemps. Mais je crois que ça illustre assez bien comment quelque chose de méconnu et quelque chose d'oublié, c'est pas si différent. Le fait de dire oui, techniquement, c'était dans un livre ou dans des articles des années 30, c'est vrai, mais ça veut pas dire que c'était quelque chose d'évident ou qui était vraiment connu. Enfin, si c'est connu par quoi, 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes maximum, c'est clairement quelque chose, un dossier qui méritait d'être rouvert. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été rouvert en mettant en avant la partie la plus spéculative, donc un roman perdu de la fin du XIIIe siècle, qui en fait n'est pas attesté en dehors du manuscrit de l'Arsenal. Ce texte n'existe pas séparément, à part pour les deux épisodes qui ont été repris par Rusticien, si c'est bien Rusticien qui les a repris et que l'échange n'est pas dans l'autre sens. Parce qu'on pourrait imaginer d'autres scénarios que Rusticien écrit avant et qu'il inspire les prophéties de Merlin, mais qu'ensuite c'est les prophéties de Merlin qui écrivent tout le reste. Et on se retrouverait avec l'hypothèse de Le Sept, qui avait une geste des brins, ou avec l'hypothèse d'une source guironienne, mais sauf que c'est une source guironienne assez restreinte. Et il y a aussi quelque chose qui pourrait être similaire, c'est ce que Philippe Ménard disait pour la quest post-vulgate. C'est-à-dire qu'on en avait déjà parlé, mais la théorie de Bogdanov sur la reconstitution de la post-vulgate a été très très disputée, et surtout qu'elle n'a pas bougé pendant les décennies où elle a travaillé, mais notamment elle pensait que la quest post-vulgate avait été influencée par la première version du Tristan en prose, V1. Sauf que, une fois que ça a été édité par Ménard il disait, en fait, c'est assez évident que cette version n'est pas une version originale, elle dérive de la version commune, la V2. Et donc, elle ne peut pas avoir inspiré la quête post-vulgate. Alors il dit, oui, il y a bien eu une quête particulière qui a inspiré le Tristan en prose et peut-être d'autres choses, mais elle est perdue. Et on ne peut pas la reconstituer en collant ensemble des bouts de texte qui en dérivent, en fait. Genre, ce que Philippe Ménard dit, c'est que ce que fait Bogdanov n'est pas justifié, parce qu'on ne peut pas ressusciter ce texte avec des textes portugais du XVe siècle, des textes français qui datent d'après, etc., même s'il y a bien une source perdue. Et ce serait une possibilité aussi pour cette matière de Ségurant de dire, oui, il y a bien eu une source qui a inspiré toutes ces mentions à la fin du XIIIe siècle, mais peut-être qu'elle a été partiellement ou totalement perdue, et que le manuscrit de l'Arsenal, ce serait l'œuvre d'un fan de Ségurant qui aurait reconstitué ça à partir des mentions qu'il a trouvées ou de morceaux. C'est clair que ce n'est pas une hypothèse très économique. Moi, je pense qu'il doit quand même avoir raison sur le fait que Ségurant, c'est clair, il faisait partie du mix. Et donc, peut-être qu'il a hérité de fragments qui ont été complètement oblitérés dans le reste de la tradition. Mais il présente ça comme complètement improbable, alors que, en fait, ça demanderait simplement d'avoir... sous les yeux, les prophéties de Merlin version longue, vous auriez les prophéties sur Ségurant et les épisodes avec Golistan et compagnie, et d'avoir Rusticien 2. Et le truc, c'est que dans l'autre sens, lui, il imagine que Rusticien 2, il aurait eu sous les yeux la suite Guiron, la quest 12599, et les Our-prophéties ou les prophéties de Merlin sous une forme ou une autre. Donc, quand on imagine Rusticien 2 avec trois sources sous les yeux, ou par exemple le BNF 358 avec Rusticien et les prophéties de Merlin, c'est pas si improbable que ça. Maintenant, je pense que cette hypothèse, juste comme ça, elle est pas très convaincante. Je la mentionne parce que c'est évidemment ce qu'on peut supposer comme alternative, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut difficilement expliquer comme du développement d'allusions. C'est très difficile d'expliquer ça, c'est un problème qu'on a rencontré plusieurs fois, c'est-à-dire quand il y a une histoire qui est annoncée quelque part et développée ailleurs, est-ce que c'est celui qui l'a développée, en fait il a préservé une histoire ancienne, ou bien est-ce qu'il a développé des allusions, et souvent c'est des arguments qui deviennent vite circulaires, quoi. Mais on peut s'arrêter aux conclusions des collègues d'Arioli, Christine Ferland-Pinaché ou Damien de Carnet, qui disent oui, il y a une matière de Ségurant à la fin du XIIIe siècle, maintenant... Est-ce que toute la version cardinale existait? Ça dépend à quel point vous faites confiance à un manuscrit du XVe siècle. Enfin, qui date d'entre 1390 et 1403, donc toute fin du XIVe ou début du XVe. Je pense qu'un truc qu'il faudra... Bon, c'était intéressant de parler de Ségurant d'abord parce qu'il était dans le truc, mais je pense que ça aurait peut-être été plus... je dirais pas simple mais ça aurait été intéressant de parler de Guiron d'abord, pour certaines raisons, parce que je pense qu'on aurait pu aborder ça, disons, si Guiron n'était pas arrivé dans l'histoire en ce moment, je pense qu'on serait naturellement allé de Guiron qui est en train de finir d'être édité, résumé et défriché, et on serait ensuite allé à Guiron là, on fait un peu les choses en inverse. Je pense qu'un de mes gros problèmes quand j'ai commencé à essayer de comprendre cette tradition, c'était vraiment l'existence de cet immense morceau que représente Guiron, enfin toutes ces traditions autour de Palamède, Meliadus, qui sont vraiment une tradition encore peu connue et qui gagnerait plus à être connue. Je pense que tu pourrais... c'est rigolo qu'il n'y ait jamais eu de truc, un roman arthurien qu'on pensait inéditable pour vendre Guiron, par exemple. Que personne essaie de vendre Guiron comme... le cheval de la table ronde que vous ne connaissez pas, quoi. Parce que c'est à peu près la même chose que Guiron, finalement. Il faut le vendre, hein, parce que, bah, justement, en fait, ça nous aurait éclairé un peu, mais après, en fait, dans les épisodes de Meliadus ou du Guiron, enfin, dans Guiron le Courtois, proprement dit, on ne trouverait pas Guiron, en fait. Guiron, il se trouve dans ses compilations guironiennes, mais si on essaie de reconstituer la forme originale des romans, d'ailleurs, on peut se demander si le groupe Guiron a raison de faire ça aussi, d'essayer de rembobiner l'histoire de ces textes très compliqués, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est justement... ce qui est intéressant et perplexant, c'est le foisonnement. Mais je ne sais pas si ça aurait été si éclairant pour cette matière-là de commencer par Guiron. Maintenant, ça aurait certainement été plus chronologique. Mais il y a une complexité aussi, c'est ce qu'on a dit pour tous ces textes, c'est qu'en fait, vous ne pouviez pas les lire. La quest 12599, on disait, bon, il est connu depuis la fin du 19e, mais Damien de Carnet l'a édité qu'en 2021, donc après les travaux d'Arioli. Donc c'est aussi... Arioli, il ne peut pas, lui tout seul, jeter un coup de projecteur sur tous ses textes en même temps et les éditer en même temps. Il a édité des morceaux, c'est déjà beaucoup. Et se pose la question après de comment en parler quand, justement, ils ne sont pas traduits, parfois pas vraiment édités. Et comment on peut... quelle responsabilité il y a pour la communication publique quand on veut justement faire quelque chose d'un peu sensationnel? Arioli, il insiste beaucoup sur la découverte de fragments qui, en fait, n'apportent pas grand-chose. Le fragment de Bologne, bah, il ne l'a pas découvert déjà, et il a déchiffré 4 mots de plus dessus. Il y a des fragments qui n'apportent pas de texte à son édition. Il y a le fragment de Trèves, que Patton disait qu'elle connaissait que par une recension. Bah, en fait, lui, il l'a retrouvé à Trèves, il est toujours là. Mais il n'est pas impliqué dans sa reconstruction parce qu'en fait, il est pas, il parle pas de Guiron du tout. C'est pas un des épisodes qu'il a édité. Enfin, mais malgré ça, comme il faut parler de quelque chose que le public comprend, il faut dire « Ah bah, j'ai trouvé des bouts de manuscrits, quoi. » Parce que c'est un truc que les gens comprennent instinctivement. Le fait de comprendre comment on va agioter la place des épisodes 8 et 10 de la version cardinale dans l'arbre généalogique de cette deuxième compilation de Rusticien, c'est beaucoup moins évident. Et c'est des arguments qui sont beaucoup plus, même pour des spécialistes, réversibles et qui ont déjà de la peine à convaincre leurs collègues. Qui ont déjà de la peine à convaincre leurs collègues qui sont des spécialistes, qui lisent le français médiéval, qui ont pour métier d'éditer des textes, ils n'arrivent déjà pas à les convaincre. Alors, bonne chance pour expliquer à un public non formé comment, ce qui est la bonne hypothèse en 5 minutes, quoi. Et là, ça soulève effectivement des soucis déontologiques de vulgarisation, si vous bossez un peu là-dedans, et qui, à mon avis, peuvent justifier que parfois, ben, on s'appuie sur des simplifications terribles. Mais c'est pas la méthode Rex Condam, Rex Que Futurus, en tout cas. Alors voilà, ça conclut notre exposé assez long et peut-être un peu laborieux de cette matière de Guiron. Encore une fois, si ça vous intéresse, on a fait une vidéo dessus, où on voit les choses de manière un peu plus visuelle. Et on a aussi fait un document d'une centaine de pages, des diagrammes, des tableaux que vous pouvez consulter, et qui sont, à mon avis, beaucoup plus clairs que juste un récit linéaire pour comprendre comment ces histoires sont liées les unes aux autres. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, à nous laisser des commentaires, etc. On essaiera d'y répondre au maximum. Ceci étant dit, on va vous laisser là pour cette fois. La prochaine fois, on ne sait pas quand on vous retrouvera, on espère assez vite. On vous parlera peut-être des prophéties de Merlin en version longue, d'explorer un peu ce récit-là qui est aussi très intéressant, mais qu'on n'a que très partiellement vu aujourd'hui. Ou peut-être qu'on reviendra sur les terres de la perfide Albion pour revenir sur des histoires, quelques romans anglais, comme on avait commencé à le faire tantôt. Avant de s'attaquer au rusticien anglais, qui est Mallory. Le rusticien anglais. Alors heureusement, il n'y a pas eu de Guiron anglais, pas plus que ça, mais... Ça aussi, ce sera une question. Comment est-ce qu'on va aborder Guiron, Rusticien, etc. Est-ce qu'on va vraiment vous réussir trouviez, est-ce qu'on vous trouvez réussir que cet épisode est trop long? Vous trouvez que cet épisode sur le Lance Graal était trop long? Ouais, c'est ça. On va voir si est-ce qu'on a le talent complétiste. On complète ici. Là, on vient de dépasser les 100 heures de Rex Quondam, Rex Que Futurus. Donc, si vous avez écouté tout ça, déjà félicitations et merci d'être resté avec nous. D'ici là, on vous souhaite un bel automne, puisque ou une belle fin d'été en tout cas. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue.